8 septembre de l'année 2022, c'est la date où est produit cet enregistrement avec Berthold que vous voyez comme à l'habitude à l'écran. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Donc, sinon, la voix que vous entendez, eh bien, c'est celle de David qui, comme je l'ai fait plusieurs fois avec Berthold, on va propose ce soir d'aborder différents sujets. En fait, la dernière capsule que j'avais faite avec lui parlait en fait de son intégration de la conscience au quotidien. Fait que là, je l'avais amené à parler de son vécu sur un plan un peu plus personnel. Et en complémentarité avec la dernière capsule que j'avais faite avec lui il y a quelques jours, cette fois-ci, j'ai eu l'idée de faire quelque chose de nouveau, d'inédit, c'est-à-dire aborder un sujet comme d'habitude. Ça, je l'ai fait souvent au fil des ans. En fait, le sujet que je vais aborder, c'est l'utilité pratique des contacts avec le plan éthérique. Mais l'angle d'approche que j'ai particulier aujourd'hui, ça va être ce que je propose de faire sous la forme de questions-réponses. Et les questions que j'ai l'intention de poser à Berthold, j'ai déjà écrites. Et donc, les gens, si ça vous intéresse, avant d'écouter l'enregistrement d'aujourd'hui, bien, vous pourriez prendre connaissance des différentes questions qui vont figurer là en bas de l'enregistrement présent. Donc, ça pourrait donner place à une écriture d'écriture visant à faire jaillir le savoir que vous portez en vous. Donc, vous pouvez lire le document avec les questions que je vais poser à Bertha dans les prochaines minutes au lien web en bas de cet enregistrement. Et donc, par rapport à des questions de type ouverte, et ensuite, bien, c'est sûr, vous pourrez prendre en considération les réponses que Berthold peut donner là, aux différentes questions. Donc, avant de faire l'entrevue, aussi, j'ai répondu à chacune des questions que je vais poser à Berthold par moi-même. Et vous allez avoir le texte de mes réponses en bas de l'enregistrement. Pourquoi? Bien, parce que par rapport à certaines questions, on peut avoir plusieurs perspectives. Et c'est sûr que mon optique, à travers mes enregistrements, c'est naturellement aborder plusieurs sujets, mais ce qui peut être intéressant, c'est que les mêmes sujets puissent être abordés par vous-même. Et c'est sûr que l'essentiel, c'est pas nécessairement qu'est-ce que Berthold ou moi-même peuvent répondre aux questions, mais c'est plutôt vous, qu'est-ce que vous allez répondre par rapport à certaines questions. C'est sûr que c'est un plaisir pour moi de discuter avec Berthold puis de bénéficier au fil du temps de son intelligence. Mais la démarche de l'enregistrement présent sur le terrain là, auquel je vais vous amener, c'est d'explorer à travers l'écriture par vous-même certaines questions. Et pour pas influencer à l'avance Berthold par rapport aux réponses que j'ai déjà écrites, mon enregistrement, j'ai même enregistré ça en audio. Le texte que j'ai fait, question-réponse, mais je vais le mettre en ligne, dans le fond, après avoir complété l'entrevue avec Berthold. Donc, l'idée, c'est pour pas biaiser les réponses de Berthold. L'idée, c'est que si vous avez envie de faire l'exercice, je vous propose de maintenant mettre cet enregistrement sur pause, de répondre aux questions dont vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement, puis ensuite l'écouter, tout simplement. Donc, comment tu trouves, Berthold, cette idée d'exercice d'écriture? C'est bien correct. Tout le monde va avoir connaissance des réponses d'avance, sauf moi. Bien, en fait, les gens peuvent prendre connaissance là, des réponses que je vais donner aux questions, mais avant de faire ça, ce que je propose, c'est qu'ils prennent connaissance des questions puis qu'ils répondent par eux-mêmes. Ben oui, puis comme d'habitude, moi j'aime mieux pas savoir les questions d'avance, comme d'habitude. Oui, exact, pour que ce soit spontané, puis que, dans le fond, ça soit vraiment dans l'immédiateté, dans la vibration, du moment, là, comme on dit. Puis, cet exercice-là m'est venu en tête, puis ça va être des questions en lien avec l'intégration pratique de la conscience en complémentarité avec la dernière capsule audio que j'ai faite avec Berthold pour des fins d'intégration. Et pourquoi que je fais ça? C'est parce que dans le fond, en collaboration avec Issia Perrin. D'ailleurs, je la salue si elle nous écoute, qui a fait un travail de moine au cours des dernières semaines de transcription d'entrevue de Berthold que j'ai faite au cours des derniers mois. Donc, on était sur le point de conclure le deuxième livre de transcription. Et pour finaliser le deuxième livre, j'ai eu l'idée, si bien sûr elle veut transcrire l'entretien présent, de mettre l'enregistrement aujourd'hui en dernier chapitre, aux fins du livre, pour des raisons d'intégration. C'est-à-dire qu'au fil du temps, bon, j'ai fait des entrevues avec Berthold, on a parlé de cosmogenèse, d'esprit, de la vie avant la vie. On a parlé de plusieurs sujets, là. Mais l'idée, c'est ultimement un peu comme un dernier chapitre de livre, la dernière étape. Quelqu'un qui écoute des enregistrements depuis un certain nombre d'années, qui vit un processus de conscientisation, ultimement, c'est que la personne ait la capacité de répondre à des questions et de faire jaillir par elle-même le savoir qu'elle porte en elle. D'où l'idée de cet exercice. C'est sûr que ça peut porter sur différentes questions. Là, j'ai voulu amener ça dans une dimension vibratoire avec des questions ouvertes. Et bon, ça, c'est la petite introduction, puis mise en contexte par rapport à cet enregistrement qui va être particulier. Sinon, bien sûr, les gens qui apprécient les différentes initiatives de diffusion web que je fais au fil du temps, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement. Et c'est sûr que je mentionne aux gens qu'au fil du temps, j'ai mis à la disposition du public sur archive.org, qui est un site d'entreposage d'enregistrements en format MP3 au-dessus de 600 enregistrements. Donc, vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement. Sinon, en date d'aujourd'hui, mon audiothèque d'enregistrement de Berthold, que vous ne retrouverez pas ailleurs. Même Berthold ne sauvegarde pas des copies de ses enregistrements. Donc, je suis la seule personne au monde qui détient cette audiothèque qui comporte au-dessus de 450 enregistrements. Donc, c'est pas toutes des entrevues, là. Il y a des extraits aussi de tes enregistrements, là, naturellement, mais quand même, on en vient à une quantité quand même assez grande, là. Pensais-tu qu'il y en avait autant? Ben, je me doutais qu'il y en a beaucoup, là, mais je ne les ai jamais comptés. OK. En tout cas, parce que dans le fond, le site archive.org, dont vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement présent, comme le premier livre de transcription d'entrevue avec Berthold que vous avez, tout est là. Mais c'est ça, si vous allez sur archive.org, tout est. Ils se notent tout seuls, là. T'sais, c'est, à chaque fois que j'en rajoute un, ça rajoute. Puis là, je regardais le total au-dessus de 450. Donc, on en a quand même fait plusieurs ensemble au fil du temps. C'est sûr, il y en a aussi de toi en solo. Donc, quelqu'un qui veut écouter ça en MP3, il y en a pour plusieurs heures. Donc, assez de mise en contexte. Sinon, de ton côté, est-ce que tu avais des annonces à faire? Non. Parfait. Donc, on va pouvoir débuter à proprement dit. Donc, je vais commencer avec la première question de cet exercice qui vise à déployer une écriture vibratoire qui fait appel à votre sensibilité, votre capacité d'intuition, puis être capable d'être à l'écoute de votre esprit, ce que certains vont appeler le double ajusteur de pensée. Bon, donc première question. Si l'individu, dans son rapport avec l'occulte, ne peut pas forcer les forces à ce qu'il ait plus d'argent pour avoir plus d'aisance financière, s'il ne peut pas les forcer à lui donner une santé parfaite, voire des guérisons, s'il ne peut pas les forcer à l'amener à rencontrer la conjointe ou le conjoint parfait qui va répondre à ses besoins pour les gens qui sont célibataires et bien d'autres choses pour améliorer sa condition, à quoi cela sert d'être en contact avec elle dans l'optique d'améliorer sa situation au quotidien? Ben, il faut que c'est que l'individu doit intégrer que c'est par lui-même qu'il va finir par réussir des choses comme ça. Il ne peut pas compter sur l'occulte. C'est-à-dire que ce qui est dans l'invisible va pas vouloir faire les choses à sa place. Le but, c'est que la personne l'intègre puis qu'elle devienne créative dans sa vie. Donc, les forces vont jamais aider nécessairement l'individu en lui donnant des choses, mais vont le mettre en situation pour que la personne, finalement, avec le temps, finisse par soit être capable de s'en passer, soit être capable de l'acquérir par elle-même sans aide de l'invisible. Oui, mais l'idée, c'est que, parce qu'on a fait plusieurs enregistrements au fil du temps, c'est qu'à un moment donné, d'être conscient de l'esprit, puis dans notre dernier enregistrement, on parlait de ton vécu pratique, puis de ce que je comprenais, de ce que tu me disais, ben écoute, dans le fond, le processus de conscientisation que je vis depuis plusieurs années n'a pas, m'a pas nécessairement amené à avoir de l'abondance financière ou... Non, ça m'a apporté mieux. Vas-y. Ben, c'est ça. C'est la capacité justement d'être capable de supporter mon expérimental, c'est-à-dire ce qui ne marche pas, d'être capable de l'accepter. Puis les choses qui fonctionnent, c'est vraiment par moi. C'est un peu comme apprendre à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Donc, les forces dangereuses, c'est celles qui donnent gratuitement des choses parce que l'individu ne deviendra jamais créatif, il ne sera jamais en puissance dans sa vie. Dans le sens C'est que tout. ça le garde dépendant. C'est ça. Donc, demandez, vous recevrez, c'est dangereux, ça. Mais ça dépend la forme que ça va prendre. Mais il reste que si on avait tout gratuitement, sans effort, l'individu évolue pas. Ça va contre les lois évolutionnaires. Donc, ça va s'arranger pour créer de l'adversité, pour forcer l'individu à intégrer des lois de vie. Donc, jamais que l'invisible, il peut, oui, il peut te donner des indices ou des fois te faire voir pourquoi ça fonctionne pas. Mais ils vont jamais te donner des choses comme ça, gratuitement, facilement. Si ça devient le cas, là, c'est dangereux. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, dans le fond, les forces au niveau éthérique, au niveau supramental, ne chercheront pas à donner quelque chose gratuitement dans le sens de garder l'individu paresseux, là. Ben, c'est ça. C'est extrêmement qu'elle, c'est comme que les gens qui font fortune. La personne qui hérite d'une grande fortune, elle perd facilement ce qu'elle a, mais la personne qui l'a fait par elle-même, elle va conserver facilement ce qu'elle a. Oui, je comprends ce que tu veux dire parce que, dans le fond, la personne qui développe la fortune, ben, est obligée de se mettre en action. Tu sais, il faut qu'elle C'est fasse ça. des actions concrètes. Mais si elle fait tout par elle-même, justement, puis elle se met en action, donc à quoi ça sert d'être en contact avec les forces si finalement, ben, c'est elle-même qui fait le travail, tu sais? Ah oui, mais c'est là qu'il y a une intégration. Il faut quand même être en contact avec de l'intelligence pareille. Mais c'est plus une instruction, c'est pas un don d'être instruit de pourquoi ça marche pas. Puis de voir la situation d'une façon objective, c'est bien plus utile que de se faire donner tout cuit tout le temps. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais le point, c'est que, à quelque part, si, par exemple, la personne, bon, a fait des affaires, tu sais, a fait des placements boursiers, elle achète puis vend des titres, puis n'est pas à l'écoute de la dimension intuitive ou vibratoire en disant, ben, vous ne manipulerez pas, vous ne me déformerez, vous me désinformerez pas, je suis à ma tête. Bien, finalement, la personne elle gère son compte en ligne pour faire des achats ou des ventes d'actions comme quelqu'un qui est athée. Pas nécessairement. Ben, je veux dire, c'est pas pareil. Même la personne qui est athée, même si c'est inconscient, elle va être en contact avec de l'intelligence. Elle va avoir de l'intuition pareille. Pas besoin de croire en une force supérieure pour être en contact avec de l'intuition puis de l'intelligence. C'est juste, ça va prendre des formes différentes. Oui, mais quelqu'un qui est athée peut dire, ben moi, l'histoire des intuitions, que ça vient de l'esprit, du double ajusteur de pensée, ça, c'est tout de la bullshit. Moi, je fais confiance à la raison. J'utilise des graphiques pour prédictifs par rapport à l'augmentation, par exemple, de la valeur d'une action en m'appuyant sur des statistiques là, par rapport à l'étau de grands indicateurs financiers, que ce soit le Dow Jones, S&P 500, et ainsi de suite. Ben souvent, on se rend compte que ça fonctionne pas, là. C'est comme les modélisations fait dans, comme à l'université Oxford, là, qui sont basés sur la raison pure, puis de l'intelligence artificielle, souvent ça marche pas. Il y a des inconnus, mais même une personne qui est athée puis qui pense que c'est tout de la bullshit, l'esprit, puis tout inconsciemment, elle va suivre des intuitions pareilles, qu'elle veuille ou pas. C'est juste que ça va prendre la forme de la raison parce qu'il va y avoir une rationalisation. Mais ça revient au même. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que malgré elle, elle vit quand même une forme de contact avec occulte, sauf Ben que oui. ça ne sera pas dans le cadre d'un dialogue ouvert, télépathique, intra-psychique entre elle et son esprit, là. Ben oui, ben. C'est un peu comme quelqu'un qui pense que comment je pourrais dire ça? Prend quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien d'intéressant dans les rêves, puis que ça donne rien d'analyser ça, mais avoir rêvé pareil. Ouais, je comprends. Donc, Les ouais, vas-y. intelligences au-delà de la forme vont pas arrêter de. Il va avoir un jeu pareil, là. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme dire que la personne soit consciente ou pas du principe, à l'effet que la pensée vient d'ailleurs, le principe va s'appliquer pareil. Ben oui, parce que sinon, ça fonctionnerait plus, la personne ne fonctionnerait plus normalement, psychiquement, si ces structures-là cessent d'exister parce que la personne ne les voit pas. Au contraire, même, on dirait que moins c'est vu, plus ça agit. C'est juste que là, ça va créer de l'expérimental pour que ça s'intègre par de la souffrance expérimentale ou de la déception ou des choses comme ça. Si on s'en remet uniquement à des modélisations puis de la rationalisation, l'expérimental, il risque de. Mais ça risque, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes. Même les gens qui sont totalement athées, ils ont quand même une relation avec de l'invisible. Ils peuvent pas faire autrement. C'est juste qu'ils vont le rationaliser. Mais. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, si on le prend au niveau des neurosciences, on peut évoquer par exemple la théorie du cerveau trait unique ou par exemple, le néocortex va prendre en considération à retardement l'activité du cerveau reptilien, plus instinctif, puis également là, du cerveau aussi lié aux émotions. Tu sais, c'est comme la personne, comment dire, la dimension instinctive agit plus rapidement que le néocortex qui est analytique. Fait que des fois, la personne prend conscience avec un certain temps de décalage de mécanismes automatiques qui sont enclenchés par le cerveau reptilien. Ben oui. De toute façon, le cerveau, il actualise l'information. Mais il risque que. Même les peuples primitifs vont savoir des choses instinctivement, souvent plus rapidement que ceux qu'on appelle civilisés. Qu'eux autres, ça va prendre la forme de la rationalisation puis de l'intellect. Mais ça peut être. Au fond, ça ralentit l'information souvent. Donc, des fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais c'est juste que l'être humain rationalise son expérience. C'est ça l'intellect. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est intéressant de le regarder là, dans le sens que, en fait, la dimension émotionnelle, c'est lié au cerveau limbique, là. Mais c'est quand on regarde juste la mécanique des cerveaux, ben toi, est-ce que tu vois dans le sens que le cerveau est juste un appareil de traitement de l'information? Ben, c'est une sorte de filtre OK. qui actualise. C'est lié aussi à la sphère biologique incarnée là, d'un corps matériel. Donc, veut pas, l'âme est incarnée dans un corps matériel, ça prend des filtres, ça prend quelque chose qui coordonne l'énergie. Donc, le cerveau il sert à actualiser de l'information, il sert à l'actualiser pour quelque chose d'incarné dans le plan matériel. C'est pour ça que, par exemple, il peut y avoir des états modifiés de conscience. Sinon, on aurait tout le même état rationnel tout le temps. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais y aller avec la deuxième question. Si la personne n'est pas consciente de l'existence des forces, elle ne va pas les prendre en considération et elle va évaluer par elle-même la pertinence ou non de faire quelque chose. Par exemple, cela peut être de faire un placement à la bourse par rapport à un titre boursier particulier à un moment précis. Si la personne est consciente de l'existence des forces, qu'elle ne doit pas les croire et qu'elle peut le désinformer de par les pensées qu'elle reçoit d'elle, donc elle doit tout de même évaluer par elle-même, alors à quoi lui sert d'être consciente de leur existence au niveau pratique? Ben, ça va bien plus vite. Si tu es conscient qu'il y a de la manipulation, si tu es conscient aussi que ça a un but qui est lié à de l'intégration à travers l'expérimentation, ça va aller plus vite, dans le sens que tu vas intégrer plus vite, veux pas, mais il reste que ça revient au même chemin. Mais la personne, ça dépend de la programmation qu'elle a, même si elle croit à rien de tout ça, puis qu'elle analyse juste rationnellement. Ça peut fonctionner pareil, comme ça peut ne pas fonctionner. Mais il reste que sa perception de ces phénomènes-là, c'est certain que ça va influer sur son expérience. C'est certain que plus les possibles envisageables sont larges, que chaque perception par rapport à l'expérimental, bon, tu vas avoir un champ plus large. Dans le sens que il y a des choses que tu vas envisager différemment, c'est certain que ça joue, là. Mais au fond, oui. C'est parce que l'écran devient gelé, là. Ah oui, bon. Est-ce que Ben, tu écoute, un commentaire. peux redire la phrase que tu viens de dire? Je m'en souviens pas. OK, mais c'est pas grave, là. Mais en réalité, ce que je comprends, c'est que si la personne est consciente des forces, dans le fond, le traitement de l'information va comme se faire plus vite, là. C'est comme ça ouvre des possibles. Oui. OK. Ben oui, ben le champ de perception va être plus large. Ça va être moins restreint, ça va être moins borné. OK, Mais si tu te oui. restreins juste au rationnel, ça ne fonctionnera pas. Parce que la bourse est influencée par d'autres qui investissent aussi, puis qui vendent, puis qui achètent. Puis les autres ne sont pas rationnels nécessairement. Le rationnel ne peut pas prévoir l'irrationnel. C'est pour ça que tu as certains programmes qui investissent à la bourse, puis ça marche pas. Ils peuvent pas. L'intelligence artificielle ne peut pas comprendre de l'intelligence irrationnelle. Puis la bourse, c'est quelque chose de profondément irrationnel. C'est lié à la crainte, c'est lié à la confiance, c'est lié à la peur. Donc, c'est difficile de prévoir ce que la masse va faire avec son argent. Parce que s'il y a des craintes irrationnelles, puis tout le monde vend. Ou bien s'il y a de la confiance irrationnelle, puis un paquet de monde qui achète, l'intelligence rationnelle d'un programme ça fera pas partie de son champ. Il n'y aura pas un champ assez large, il va y avoir des inconnus. Donc, ces programmes-là font des erreurs. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a une compréhension de la réalité ou est ouvert à une réalité multidimensionnelle ou une conscience vibratoire, ben c'est sûr que il va avoir une conscience plus vaste que la personne qui est rationnelle, qui va faire des erreurs liées au fait qu'elle est coincée dans un système réflectif. Ben oui, pourquoi les grands génies en finance, c'est des gens un petit peu irrationnels? C'est pas du monde avec un intellect froid puis mécanique parfaitement rationnel là, qui réussissent dans ces domaines-là. C'est certain, parce qu'il reste que de l'intelligence ultra rationnelle, parfaitement rationnelle, c'est artificiel. C'est de l'intelligence mécanique, mais la vie, c'est pas juste mécanique. Je veux dire, les lois de la vie, ils suivent pas la rationalité parfaitement logique d'une pensée machinale. Exactement. Mais en même temps, j'ai connu des gens qui disaient, ah, je fais des placements boursiers avec l'intuition, puis ça me dit d'acheter tel titre, ça me dit de vendre, ça me dit ci. Puis finalement, en tout cas, j'en ai connu un qui a perdu beaucoup d'argent par rapport à ça. Ben, faut qu'il y ait un entre-deux, faut pas non plus être totalement irrationnel. C'est comme un jeu, avoir un juste milieu, là. Oui, exactement. Mais en même temps, la ligne est délicate, puis c'est pour ça que je veux t'amener à parler entre autres de ce sujet-là pour apporter de la clarté. Parce que d'un côté, il faut être ouvert à la dimension irrationnelle, intuitive, vibratoire. Puis en même temps, ben, à quelque part, il ne faut pas se faire désinformer par elle ou manipuler. Oui, c'est ça. Mais au fond, ça dépend tout le temps. C'est au niveau de la clarté de la vue. Quand quelque chose marche pas, c'est parce qu'il y a des inconnus. Ça peut être d'un bord comme de l'autre. Ça peut être parce que la personne manque de rationalité. Ou ça peut être aussi parce qu'elle manque de créativité, là. Dans le sens qu'elle n'a pas le champ, elle n'a pas la vue assez large. Puis elle n'a pas l'empathie. Vibratoire pour voir venir les mouvements de foule d'avance. Parce que c'est pas compliqué, ces choses-là. Il faut que tu achètes un petit peu avant tout le monde, puis que tu vendes un petit peu avant tout le monde. Oui, bien idéalement que la personne ait une conscience visionnaire. Ben même là, si il y a moins d'inconnus, puis que tu as un champ large de vue, ben tu vas voir d'avance. Oui. Ça tient pas à grand-chose au fond. Sans doute, mais en tout cas, les gens qui ont réussi, conscients ou pas conscients, à devenir millionnaires avec la bourse, ça court pas les rues. Bon, il y en a plus qu'on pense. Mais l'affaire, c'est que ceux qui réussissent le mieux dans ce domaine-là, c'est des gens qui ont souvent une capacité de synthétisation. Donc souvent des gens qui vont avoir par leur famille, par leur culture, des liens avec le mysticisme qu'il y a dans le judaïsme, par exemple. Ça fait des bons spéculateurs parce que c'est cybernétique, ces choses-là. Donc c'est la capacité de comprendre les systèmes autorégulés. Parce que c'est juste l'énergie qui se promène dans des structures, Mais c'est là, quand tout. on parle de comprendre des systèmes autorégulés, là, on tombe dans une perspective irrationnelle. Pas nécessairement, parce que justement, c'est très, très irrationnel, ça. Si tu regardes le mysticisme juif, c'est pas rationnel au sens où on l'entend. Par exemple, comme au niveau juste de la cybernétique intellectuelle, là, y a des aspects irrationnels, c'est très subtil. Donc, c'est très irrationnel, le mysticisme. Pourtant, c'est de la cybernétique pareille. C'est comme les Chinois puis le Yiking. Il y a une part de ça que ça fait appel à autre chose que de la rationalité. C'est pour ça que c'est une forme de mysticisme aussi. Oui, parce que ça fait appel à des réalités intuitives. Ouais, de plus en plus subtil, entre autres. C'est-à-dire que la forme n'est pas toujours dense, puis l'énergie circule pareil. Là, rendu à ce niveau-là, c'est presque percevoir de l'invisible. Oui, exactement. Là, on se rapproche d'une conscience plus vibratoire, plus occulte du réel, bien que ça soit par rapport à des formes de plus en plus éthérées ou subtiles. Ben oui, parce que là, c'est de voir même de l'énergie avant que ça se cristallise. Donc là, ça devient, là, c'est pour ça aussi que les mystiques sont des visionnaires. Donc, c'est pas rationnel au sens où on l'entend, ça. C'est sûr. Ben oui, mais tu sais, c'est un peu comme Jeanne Mance qui décrit à Paul Chomedey ce qu'il va découvrir sur le fleuve Saint-Laurent alors que personne ne l'a jamais vu. Là, on peut parler de seconde vue. Mais ça peut être pareil, le mysticisme, ça peut être pareil dans n'importe quoi. Mais ça, c'est très irrationnel au fond. C'est pas irrationnel dans le sens que c'est délirant. C'est irrationnel dans le sens que c'est des modes de perception qui vont au-delà de l'intellect, comme on l'entend. Oui, c'est ça. Ben, on peut l'entendre dans le sens que c'est intuitif. C'est ça. Mais l'intuition, c'est pas irrationnel au sens de délirant. Non, C'est non. irrationnel au sens de l'intelligence au-delà de l'intellect. Donc, on pourrait même commencer à parler de cerveau éthérique. Exactement. Prochaine question. Est-ce que l'individu peut amener les forces à lui dévoiler des informations qui vont améliorer sa condition pratique, santé, finances et relationnelles? Si oui, comment? Oui, bien souvent, ça va être justement en intégrant l'expérimental. Jusqu'à un certain point, c'est ça le but de ces forces-là. Je parle de ce qui est évolutionnaire. Si tu es pauvre puis que tu en souffres, mais je parle, admettons, là, une misère de l'indigence, là. Quelqu'un qui n'a plus possibilité de maintenir une dignité de base, ben c'est la souffrance expérimentale qui va être transmutée en volonté, en capacité de combattre cette condition-là. Mais s'il n'y avait pas été mis en place les conditions contextuelles de cette indigence-là, si la personne était, jusqu'à un certain point, les forces qui vont mettre la personne en expérience au point d'y créer de la souffrance, c'est ça qui va la rendre créative, la personne. Si elle intègre son expérience, qui est tannée de souffrir, Bien, c'est là que elle va se mettre. j'allais en venir, parce que dans certains cas, si la souffrance est trop grande, il y a un point de rupture qui est franchi, puis la personne peut sombrer dans la dépression, également le suicide. Oui, mais ça, c'est quand que ça fonctionne pas. Là, on peut dire que quelque part, ben, la personne a fait partie d'un contexte, plus que le contexte fait partie d'elle. Donc oui, ça arrive. Mais tout ça est Ça va subtil. tout. Oui, c'est ça. Ça. Je vais te laisser continuer. Non, mais c'est un petit peu ça, là, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, ben en fait, peu de gens qui sont capables d'intégrer les oppositions événementielles là, dans leur vie. Mais tu sais, c'est particulier parce que par rapport à une même situation, il y a des gens, bon, dans la psychologie conventionnelle, on va parler de faculté de résilience, donc d'encaisser le choc. Oui, mais ça peut être, c'est pas la faculté de résilience qui va rendre créatif nécessairement. Ça va faire que la personne elle reste dans l'indigence, mais elle l'accepte. Finalement, au lieu de se suicider, elle reste dans l'indigence le reste de sa vie. Cette résilience-là, elle est dangereuse à mes yeux. C'est comme être mort sans avoir besoin de mourir. Non, dans la façon que tu l'entends, je le comprends. C'est comme la personne a dit, ah, ben, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis à mon pot dans une contestation de la condition pour déployer une intelligence créative, puis dire ça va faire, puis amener un changement vibratoire par une mise en puissance qu'elle pourrait connaître. Oui, ben, c'est que la personne est dans l'illusion que ça ne peut pas changer aussi. Donc, elle est dans la croyance. Ben Que, oui. à quelque part, ça ne peut pas changer. Ben oui, si tu dis il faut que j'accepte ce que je peux pas changer, à mes yeux, ça résonne comme une illusion, ça. Dans le sens que tout est mouvement puis tout se transforme. On n'est pas pour dire ben c'est fixe puis c'est statique puis. Mais en même temps, si je prends, parce que ce soit la santé, finances, relationnelles, tu sais, quelqu'un qui, par exemple, a un problème de santé grave. La personne est atteinte d'un cancer en phase terminale, là, ça devient difficile de pouvoir changer. Ben là, c'est parce qu'aussi, il y a un certain champ de possible là, expérimental. Si c'est restreint, c'est restreint. Dans le sens que c'est pas magique non plus. Dans ce temps-là, bon, la personne, jusqu'à un certain point, elle va accepter sa condition, mais ça restera pas statique. C'est-à-dire que la personne, finalement, elle va se préparer à mourir. Mais là, ça, ça peut être de la lucidité, là, dépendamment du contexte. Oui, mais c'est ça, tout ça est très délicat parce que dans certains cas, il y a des gens qui, face à un problème de santé grave, vont combattre la maladie, puis ils vont faire des traitements, puis tu sais, ils vont dépenser beaucoup d'énergie, tandis qu'il y en a d'autres, ben, sont plus passifs. Tu sais, il y a plusieurs attitudes. Mais il y a des exceptions aussi qui se manifestent. Il y en a des guérisons inexplicables. Oui. Ça arrive. Mais là, à ce moment-là, est-ce que ça vient vraiment de l'individu? Là, c'est plus mystérieux, là. Mais des fois, oui, il y a des phénomènes étranges. Il y a des gens qui sont condamnés, puis ils guérissent d'un coup. Puis la science va les cataloguer comme des exceptions. Mais ça arrive. Puis ça arrive dans tous les cas. Je veux dire, il y a des gens qui ont une bonne attitude, qui veulent se battre, que ça arrive. Puis il y a des gens qui sont résignés, qui pensent qu'ils vont mourir, ils arrêtent de se battre, puis ils guérissent pareil. Exact. Donc, c'est là, à un moment donné, qu'il va falloir que l'ego accepte que c'est pas lui qui a le contrôle tant que ça. Peut-être qu'il y a pas, il y a le contrôle au niveau de ce qu'il peut intégrer, puis du mouvement qu'il donne à son énergie, mais il n'y a pas le contrôle tant que ça sur l'événementiel, puis sur sa programmation. Tant que ça, là. Dans le sens que on n'est pas libre tant que ça. Mais il reste que l'expérience, bon, on peut choisir de la façon qu'on l'intègre ou pas. Si c'est vu. Fait que ça dépend tout le temps de la vue de la personne, de son observation. Mais il reste que tant qu'à moi, il y a toujours une partie, il y a tout le temps une partie qui va échapper à l'ego. L'ego peut pas avoir le contrôle sur ça. Quelqu'un qui a une dégénérescence de la vue, par exemple, ben, même s'il comprend les mécaniques, même s'il a intégré beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que ça va s'inverser. Donc, il y a une mécanicité là aussi. Puis il y a des choses qui sont implacables. Ça arrive. Mais des fois, d'un autre côté, il se passe ce qu'on appelle entre guillemets des miracles, là. Donc, non, c'est de, comment je pourrais dire ça? À mes yeux, que l'attitude, elle soit positive ou négative, c'est difficile là, de faire un lien de cause à effet. Parce qu'on a vraiment de tout là, au niveau expérimental. Oui, quoique il y a eu des recherches qui ont été faites en lien avec l'effet placebo, que si la personne, dans le fond, est mobilisée dans un processus de guérison, puis elle a une volonté de guérir ou un bon moral psychologique, ça peut, à une certaine mesure, Non, favoriser. c'est. Mais il y a une mécanicité à laquelle on n'échappe pas, là. Dans le sens que quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, l'effet placebo, C'est sûr, peut avoir des c'est pas limites. magique. Ben oui. Exactement, mais ça peut éviter de créer un surplus de souffrance psychologique qui va lui gruger de l'énergie qui pourrait être mobilisée pour favoriser les processus d'auto-guérison qu'elle porte en elle. Ouais, ben des fois, ça va donner un petit peu plus de temps. Ça retarde. C'est comme si on prend un certain. Il y a des personnages dans l'histoire qui étaient mourants, puis arrivait de nulle part un charlatan avec un remède miracle. Puis là, il y avait une petite amélioration, là. Mais ça, il reste que ça faisait juste retarder. Inévitable, mais c'est entièrement psychologique. Dans le sens psychosomatique, dans le sens placebo. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que peut-être qu'elle peut gagner un peu de temps. C'est sûr, si la personne gagne quelques mois ou quelques années, puis ça lui permet de mettre son testament à jour, mandat d'inaptitude, puis des choses plus fondamentales pour l'héritage, puis ces choses-là, ben c'est quand même ça de prix, là. Oui, quoique des fois, bon, c'est juste mécanique. Dans le sens que ça n'a pas l'air d'avoir de fonction tant que ça arrive d'une façon mécanique. Comme c'est arrivé, là. Ça arrive des fois. Mais il reste que, bon, c'est pas magique. De la même manière que c'est pas coulé non plus, c'est pas coulé dans le béton. Il y a tout le temps des exceptions. Oui, exactement. Prochaine question. Comment l'individu peut bénéficier de l'intelligence des forces sur le plan pratique? Ah, par la vue. C'est tout le temps comme ça. Je veux dire, c'est par l'observation. S'il y a une intégration, ça va être par de l'objectivité. Puis ça va être pratique. Pourquoi? Parce que le champ de la vue est plus large. Donc, il y a des choses qui vont être vues en temps réel, qui n'auraient pas été vues au niveau d'une subjectivité. L'intelligence, ça va toujours être lié à plus d'objectivité au niveau de l'observation. Puis après, la créativité, la capacité de donner peut-être une direction au mouvement, ça va être lié à une vue en temps réel. Mais oui, si au niveau là, comme ta question, c'est par rapport à comment est-ce qu'on peut bénéficier d'une façon pratique de l'intelligence. Oui. Ça va être tout le temps par une vue plus claire. Mais souvent, ça va être lié à de l'expérimental qui est intégré. Donc, c'est le fait de ne pas avoir vu avant, souvent. Excuse-moi, je te suis pas. Ben, pourtant, c'est pas compliqué. Comment je pourrais dire ça? Si tu vis une expérience extrêmement souffrante, Oui. puis que tu as intégré ton expérience, Mmh. puis que tu as une vue plus objective de la mécanique, une fois que ça va se reproduire, tu vas voir plus clairement ce qui se passe. Ça va être plus facile de ne pas revivre la même expérience. Oui, Tu dans le vas sens voir que le plus clair ce mental qu'il va faut. être transmuté, puis le pattern qui t'amenait à souffrir, ben, tu es capable de le dévoiler puis le déjouer. Ouais, ça dépend de ce qu'on veut dire par le pattern qui amène à souffrir, parce que le but, c'est pas de pas souffrir. Le but, c'est d'être créatif. Dans le sens que, oui, tu peux même souffrir d'avance parce que tu vois venir. Fait que tu vas éviter l'événement. C'est-à-dire, tu vas intégrer tu vas transmuter de la souffrance expérimentale en conscience, en temps réel. Mais ça, souvent, c'est parce qu'on a souffert avant. Oui, pour que la transmutation puisse se faire, puis à ce moment-là, la souffrance devient le carburant pour la créativité qui peut émerger. Oui, même des fois, une appréhension de souffrance. Fait que tu n'auras pas à la vivre nécessairement. Mais là, ça veut dire qu'on a atteint un certain point de créativité. C'est-à-dire, juste l'appréhension que c'est pas la bonne chose va empêcher que tu tombes dedans. Juste par de l'expérimental souffrant qui était intégré avant. Si tu coupes quelqu'un de sa lumière, les forces peuvent faire n'importe quoi avec. Je parle des forces expérimentales, justement, qui engendrent de la souffrance. Si quelqu'un est coupé de sa lumière, ils vont faire n'importe quoi avec. Tu peux faire n'importe quoi avec. Ce qui s'est passé en Saskatchewan, là, il y a deux hommes qui ont tué plein de monde. C'en est ça, des forces planétaires. Antium, Ben qui peuvent se oui. manifester à travers des individus, là, ouais. Bon, ben, ce qui sert de support pour les couper de leur lumière, c'est probablement un vécu souffrant qui n'a pas été intégré. Par compensation, ils sont tombés probablement dans l'alcool, la drogue, puis la recherche d'euphorie. Puis ça sert à continuer à faire qu'ils sont coupés d'une certaine lumière, puis il n'y a pas de conscience. Donc, ça peut pas leur servir, là, d'un point de vue pratique. Y a plus de lumière, il n'y en a pas. Ils sont coupés d'eux. Donc, à ce moment-là, puis ça peut être le cas de n'importe qui. Ça vraiment, c'est capable de prendre n'importe qui puis de faire n'importe quoi. Si quelqu'un est coupé d'avec sa souffrance, c'est là qu'on voit qu'il y a un ego psychologique, c'est pas intelligent tout seul. Oui, ben c'est comme un bateau sans gouvernail. Ben oui, puis même, il n'y a pas de capitaine, il n'y a rien. Donc, la personne peut être possédée par différentes forces qui vont l'amener à faire des actions là, dans des états, peut-être même de psychose. Ben oui. Si tu prends n'importe qui, même quelqu'un d'extraordinairement intelligent, puis que tu le fais boire pendant des semaines de temps, puis tu le trimballes ici par là, puis avec des mauvaises influences, puis dans des ambiances qui le coupent de sa lumière, tu peux prendre un saint puis en faire un danger, tu peux le rendre stupide. Même quelqu'un d'extrêmement intelligent, si tu le fais boire à outrance, il va devenir stupide. Il va être coupé de sa lumière. C'est la même chose avec n'importe qui. Mais si il y a une intégration de la souffrance expérimentale, la personne va éviter de se faire couper. Donc, si tu offres de la drogue, il va dire non. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça pareil. Ben oui, parce que c'est sûr, si on pense à, par exemple, quelqu'un qui prend de la drogue ou de l'alcool, qui est dans un état altéré psychiquement en vivant une forme d'ivresse, donc il n'y a pas la clarté psychique de quelqu'un qui a un mental froid à jeun, là. Ben non, c'est là que le confort devient dangereux. puis que la souffrance est salutaire. Si t'es rendu à Vancouver à vivre dans une ruelle, puis que t'es ben de même grâce à l'héroïne, t'es faite. Et tu sais, je veux dire, il n'y a plus la souffrance expérimentale. Au lieu de l'intégrer, tu passes ton temps à l'endormir hein, dès que tu es en manque en retournant en chercher. La personne, elle va vivre dans les poubelles, puis elle va être bien. Et là, le danger. Donc, on n'a pas été éduqué à se servir de. On n'a pas été éduqué à se servir de ça. L'inconfort, puis. T'sais, je veux dire, ça a une fonction, ça. Si à la place, on fuit, puis à endormir ça, il n'y a pas d'intégration de l'expérimental, puis il continue, puis il continue, puis il s'empire tout le temps. Oui, ben ça me fait penser, dans le fond, à, par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, la personne fait une psychose, on la gèle avec de la médication à fort dosage d'antipsychotiques, mais si la personne ne développe pas la compétence de faire une gestion intra-psychique, c'est sûr, il faut qu'elle ait le potentiel aussi, là. Mais si elle a le potentiel, puis elle ne développe pas de gérer son rapport avec l'occulte, puis elle se fait tout le temps geler à chaque fois, ben elle n'est pas capable de bénéficier de l'intelligence créative qui pourrait jaillir dans son rapport avec les forces. Ben, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont des expériences qui vont passer pour de la psychose. Puis pourtant, il n'y a pas juste ça, là. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui vit des attaques sous certaines formes, qui viennent de l'invisible, puis on déclare qu'il est psychotique, puis on utilise des antipsychotiques pour le couper de sa perception, de sa sensibilité. La personne, elle va être dépendante de ça toute sa vie, puis ça va devenir une loque. Certains antipsychotiques, la personne va se mettre enflée, elle va devenir diabétique, puis bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Ben oui, d'être parce que aussi bien des la effets prendre à se secondaires. défendre? Ben c'est ça, c'est parce que des effets secondaires qui peuvent être liés à la médication. Puis ça garde la personne dépendante de la Ben. médication au lieu d'être responsabilisée puis vivre une certaine forme d'autonomie dans sa gestion psychique. C'est ça. Imagine quelqu'un qui tombe pas en psychose puis qui est fonctionnel pareil, puis tout ce qu'il subit, c'est des petites attaques. La nuit, si on le met sur les antipsychotiques, on lui nuit, là. Exactement. Donc, c'est là où la science est extrêmement restreinte, là, tant qu'à moi. Je partage également le constat, dans le sens que le paradigme dominant dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, c'est un paradigme matérialiste où tout ce qui touche à l'occulte, que ce soit l'esprit, ajusteur de pensée, contact avec les extraterrestres, la notion de vie antérieure, vie parallèle, tous les concepts qui sortent du quotidien sont tous vus comme étant le fruit de fabulations, d'hallucinations. Ben, j'en ai vu des cas, la personne a subi juste des petites attaques la nuit. Puis après, ben, tu lui expliques comment se défendre. Puis la personne, après, est fonctionnelle. C'est pas du délire, la personne, après, elle est fonctionnelle. Bon, ça donne quoi des bourrées d'antipsychotiques, si je parle certains cas, là? Oui, exact. Mais avant qu'on parle d'un autre sujet, justement, la personne qui vit des attaques la nuit, je pense que ça peut être un sujet d'intérêt général. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour faire face à ces attaques? Si tu le vois que c'est de la manipulation, et que tu le vois clairement, puis de plus en plus clairement, ça n'aura pas le même impact. Tu sais, souvent, ces attaques-là, c'est comme des tigres de papier, là. C'est-à-dire que c'est des attaques psychiques, mais on pourrait même dire psychologiques. Donc, c'est la personne qui fournit l'énergie. Si la personne, tu lui donnes la capacité de comprendre la mécanique, puis d'être capable de l'observer, puis qu'elle voit que c'est de la manipulation, ben là, il y a une colère qui est créée. Avec la colère, on peut faire de l'autorité. Donc, on peut se défendre. Si tu retournes l'attaque, s'il y a certaines choses, ils vont pas aller vampiriser du monde que ça marche pas. À un moment donné, ils arrêtent. Ça peut revenir s'il y a un moment de faiblesse dans la vie de la personne, puis qu'elle n'a plus la même. Bon, des fois, ça va profiter de. Ça peut être l'événementiel dans la vie de la personne, puis ça va profiter du fait qu'il y a une baisse un petit peu Mais c'est juste se recommencer, puis. Oui, bien c'est ça, c'est parce que les forces peuvent attendre la personne au détour, dans le sens que si la personne a vu un choc de vie, elle vient d'apprendre qu'elle perd son emploi ou, je sais pas moi, son animal est malade, bon, ben ça peut l'amener, ça vibre émotivement à cause de ça, être plus ouverte à des forces qui vont chercher à la pénétrer psychiquement là, pour l'astraliser. Mais si la personne a été instruite un petit peu de certaines mécaniques, elle va le voir pareil. Ça peut marcher un temps, mais la personne va finir par récupérer son autorité. Mais on n'a pas été éduqué à l'idée que on a de l'autorité, puis qu'on a le droit d'avoir la paix. Parce que Exactement. quelqu'un là qui est vraiment en colère puis qui voit ces choses-là. Ben, c'est un peu comme la lumière, là. Dans le sens que tu allumes la lumière, les coquerelles se sauvent. Puis des fois, le rêve peut prendre fin aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un rêve puis devient lucide, qui regarde, je suis dans un rêve, puis je conteste, c'est comme ça ébranle, puis eux autres, ils arrêtent leur cinéma. C'est ça. Puis là, ben, ça m'arrivait, ça. Dès que OK. je me rendais compte que c'était un rêve, là, ça marchait plus, mais je me réveillais. Parce que la mise en situation fonctionne plus. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que il y a de la conscience qui est envoyée depuis les états du mental. Fait que la personne, elle voit dans le rêve, fait que ça devient impossible qu'il continue. Dans le sens que souvent, un rêve, il va avoir une mise en contexte, un peu comme une pièce de théâtre ou un film. Si la personne, elle se rend compte que c'est un rôle puis que c'est un décor, ça marche plus. Exactement. Dans le fond, c'est quand même assez simple, là. C'est pas des mécaniques compliquées. De la même façon, quelqu'un qui est de plus en plus conscient, l'état de veille va être de plus en plus conscient pendant qu'il dort. Donc, il va être obligé d'utiliser des stratagèmes de plus en plus sophistiqués pour que la personne elle se laisse prendre à des mises en contexte des rêves. Mais il reste que même là, en tout cas. Mais il m'est arrivé quelque chose comme ça cette nuit. Puis finalement, bon, c'était un peu pour me montrer que je suis pas si fort que ça. Ça peut arriver, ça aussi. Mais donc aussi, il faut en vivre de l'illusion un peu. Ça permet de se réajuster puis de voir où on en est. Si tu te sens à l'aise, je pense que ça peut être intéressant d'élaborer sur qu'est-ce que tu as, si tu as envie de le dévoiler, là, qu'est-ce que Ah. tu as vécu pendant la nuit passée. J'ai rêvé à une personne que j'ai pas vue depuis des années, que j'avais connue dans le communautaire, puis que j'aimais pas. Puis dans le rêve, cette femme-là, je flirtais avec, puis j'étais rendu chez eux, puis j'étais rendu en amour avec. C'est quelqu'un que dans la réalité, je déteste. Puis je m'en rendais pas compte que ça avait pas d'allure. Puis finalement, à un moment donné, il est apparu un autre personnage qui est venu sous la forme de quelqu'un d'autre que je connais, qui a comme vu la situation, qui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'allure. Puis là, j'ai dit, je veux partir d'ici. Puis je me suis réveillé. Donc, j'étais encore capable d'être complètement illusionné, puis me faire sortir de ma personnalité, puis de me faire marionnettiser à jouer des rôles en rêve. Parce qu'après, bon, je me suis réveillé, il était peut-être 3 heures et quelques du matin, puis j'ai dit, c'est quoi ce rêve-là? Qu'est-ce que ça te Mais, dit? ben, c'est ça, c'était pour me montrer que je suis pas. Puis l'autre personne qui te dit dans le rêve que ça n'avait pas d'allure, est-ce que c'était ton ajusteur de pensée ou esprit ou ouais? Ouais, mais ça a pris la forme de quelqu'un que je connais. Non, je comprends pour des raisons symboliques, on prend une forme connue, Ouais. mais ça véhicule une vibration de dévoilement, qu'à quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas d'allure qui se passe pour t'éveiller à ça. Ben oui, puis ça avait vraiment pas de bon sens, là. Puis je m'en rendais pas compte dans le rêve. Puis même en me réveillant, j'étais comme un petit peu honteux. OK. Prochaine question. Si de faire du marchandage avec les forces de la lumière pour obtenir quelque chose, comme une guérison ou la fortune, ne marche pas pour l'individu, est-ce qu'il faudrait alors qu'il vive comme si les forces n'existaient pas en tant que ressource pour l'aider et se fier seulement à lui-même comme quelqu'un qui est athée. Ben, c'est parce que je comprends pas l'affaire de poser ça comme à quelqu'un qui est athée. Dans le sens que le but des forces, c'est qu'on voit de plus en plus clair. Oui. Si la personne est extrêmement naïve puis qu'elle voit plus clair en mettant tout ça de côté comme quelqu'un qui est athée, ben ça va l'amener à ça. Mais ça veut dire qu'elle voyait vraiment, vraiment, vraiment pas clair. Dans le sens que c'était vraiment, vraiment naïf, là. Mais le but, ça va tout le temps être que l'individu y voit plus clairement. Le but, ça va tout le temps te donner un petit peu plus de lucidité, un petit peu plus de clarté. Donc, ce qui va être regardé, c'est quoi le résultat selon. C'est pour ça que, imagine quelqu'un en situation, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il voudrait avoir là, par des forces de la lumière, avoir une meilleure vie. Ben oui, mais la meilleure chose que ces forces-là peuvent faire, c'est d'y donner la lucidité de se rendre compte pourquoi ça va pas. Donc, de lui Pas permettre de. de lui dévoiler les failles qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est ça va tout le temps être comme ça. Mais Ça sera pas de le faire gagner à la loterie ou. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je posais cette question-là en référence parce qu'on avait fait un enregistrement il y a quelques semaines où on abordait entre autres le phénomène du suicide. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont faire une forme de marchandage avec l'occulte, un peu comme des gens qui, par rapport au processus de deuil, qui ont difficulté à intégrer certaines choses. Puis une des failles du processus de deuil avant d'en venir à l'acceptation, si la personne se rend là, ben c'est bon, au début, il part le déni, ensuite le marchandage. T'sais, on va dire, ah, la personne fait un marchandage avec Dieu. Si on traduit ça en des termes plus ésotériques ou supramentaux, on va dire, ah, la personne va essayer de faire un marchandage avec l'esprit ou le double. Ben, c'est pas pour rien qu'il y a d'autres étapes après qui vont vers une plus grande lucidité au fond. Mais c'est pas nécessairement là au niveau supramental, ça va pas aboutir à l'acceptation, ça va aboutir à l'intégration de la réalité de certaines lois. Mais pas nécessairement, c'est pas d'accepter quelque chose qui fait pas notre affaire, c'est d'intégrer une réalité qu'on voyait pas nécessairement. Puis d'être plus lucide un peu. Parce que, ben franchement, si jamais tu te mets à marchander avec de l'invisible, puis qu'il y a une amélioration parce que tu étais bloqué, puis tout d'un coup, il y a un déblocage, puis il y a une amélioration sans effort, ça veut dire que l'intégration est remise plus tard parce qu'il n'y a pas d'intégration là-dedans. Puis le but de ces forces-là, c'est tout le temps de l'intégration. D'intégrer plus de réel puis de voir plus clairement. Si la personne, elle pense subjectivement que de l'aider, c'est d'y améliorer sa vie sans qu'elle devienne plus lucide, c'est leurré, là. Oui, Parce que dans. c'est pas. Ouais. L'ego est pas capable d'avoir la lucidité de ce qui est réellement à son bénéfice au sens évolutionnaire du terme. Donc la personne, elle va vouloir. Elle va vouloir gagner à la loterie. Elle va vouloir que les choses s'alignent et se placent tout seul. Fait que là, c'est là qu'on va voir certaines choses comme la pensée positive. Mais il reste qu'il n'y a pas d'intégration nécessairement là-dedans. La personne là, qui est le plus en danger, c'est celle que ça va bien. Parce que si ça a été bien toute ta vie, puis là, tout d'un coup, il arrive quelque chose comme là, on vient de vivre 2 ans comme la pandémie ou s'il y a une guerre, par exemple. Les gens qui vont avoir vraiment de la difficulté, c'est ceux que ça allait bien, puis que ça avait tout le temps été bien. Pas ceux qui ont eu de la misère. Oui, dans le sens qu'ils ne sont pas habitués de faire face à l'adversité, puis ils n'ont pas nécessairement développé une combativité psychique. Ben non. Imagine quelqu'un qui est venu au monde millionnaire. Parce que, bon, il vient d'une famille aisée, puis tout d'un coup, il se retrouve quasiment dans la rue ou à vivre dans un 2,5. Ça va être beaucoup plus difficile psychologiquement que pour la personne qui a déjà eu de la misère, qui réussit à faire un petit peu d'argent, puis qui le repère après, celle-là, elle va refaire de l'argent à un moment donné. Ben, il y a Elle plus va de se refaire une possibilités condition. qu'elle puisse surface ou que ça régénère parce qu'elle a eu à composer avec des oppositions, tandis que l'autre, ce qu'on va appeler le bébé d'enfant riche, l'enfant roi, que tu as eu, à un moment donné, ben, on en a dans notre génération, ben, peut-être pas nous autres, mais la génération d'après nous autres, là, des jeunes, là, mettons, ils vivent une rupture amoureuse à 20 ans, puis c'est quasiment la fin du monde, puis ils se suicident, puis... Ben oui. Ils n'ont pas vécu de choc avant, tu sais, un enfant douillet, où les C'est parents étaient ça. tout le temps là, il y avait le téléphone intelligent, les gadgets, puis une abondance matérielle. Puis là, ils arrivent à 20 ans, une rupture amoureuse, puis c'est la fin du monde pour eux, puis ils ont la difficulté à se relever. Ben, c'est ça. C'est comme à un moment donné, j'avais un autre ordinateur avant celui-là, puis il a sauté. Puis j'ai attendu 6 mois avant d'en racheter un autre. Puis. Par contre, j'en connais du monde que si ça arrive, ça, ils vont capoter. Mais c'est parce que j'ai pas été élevé là-dedans, moi, les affaires électroniques, ben. J'allais voir mes comptes puis mes affaires sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais je m'en passais. Mais il reste que quand il arrive de l'adversité, c'est ceux qui en ont jamais eu qui sont en danger, pas ceux qui ont intégré de l'expérimental. Quelqu'un qui a jamais souffert puis que ça va tout le temps bien, s'il est en danger, c'est pour ça que si tu demandes à des forces que ça aille tout le temps bien, ben ça va contre les lois évolutionnaires, ça, ils vont pas nécessairement te le donner, à moins que le but, c'est de créer de l'expérimental à d'autres. Mais J'en ai connu du monde de même. Il y en a un, il menaçait de se suicider tout le temps. Il est mort dans un accident de char. Involontairement. c'est ça, mais pour ce qui est de que ça aille tout le temps bien, à un moment donné, l'individu aussi peut demander la paix de l'esprit parce que vivre des oppositions continuelles, c'est dur pour le système nerveux. Ben oui, mais c'est lié à la vue de ces oppositions-là. Comment ça se fait qu'il y en a qui vivent des oppositions puis on la paie pareil? Puis il y en a d'autres, ils en vivent quelques-unes, puis ils sont tout le temps stressés. Ils n'ont jamais la paix. Bien, ça dépend de la capacité des charges énergétiques, dans le sens qu'il y a des gens qui ont des taux vibratoires plus élevés, de plus grande capacité de contenance, puis sont moins décentrés que d'autres personnes par rapport aux événements de la même nature. Bien, souvent, c'est parce qu'ils en ont eu avant. Oui. C'est pas nouveau. Ça va tout le temps aller vers. L'intégration, puis que la personne, même des fois, ça va faire que, bon, tu vas baisser un petit peu en vibration, mais si tu es en contact vraiment avec des forces évolutionnaires, ça va tout le temps vouloir que tu montes un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, mais ils vont pas arrêter l'expérimental. Ils vont pas arrêter l'événementiel pour te favoriser un état statique, de paix, parce que ça bougera plus. Il n'y aura plus d'intégration. Oui, dans le sens qu'un état statique amène une forme de stagnation évolutive où la personne peut se reposer sur son palier évolutif, là, dans le fond, s'asseoir sur ses lauriers, là, comme on dit. Ben oui, c'est dans l'adversité qu'on développe la créativité. Oui, mais en même temps, il y a des escalades dans le sens, je vais donner un peu plus de détails. La personne qui, dans le fond, vit un accident d'automobile, bon, c'est pas trop pire, n'a pas été affectée, c'est à peu près 1 000 $ de dégâts. Bon. Ensuite, elle vit un peu plus tard un autre accident. Là, c'est 6 000 $ de dégâts. Là, elle a été heurtée, admettons, à l'épaule. Elle a certaines douleurs. Là, après ça, dans l'escalade, un choc un peu plus grand. La personne vit un accident d'automobile. Elle fait une commotion cérébrale. Puis l'auto, c'est une perte totale. Fait que là, tu sais, au niveau de l'intégration, je veux dire, à un moment donné, tu sais, c'est lourd, là. Ben, c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qu'on dirait que ça fait partie de leur programmation d'avoir un vécu contextuel qui est lié à d'autres autour d'eux. Donc, mais ça va toujours créer une capacité d'intégration à quelqu'un, quelque part. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont l'air sacrifiés là-dedans. Mais quelqu'un qui est rendu à un niveau assez haut là, d'intégration de l'expérimental, on peut considérer que c'est une arme plus vieille un peu qui a fait partie du contexte avant. Donc, d'une certaine façon, ça peut avoir l'air complètement fou. Puis on se dit, il y a des injustices, puis il y a vraiment du monde qui souffre de façon injuste. Mais pour qu'il y ait un contexte expérimental, il faut que ça soit comme ça. Mais là, Pour que tu aies. qu'il y a une évolution Ben oui, dans un parce que sens, ouais. le but de ces forces-là, c'est de créer de l'expérimental, de l'intégration, puis de l'évolutionnaire. Pas d'être juste au sens où nous autres, on l'entend. C'est pas gentil puis bienveillant au sens où nous, on l'entend. C'est une logique complètement autre, qui n'a rien à voir avec la perception qu'on peut avoir de ce qui est juste au sens d'une justice. Non, ça, je l'avais compris depuis longtemps, que c'est pas dans un sens d'une justice humaine ou d'une morale ou d'une éthique ou d'une idéologie. Ça, c'est clair que c'est au-delà de la forme, des formes psychologiques, en tout cas, que l'être humain peut générer. Mais le point, quand que je regarde ça, tu prends une personne, OK, à un certain niveau, bon, certaines pertes au niveau de l'auto, elle intègre, elle fonctionne, elle se remet à travailler. Ensuite, un événement un peu plus important en termes d'accident, ben là, prend quelques jours de congé, puis là, ça fait une commotion cérébrale. Dans certains cas, il est plus capable de retrouver son emploi ou de réhabilitation, même avec un accompagnement psychologique pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a certains cas, il y a des gens qui sont tellement ébranlés que on dirait qu'ils peuvent pas être remis de haut, de redevenir fonctionnels, que ce soit au niveau professionnel ou familial. Oui, ben c'est comme je te dis, des fois, ça va aider à intégrer à des gens autour. Ou bien la personne même va falloir qu'elle développe quelque chose de connexe, là. Dans le sens que, puis il y en a aussi que leur expérience leur servira pas. Mais ça va toujours créer un contexte expérimental pareil. Oui, dans Je le me sens que tout souviens, sert, là, ouais. moi, je me souviens d'un qui était ben brillant. C'est quelqu'un de très, très brillant, là. Puis qui avait fait un accident de moto, qui avait eu une commotion cérébrale, puis qui a vécu même une expérience de projection hors corps, mais il n'est jamais revenu normal parce que le cerveau était affecté. Puis il était rendu vraiment spécial, là. À un moment donné, il parlait. Il n'y avait plus aucune inhibition, il n'y avait plus aucune notion Il n'y de avait plus de convention filtre. sociale. Non, pas en tout. Puis même à un moment donné, il témoignait devant un juge, puis il disait: Ah, moi, monsieur le juge, je me masturbe tous les soirs, puis là, je dors comme un bébé. Vous, monsieur le juge, vous masturbez-vous? Puis là, on parle de quelqu'un qui avait fait des hautes études, puis qui était très brillant avant son accident. Mais finalement, cette personne-là, elle a développé d'autres choses, de l'expérimental différent. Puis quand on regarde ça, on se dit: C'est dommage. Mais cette personne-là, au fond, elle souffre pas. Elle s'en rend pas compte. Puis, je me souviens d'un autre cas, un ami que j'avais. Puis, à un moment donné, il était en plein tribunal, puis il était accusé de toutes sortes d'affaires à cause de des chicaneries dans le communautaire. Puis, dans le temps, il y avait encore des bibles là, dans les tribunaux. Puis, le juge avait dit: Est-ce que c'est vrai, monsieur, que vous étiez nu? Puis, il avait ramassé la Bible. Non, monsieur le juge, c'est écrit là-dedans, c'est Adam et Ève qui étaient nus. Tu sais, ça peut paraître spécial des fois, à quel point l'expérimental peut transformer quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que la personne la souffre autant que nous, le regard extérieur qu'on a sur ça. L'expérimental, il change. La personne, il faut qu'elle intègre autre chose. Ça s'est transformé, son expérience. Des fois, ça peut, c'est vrai, ça peut aboutir à de la souffrance insupportable. Mais à ce moment-là, bon, habituellement, ça veut dire que la personne, elle va vivre d'autres transformations, là. Fait que ça fait souvent du monde. Mais souvent aussi, on essaye d'aider des gens, puis on les bloque dans l'intégration de leur expérience, tout simplement parce qu'on veut pas voir la mécanique. Je veux dire, il y a du monde, des fois, on se dit, ça fait pitié. Lui, il a eu un coup sur la tête, puis il est rendu débile, puis. Mais la personne est peut-être pas autant en souffrance qu'on peut l'imaginer subjectivement en tant qu'observateur. Oh oui, non, je comprends. C'est une question de réflexion. C'est un petit peu comme, mettons, la personne âgée qui est atteinte de démence, est atteinte d'Alzheimer. Puis elle n'a plus d'inhibition ou elle se promène à moitié nue puis elle ne se rend pas vraiment compte de ce qu'elle fait. Ben elle, elle souffre pas nécessairement de sa condition, elle se voit Ben pas non, aller. ça devient de l'expérimental pour l'entourage. C'est surtout pour l'entourage que ça devient difficile. Donc, ça crée un contexte. Mais ça va tout le temps aboutir à de l'intégration pareil. Mais là, c'est à l'individu, au niveau de son observation, d'essayer de voir, S'il peut de encore voir. voir, parce que dépasser un certain niveau de choc, comme je le présentais dans mon exemple par rapport à l'accident d'automobile, bon, commotion cérébrale, la personne est encore lucide, mais si la personne, ou en vieillissant, tiens, l'exemple de la personne qui fait de la démence, ben, à un moment donné, dépasser un certain seuil, la personne ne voit plus, là. Ouais, mais moi, je parlais pour l'entourage. OK, oui, dans ce sens-là. Ouais, parce que là, la personne s'est rendue vraiment est rendue sénile, là. Il n'y a plus d'intégration, là. C'est ça Elle fait pour elle. partie d'un contexte, puis c'est un peu comme s'il y avait un contrat d'arbre pour qu'il y ait une intégration au niveau des gens de son entourage. C'est bien subtil, ces choses-là. C'est difficile, de notre point de vue, de comprendre que ça sert aussi l'évolutionnaire. Il y a des parents qui ont eu des enfants gravement handicapés, puis qu'ils ont énormément intégré, que leur enfant leur a fait comprendre énormément de choses, puis qu'ils le disent. C'est comme ma fille ou mon garçon, il m'apprend tous les jours, j'ai compris beaucoup de choses. Des fois, tu as du monde qui dénigrait les handicapés, puis c'est eux autres qui vont avoir un enfant handicapé. Puis là, ils vont être pris pour en prendre soin, puis là, il va y avoir une intégration d'une certaine réalité qui va au-delà de la perception qu'ils avaient avant. Oui, ça change les perceptions, les comportements. Puis là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu comme une forme de karma, si on peut dire. Oui. Parce que ça va souvent mettre en place les conditions pour que tu intègres de force. Mais ce que tu as intégré, ce n'est pas nécessairement ce que tu veux intégrer. Donc, au niveau de l'expansion de la conscience, ça ne peut pas être comme on veut. Parce que l'ego puis l'âme, c'est pas capable de se corriger soi-même, puis l'ego, ça va être confortable. Donc, si on était laissé en dehors d'un expérimental où il y a un certain inconfort, il n'y en aurait pas d'évolution. Puis on n'aurait pas de conscience. On serait statique. Puis ça serait tout le temps le même niveau qui y revient. Donc, ça ne peut pas aller comme on veut tout le temps. Si tu t'adresses à certaines forces, puis tu leur dis je veux une vie parfaite, puis qu'ils te la donnent, c'est peut-être des forces des ténèbres, là, si on peut dire, entre guillemets, là. Parce qu'il n'y a pas d'évolution là-dedans. Puis même, ça fait du monde dangereux. Les Oui. gens que j'ai connus qui étaient privilégiés, c'était du monde dangereux. Parce qu'il devenait orgueilleux puis stagnant. C'est même pas de l'orgueil à ce niveau-là, c'est de l'inconscience. Tu sais, je me souviens d'un qui était vraiment d'un milieu aisé. Puis, quand on était jeune, j'étais allé en camping avec. Puis lui, il aimait ça, martyriser des animaux. Ça a été la dernière fois que j'ai été en camping avec. Puis, jusqu'à un certain point, c'était un peu pour me tester. Il voulait voir si j'étais comme lui. Et non. Non, non, je suis pas capable, moi, de voir ça. Je peux comprendre que tu prends des grenouilles pour te faire des cuisses de grenouilles, mais pas que tu les martyrises pour le fun, parce que c'est pas supposé être le fun, ça. Mais ça, c'en est quelqu'un qui avait rien d'autre que du fun, dans le fond, dans sa vie, au point où il était insensibilisé. Donc, ça prenait des sensations tout le temps plus fortes. C'est dangereux, ça. Ben oui, parce que ça peut donner par la suite un dirigeant psychopathe. Ben oui. Puis c'est eux autres qui deviennent chefs d'entreprise ou qui vont dans des postes d'autorité. Parce que la conscience puis l'intelligence, c'est pas pareil. Donc, tu peux avoir quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais qui n'a aucune conscience. Lui, il n'aura pas de misère à faire des mises à pied, puis ils sont recherchés, ces gens-là. Mais il reste que c'est pas, il n'y a pas d'intégration de conscience avec quelqu'un comme ça. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, l'esprit de ma question par rapport au marchandage avec les forces de la lumière, c'est que c'est humain. Par exemple, quelqu'un qui peut vouloir une guérison parce qu'il a un problème de santé, ou même si son animal a un problème de santé, que sa santé s'améliore. Donc, il y a toute une dimension humaine, puis en même temps, d'être confronté à une réalité qui est froide, où la personne ne se sent pas supportée, si on peut dire, par le culte ou qu'elle ne peut pas obtenir de support, ben, ça peut amener la personne à vivre une forme d'impuissance ou un peu comme quelqu'un comment dire, qui est désespéré, là. Ben oui, puis justement, c'est très humain. Mais le côté humain veut marchander avec du pas humain. Donc, ces forces-là, ça va tout le temps regarder c'est quoi qui va élargir ton champ de conscience, dans le fond. Ou des Par gens contre, qui entourent l'individu, oui. ça vaut la peine d'essayer parce que c'est assez intelligent pour des fois donner un petit peu de répit. Mais ça arrive. Mais là, habituellement, ceux qui vont accomplir des désirs, ça va être des forces qui sont pas bien ben lumineuses tant que ça. Puis là, on tombe un peu dans le monde de la magie. Comme il y a un saint, je me rappelle plus lequel, dans certains coins de la France, lui, il faut que tu battes la statue en le menaçant, en l'invectivant. C'est pas des forces lumineuses qui sont en arrière de ça. Pourtant, ça a des hauts niveaux de résultats. Ou bien, des gens qui avaient affaire à des proches qui étaient en grande souffrance puis qui voulaient que leurs proches meurent, là, ils allaient prier Saint-Va puis Saint-Viens, qui n'est pas des vrais saints. Dans le fond, c'est de la sorcellerie de campagne. Comment je pourrais dire ça, là? C'est de la croyance populaire, mais oui, ça a un effet, mais c'est pas des forces lumineuses qu'il y a derrière ça. C'est de la mécanique magico. C'est comme ceux aussi qui sont dans la magie du chaos, les chaotes. Eux autres, ils peuvent prier n'importe quoi à n'importe quand. En eux autres, c'est l'important, c'est que ça marche. Puis tout est basé là-dessus. Donc, une journée, ben, ils vont prier la Sainte Vierge. Même s'ils ne croient pas à la Sainte Vierge. Mais comme un acteur, ils vont se mettre dans un état d'esprit, dans un paradigme où au moment où ils le font, ils y croient sincèrement. Mais c'est parce qu'ils sont comme. C'est de l'autosuggestion un peu. Ça marche de même, la magie du chaos. C'est au niveau de l'intention puis de l'intensité, de l'émotivité que tu mets dans ta prière ou dans ton affaire. Mais ça, c'est des forces de chaos, justement. Puis. Il y a d'autres forces qui tendent à tout rééquilibrer. Fait que ce que tu vas avoir d'un bord, tu vas te le faire prendre de l'autre. Puis on ne sait pas comment ça peut finir. Toutes les personnes qui pratiquent certaines formes de magie, d'habitude, ça finit pas bien leur vie. Ils peuvent réussir à avoir une certaine prospérité un temps. Ils peuvent réussir à si on peut dire, négocier avec des forces puis avoir ce qu'ils veulent un temps. Mais vers la fin de la vie, il faut qu'ils intègrent pareil. Fait qu'à un moment donné, ça marche plus. Non, ils sont Ça pas peut pas marcher. exemptés d'intégrer, fait qu'ils font juste retarder. Ouais. Donc à ce moment-là, on peut dire que c'est un comportement retardataire. Oui. Ben oui. Dès que c'est le corps de désir qui est satisfait, ça va être retardateur tout le temps. Donc. Tu sais, je veux dire, ça dépend, là. Est-ce qu'on va être en commerce avec des forces qui veulent nous faire intégrer de la volonté puis de la créativité, ou est-ce qu'on veut être en contact avec des forces qui vont nous aider à accomplir des désirs, peut-être même immatures, qu'est-ce que l'ego, il veut? Est-ce que l'ego, il veut devenir plus mature, ou est-ce qu'il veut qu'il veut être heureux? Au sens subjectif, là, des désirs. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il voit pas nécessairement qu'est-ce qui est vraiment dans son intérêt au niveau de son intégration. C'est comme tu dis à un enfant, est-ce que tu veux un bonbon tout de suite ou une quinzaine de bonbons dans 3 semaines? L'enfant, il va dire, je veux un bonbon tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de vision à long terme, c'est un enfant. Oui, il y a de la difficulté à retarder la gratification. Puis on le voit très bien dans l'expérience scientifique là, qui a été faite à moult reprises avec la guimauve. On présente une guimauve vis-à-vis un enfant. On lui dit, si tu la manges pas, dans 10 minutes, tu vas en avoir une autre. Puis là, on filme l'enfant, puis des fois, il va jouer avec, puis se la mettre dans la bouche. Puis il y en a certains qui vont retarder la gratification pour avoir la deuxième guimauve quelques minutes après. Bon, ben, c'est là. C'est comme je te dis, c'est une question de vue. Puis c'est une question de lucidité aussi. L'enfant le plus intelligent, il va dire, je m'en calisse de tes guimauves, tu me manipuleras pas. Je le sais que je suis comme un, c'est comme un peu, et je me sens pas respecté là-dedans. Je le sais que c'est une expérience, puis que je suis manipulé. Ça fait que tes guimauves, fourre-toi-les dans le cul. Mange de la marde. Ça, c'est un enfant très, très intelligent. Parce qu'il va contester la manipulation au lieu de se soumettre. C'est ça. Tandis que dans l'esprit des scientifiques qui font de la psycholé... des études de psychologie clinique, ils vont vouloir séparer les enfants qui mangent de la guimauve tout de suite, puis les enfants qui s'arrangent pour avoir de la guimauve plus tard, pour regarder les différences statistiques. Alors que l'enfant qui devrait étudier, c'est celui qui les enverrait chier en disant cœur-moi pas avec tes guimauves. Donc, si on traduit ça dans le rapport avec l'esprit, ça serait celui qui conteste l'esprit puis les forces. Ben, il va contester son propre corps de désir parce Entre autres. qu'il intègre que justement, c'est pas lucide. Il va se rendre compte qu'il y a de la programmation. Donc, c'est celui qui va briser de la programmation. C'est pas l'esprit qui est responsable de la programmation. Mais c'est lui, par contre, qui peut te guider à faire éclater de la programmation. Donc, la révolte, elle ne va pas nécessairement être envers l'esprit, mais elle va venir de lui un peu. Mais qui va C'est-à-dire que contester les programmations de forme à maton astral. c'est ça. Tout OK. ce qui vient du planétaire animalier, là. Par contre, Tout ce que. qui est la polarité plaisir-déplaisir. T'as pas besoin d'expliquer à certaines personnes qu'il y a un centre de récompense dans le cerveau puis qu'ils sont manipulés par leur propre système, si on peut dire. Ils savent. Ils s'en doutaient. J'en ai vu du monde, ils ont arrêté l'héroïne tout seul. Puis ils ont tenu bon parce qu'ils étaient tannés. Oui, il y avait la volonté, mais pour en revenir à l'expérience de la guimauve, c'est qu'apparemment, ça serait une expérience qui servirait à prédire par la suite la persévérance scolaire, dans le sens que la personne qui est capable de retarder la gratification, donc obtenir la deuxième guimauve quelques minutes après, ça pourrait prédire que la personne serait capable d'endurer des cours que des fois elle n'aime pas pour compléter un programme puis obtenir une diplomation. Ben, c'est parce que la personne qui est capable d'endurer des cours qu'elle aime pas, plus tard, ça peut faire une putain qui va accepter de travailler pour des sociétés privées qui n'ont pas d'allure. Puis elle va fermer sa gueule puis endurer de l'inacceptable pour avoir un salaire. Est-ce que c'est mieux? C'est une bonne question. Comment ça se fait que les enfants, souvent, qui ont les plus hauts QI puis qu'on dit des génies, au niveau académique, c'est très décevant? Ils câlissent le camp de l'école. Ils vont pas travailler pour des compagnies qui n'ont pas d'éthique, là. Ils vont préférer être dans la marde, mais au moins ça va être le marde des autres. Puis ils seront pas des prostituées. Parce que jusqu'à un certain point, on a mal catégorisé c'est quoi un vrai potentiel. Parce que on était conditionné à penser que l'individu, il faut qu'il serve au collectif. Ben oui, mais il reste que le collectif travaille pour lui-même, puis contre lui-même souvent. Donc, l'individu là, qui va accepter de faire des études, puis de faire des études, puis des études, souvent ça finit, c'est un esti de trou de cul. Finalement, oui, il a un gros salaire, puis tout, puis finalement, il prend des esti de décisions qui n'ont pas rapport. Il va aller travailler. Oh, c'est un génie, ce gars-là. Ben oui, il travaille pour une compagnie aux États-Unis qui fabrique des ogives, puis des. Ah oh, oui. C'est eux autres qui sont sélectionnés. On a créé un système pour sélectionner les plus putains, dans le fond. Puis on a été conditionné à penser que c'est eux autres qui ont de la valeur. Ben, c'est-à-dire qu'on Tandis que donne moi, je la te valeur. dis, c'est Ouais. l'enfant qui dit mange la merde avec tes guimauves, tu te serviras pas de moi dans ton expérience, c'est lui qui a de la valeur. Oui, je Ben, c'est comprends ce lui qui a le que tu veux dire. potentiel d'être un être nouveau, là. Oui, c'est-à-dire qu'il est au-delà de soumettre à l'une et deux des opportunités qui est un peu comme un piège. C'est un petit peu comme, dans le fond, en politique, on va te présenter, un bulletin de vote. T'es libre, tu peux choisir entre quatre, options, quatre partis politiques. Puis là, la personne a une certaine satisfaction, d'aller dans ce sens-là, mais en réalité, si la personne contesterait les différentes options, un peu comme la même attitude par rapport aux options qu'on y présente, mais c'est là qu'elle se détacherait de ce système-là. Ben oui. Puis celui-là, ben, on était conditionné à avoir peur. Oh, ben lui, il va jeter le système à terre. Il est dangereux pour le système. Oui, parce Tandis qu'il est que, insoumis au système, il veut pas y c'est ça. participer. Les gens qui nous gouvernent réellement derrière des rideaux, ce qu'ils ont peur, là, ce qui leur fait le plus peur, c'est de l'autonomie. Les gens autonomes. C'est pour ça que toutes les études comportementales, c'est fait pour repérer ceux qui vont être des bons employés. Puis séparer les bons employés des employés moyens, qui ne sont pas trop motivés. Puis l'autre, le mutant, si on peut dire, que lui, il est capable de créer des entreprises qui vont te faire concurrence, lui, on est conditionné à ne pas le voir. Parce qu'on le voit comme dangereux. Lui, il est dangereux. Il est capable de créer une société à lui tout seul. Puis il est capable d'être un compétiteur. Qui va fonctionner sur complètement d'autres Oui, paramètres parce qu'il va avoir que. une intelligence créative. Ouais. C'est ça. Donc, il y a des forces qui chevauchent, on peut dire, qui passent à travers les égos, puis il y a une guerre entre ces forces-là. Puis ça fait longtemps que ça dure. Puis c'est pour ça qu'on est polarisé dans notre mental, qu'on est conditionné, qu'on. Parce que justement, il y a des intérêts de des personnes à ce que ce soit comme ça. Oui, ben quand on la regarde, la question de se soumettre à une gratification plus tard qui est valorisée, ben autrefois, avec le croyant dans le domaine de la religion, c'est soumets-toi à l'autorité de l'Église, puis plus tard, tu vas avoir une belle place au paradis, puis plus que tu vas servir l'Église, puis tu vas payer la dîme à chaque dimanche, puis plus que plus tard dans l'après-vie, tu vas avoir un bel endroit là, qui t'attend. Dans le fond, on dit, ah, ben lui, c'est le plus fin, tandis que c'est le plus con. C'est comme l'Église, elle ne voulait pas que le monde lise la Bible. Dans une certaine époque, c'est sûr, parce qu'il avait peur de l'individu qui allait lire la Bible d'un couvert à l'autre, puis après aller voir le curé ou l'évêque, puis dire, ouais, voyons, j'ai lu ça, là. Il y a pas de pape là-dedans. Il n'y a pas d'évêque là-dedans. Qu'est-ce que ça vient faire, ces affaires-là? Il n'y a pas de simagrée avec des chasubles, puis il n'y a rien de ça là-dedans. Il n'y a pas d'église là-dedans. C'est écrit fend la pierre, tu me trouveras. Il n'est pas écrit bâti des bâtiments de pierre, puis mets-toi des étoiles autour du cou. Ça vient d'où, ces affaires-là? Pourquoi vous justifiez ça par ce livre-là? Le livre, il parle pas de vous autres. Non, Au exactement. contraire, Quelqu'un qui a il dit accès. que vous êtes le mal. Il dit que c'est vous autres le diable, la façon que vous agissez. Il décrit ici, là, c'est quoi là, le mal, puis c'est vous autres qui agissez de même. Moi, j'en veux plus de sacrement. Manger de la merde, c'est vous autres le démon. Il y en a eu du monde comme ça. Puis à ce moment-là, l'Église, elle les exterminait. Toujours. Ben, il y a eu l'Inquisition, là, justement en Europe, là. Qui était très traumatique. Mais c'est ça, c'est que si quelqu'un a le droit d'avoir sa Bible, ben là, il peut avoir accès au savoir, puis ça peut l'amener à contester les autorités religieuses. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a eu la croisade contre les albigeois. Puis à un moment donné, parce qu'eux autres, ils contestaient, ils disaient, ben, si on lit les Écritures comme il faut, on se rend compte que l'Église catholique, c'est satanique, dans le fond. Fait que là, eux autres, ils disaient ce qu'ils pensaient là-dessus. Fait qu'ils ont essayé de les ramener dans le giron de l'Église, mais il n'y a rien qui faisait. Il savait pas quoi faire. Fait qu'il y a eu une croisade contre les albigeois. Puis il y a des catholiques qui trouvaient qu'il était pas si fou que ça, puis il méritait pas d'être exterminé. Donc, ils accueillaient ce qu'on appelait des cathares. Ils cachaient dans l'église avec eux autres, puis ils disaient aux autorités, il y a autant de catholiques que de cathares ici, là. Fait que ça, vous pouvez pas les attaquer puis exterminer tout le monde. C'est là qu'il y a des grands personnages qu'on dit être des saints qui ont dit, tuez tout le monde, Dieu reconnaîtra les siens, puis ils ont exterminé des femmes puis des enfants. Fait que, si tu comprends ça, tu le vois, c'est quoi le mal sur Terre? Tu le vois, c'est quoi l'involution sur Terre? Tu vois pourquoi c'est tout fait comme ça? Parce qu'au fond, le mal, c'est pas ce qu'on nous dit, puis il y a une inversion dans tout. Puis c'est pour ça qu'il y a de la polarité dans le mental, puis que c'est encouragé. C'est pour inverser par projection, puis qu'il y a tout le temps cette inversion-là. Qu'il y a tout le temps. Mais c'est juste du monde qui veut garder l'autorité, le contrôle. Il est là, le mal, c'est ça. Si tu te sers de la connaissance pour dominer ton prochain, c'est ça, être luciférien. Tu te sers de ton intelligence au niveau de structures subtiles comme la psychologie pour dominer ton prochain. C'est ça de la magie noire. Parce que tu te sers du subtil pour soumettre des gens, les forcer à t'obéir. C'est un petit peu ça, là, les religions, c'est un petit peu ça, les gouvernements, c'est un petit peu ça, les écoles, c'est un petit peu ça, les industries. Le Puis ça domaine de la marche tout publicité. ensemble. Le domaine de la publicité, tu sais, Ben oui. dépense des millions ou des milliards pour faire de la publicité dans des grands événements comme le Super Bowl ou le football américain. C'est parce que quelque part, c'est un pouvoir d'influence, parce que sans ça, ils ne dépenseraient pas autant d'argent pour faire des pubs. Ben, faut que tu sois main dans la main avec cette systémique-là, parce que c'est du pain et des jeux. Au fond, donc, celui qui est dangereux, c'est celui qui se laisse pas faire. Mais s'il est vraiment intelligent, il va pas non plus aller contre ça nécessairement. Il reste dans son coin puis il fait son affaire. Puis il observe puis il intègre. Parce que ça donne rien là de se faire massacrer. Ben oui, ben c'est ça, pour devenir un martyr, puis un peu comme quelqu'un qui va sa place publique là, pour sauver l'humanité des péchés, puis la Ouais. rédemption, puis Ben, quand tu comprends comment ça marche, tu le sais que tu peux pas. On peut pas sauver tout le monde. Donc, c'est de. Bon. C'est de. Si par contre, tu le sais que t'es pas tout seul. Il y en a d'autres. Mais ça donne rien de faire la guerre à des forces comme ça. Parce que souvent, quand tu t'opposes à des forces comme ça, tu es nourri puis tu leur donnes le prétexte pour te détruire. Donc. Ça donne à rien d'aller sur la place publique, puis tu sais, faut pas que ça soit comme ça. Mais aussi, à un moment donné, tu le sais qu'il y a des forces qui vont t'appuyer en tant qu'individu, puis qui vont t'aider un petit peu. Mais ce sera jamais de l'aide comme on voudrait. C'est pas comme Saint-Antoine qui prie pour que les oiseaux y apportent du pain, là. Tu sais. Non, je comprends. C'est pas de l'aide qui va permettre à la personne de devenir millionnaire ou Ben non. c'est ça, là. Fait que Si ça marche, là, ils vont tout le temps te donner le minimum pour que tu survives. Tu sais, là, il va falloir que tu acceptes d'être tout le temps juste la tête un petit peu sortie de l'eau. Mais ça, c'est pas une vie. Mais ça, c'est une façon de te forcer à devenir créatif. On se tanne à un moment donné, là. La personne, elle peut passer des années puis des années. Ça va pas bien, mais ça va juste assez bien pour qu'elle soit capable de s'en sortir. Mais ça, c'est un petit peu un jeu dangereux, là. Ça veut dire que si tu es à marchander avec les forces puis qu'ils te donnent juste le minimum tout le temps, ben, à un moment donné, tu vas te tanner, puis c'est ça le qui est voulu. Tu sais, on peut pas vivre comme des ermites dans le désert, là, à manger des sauterelles, puis à s'habiller avec des peaux de mouton, en attendant que les sphères célestes nous envoient la lumière. Parce que jusqu'à un certain point, ça, c'est vraiment être un jouet face aux forces, puis à l'invisible. Puis ça a déjà été expérimenté, ça. Donc, à un moment donné, il faut être créatif pour vrai. T'sais, ça va vouloir qu'il y ait de la gestion qui se transfère. On n'est pas pour être des jouets tout le temps parce que ça évolue pas, ça. T'sais, ça a permis à certaines époques d'expérimenter du nouveau. Puis, en certaines périodes troublées, oui, certaines forces comme ça d'appui peuvent se remanifester, mais il ne faut pas que ça devienne un mode de vie permanent. Il ne faut pas que ça se répète au point que c'est de l'expérimental qui revient tout le temps puis que ça ne change pas. Non, non, je comprends. Faut pas que ça maintienne la personne dans une forme de stagnation évolutive, puis ça le garde dépendant. Non, tu sais, je veux dire, ce genre de résilience-là, ça peut être correct pour survivre un temps. Mais c'est pas viable à long terme. Ben non. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, ben, Saint-Jean-Baptiste, il se fait couper la tête. Puis c'est pareil pour un paquet d'ermites qu'il y a eu. À un moment donné, oui, ils ont un appui pendant un certain temps, ils ont un commerce avec l'invisible, mais ça peut pas, ils peuvent pas passer. Ça fait pas du monde qui vivent très bien ou très vieux des fois. À moins qu'ils soient dans une stagnation qui font l'affaire de certaines forces. Oui, dans le sens À que la ce moment. personne est récupérée par le haut plan spirituel, Ouais. puis elle passe pas à une conscience supramentale, puis elle développe pas son corps d'énergie, là, éthérique. Ben, des fois, c'est parce qu'elle a une job à faire. Comme un ermite, là, il s'en va sur l'île de Patmos, puis il va dans une grotte, puis finalement, il est fini, il a écrit l'Apocalypse. Bon, ben, il a fait sa job. Mais là, il a pas dû. Est-ce qu'il est resté le reste de sa vie de même? Je pense pas. Une fois que c'est fait, tu peux te retirer un temps parce que t'as une job à faire, Oui. mais t'es pas pour vivre de même jusqu'à la fin de tes jours. En plus, la personne, elle se ramasse qu'elle n'a pas une vibration en mouvement, qu'elle n'est pas en mouvement. Puis tout, ton livre, personne, ça va l'intéresser, personne. T'sais, dans le sens que c'est bien beau ça, mais faut que le livre il soit vibrant en maudit là, pour survivre. Puis oh là, il va avoir besoin d'appui pour que ça se répande puis que ça parvienne après à ceux à qui ça va servir plus tard. Ben, il reste qu'on n'est pas pour. On ne peut pas vivre comme des mystiques là, toute notre vie. C'est normal d'à un moment donné d'avoir des phases comme ça, c'est correct. Là, tu reçois de l'information, des fois, tu ne la comprends pas sur le coup. Puis plus tard, bon, tu finis, tu t'intègres. Mais, ou bien c'est pour d'autres. Puis là, maintenant, il y en a d'autres qui finissent qui intègrent. Mais on ne peut pas vivre de même parce que c'est intenable. Ça ne peut pas être toute une vie comme ça, là. C'est pour ça, là-haut, il écrit son livre, puis à un moment donné, il repasse sur son bœuf, puis on n'entend plus jamais parler. Puis même aujourd'hui, on se demande s'il existait. Mais le livre est là. T'sais, il n'était pas pour passer toute sa vie à la frontière sur le dos de son bœuf, là, Non, à non, que je écrire 10 comprends que 000 livres. c'est temporaire, le temps, par exemple, de générer une œuvre, de descendre une vibration. Mais la personne, une fois que le travail est fait, c'est sûr qu'elle passe à autre chose, là. Oui. Puis ce qui peut arriver, c'est bon, tu vis une certaine affaire dans ta vie parce que tu as quelque chose à intégrer. Puis après, bon, ben, tu passes à autre chose, tu intègres d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. C'est comme un peu comme Bernard, à un moment donné, il est bien, bien, bien ésotérique. Puis ça marche qu'il y a des affaires qui sont bien à la mode. On est dans les années 80, puis tout. Puis il est avec Glenn, ben maintenant, ça marche plus, il s'en va en voie. Puis ça finit que maintenant, il est dans sa psychologie évolutionnaire, il intègre d'autres choses, puis il parle de d'autres choses, puis c'est d'autres choses, pas la même vibration. Ben oui, Mais Bernard de il y Montréal, il y a a. plusieurs mouvements de parole. Ouais. C'est ça. Puis plus la vibration elle monte, moins c'est populaire. Oui, ben Moins. c'est normal. C'est sûr qu'au début, il y avait des salles de 500 personnes, puis après ça, peut-être une vingtaine de personnes dans les derniers temps, là, avant qu'ils décèdent. Ben oui. Puis pourtant, c'est peut-être ce qui est le plus accessible dans ce qui a été fait. Mais ce qui peut avoir aussi plus d'utilité pratique pour favoriser l'intégration de la conscience au quotidien, là, la psychologie C'est ça. évolutionnaire, là, où, S'il avait passé sa vie comme dans les années 80, ça aurait été juste de la répétition. Oui. Puis ça aurait fini que ça aurait été plate. Maintenant, c'est plate, là. T'sais, c'est bien dommage, mais c'est de même. Puis des fois, on pense que ça se désagrège, notre situation empire, mais c'est là que tu vas produire tes affaires les plus importantes. Sais, puis j'ai pas j'en sens pas qu'il était déçu trop de ça non plus. On dirait qu'il le savait. C'est correct. C'est pareil pour un paquet de monde. Notamment, tu as des cinéastes, bon, pour se faire connaître, se faire un nom, là, ils font des films bien populaires, puis ils se font connaître de des producteurs, puis accomplissent des offres de commande, c'est des gros blockbusters, mais à la fin de leur vie, ils font des petits films indépendants plus personnels. Ça pogne moins, mais ils savent que des années après leur mort, c'est ça. Qui va rester, ouais. Ouais. Puis c'est correct. Ça peut pas tout le temps être la grosse patente, là. Il faut pas non plus. C'est pour ça que j'ai de la misère avec ça de ah ben là, t'sais, je peux comprendre, ça prend un certain confort pour intégrer, parce que tu es tout le temps dans un mouvement d'intégrer de la souffrance expérimentale. Ça devient statique, ça aussi. Si tu es tout le temps en grosse souffrance, puis bon. Mais ça peut pas non plus être que je marchande avec l'invisible, puis là, bon, là, je veux un chalet, puis là, je veux un char, puis. S'il te donne tout à mesure, moi je trouve ça inquiétant. Oui, parce que ça va faire un bébé gâté, là, comme on a avec des êtres humains. Puis à un moment donné, la minute qu'il n'a plus son anane ou il perd un emploi, une rupture amoureuse, là, c'est la fin du monde. Puis il y en a qui virent suicidaires, là. Ben oui, c'est pour ça que, dans le fond, les vraies forces évolutionnaires, les vraies forces d'intégration de conscience, ils vont être un petit peu comme on disait des chiens. Mais ça, c'est de notre point de vue. Oui, dans le sens un peu comme des parents qui surprotégeront pas l'enfant pour pas amener l'enfant d'être dépendant d'eux puis être incapable de faire face aux difficultés courantes de la réalité, là. C'est ça. Ça fait que ça peut être bien, bien intelligent. Mais tu sais, je veux dire, c'est de l'intelligence quand on le regarde là, égoïquement, puis psychologiquement, on le voit pas. Mais ça peut être bien, bien intelligent. Puis il y a même du monde qui ne le savent pas, mais ils ont des contrats d'armes pour servir de contexte d'intégration à d'autres. Fait que oui, leur vie a l'air injuste. Puis, mais. T'sais, on peut pas, non, c'est encore ces règles-là, là, c'est encore fait comme ça. Donc, des fois, il y en a qui vont faire des erreurs toute leur vie, mais il y a du monde autour qui apprennent de leurs erreurs. Donc, ça sert. Fait que tu me ramènes souvent au principe que tout sert à un certain niveau. Ben oui, c'est bien, bien intelligent. Mais on est porté à le regarder, psychologiquement. Ouais. Des fois, bon, ben, c'est de valeur, mais ça ira pas tout le temps comme on veut, parce qu'on n'a pas la maturité de voir que si ça va tout le temps comme on veut, on se nuit. Puis c'est dangereux, ça va contre les lois évolutionnaires d'intégration. Mais ça, des fois, c'est juste à la fin de leur vie que les gens s'en rendent compte. C'est comme à un moment donné, Jung, il est sur le bord de mourir, puis il dit, ben, je suis content pareil, ma vie, elle a été ce qu'elle devait être. Mais ça, c'est rare, ça, que quelqu'un va le voir. Il reste que, bon, tu sais, comme quelqu'un comme Freud ne peut pas se dire ça à la fin de sa vie. Il pensera même pas à ça. Il le verra pas. Il est peut-être trop occupé à penser encore à la sexualité qu'il voit partout, puis les projections, puis le Ben, il dé. va être dans l'idée, j'ai fait des grandes choses. T'sais, ça va être tout le temps de même. Au moins, j'ai accompli une œuvre significative qui va peser sur les sociétés pendant des siècles. Tandis, mais pourtant, ça, c'est pas intelligent, penser de même. C'est tout le temps plus simple que ça. On s'accorde du mérite, puis on n'en a pas. On n'en a pas de mérite. Je veux dire, on est tout le temps en train de se juger au niveau de la valeur psychologique qu'on donne à ce qu'on fait, puis on se pense bien hot. Puis ça, c'est pas intelligent. De Mais non, la c'est de même l'orgueil. façon que, ben oui, de la même façon qu'il y a quelqu'un qui se dénigre, puis qui se dit j'ai raté ma vie, ben ça aussi, c'est pas intelligent. Ben oui, là, on tombe dans le masochisme moral. La personne se Ouais. sous-évalue tandis que l'autre a surévalué avec orgueil, là, ouais. Ben, c'est parce qu'on polarise, puis on donne de la valeur. Tandis que quelqu'un qui dit, ben, finalement, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis je m'en rendais pas compte. Ça commence à être intelligent. Dans le sens que le point de vue de l'ego devient plus à pointer avec celui de l'esprit, donc il y a plus de transparence dans l'ego pour être en harmonie avec son intelligence intégrale. Ouais. Puis même, admettons que l'esprit va te paraître injuste, puis même des fois, on peut l'interpréter comme cruel, ça va être parce que là, c'était le temps de te révolter. Mais pas de te se révolter comme quelqu'un qui se révolte contre l'autorité. Mais dans le sens que des fois, ça va nous rendre la vie intenable parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça change. Donc, c'est pour nous Donc, forcer à nous mettre en action, là. c'est ça. Fait que peu importe comment je regarde ça, je finis tout le temps par me dire, bon, ben, c'est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça. Puis même moi, souvent, ça va me mettre dans des situations que je me sens humilié. Puis bon, puis c'est quoi? Après, je vais dire, voyons, j'ai eu l'air d'un idiot. Ça va me dire, ben oui, mais tu veux pas avoir l'air d'un idiot, fait que t'as l'air d'un idiot. Si t'étais un petit peu moins orgueilleux, tu te ferais moins humilié. Ça serait, tu sais. C'est comme quelqu'un qui. J'ai eu une phase dans ma vie où je voulais avoir l'air fin. Ça fait que j'avais l'air fou. Puis la minute où je me suis mis à m'en foutre et à me dire, bon, ce que les autres pensent, c'est pas important. Là, je me suis rendu compte que tout d'un coup, je m'humiliais moins. Mais peut-être qu'en voulant avoir faim, tu te mettais de la pression, puis inconsciemment, ça t'amenait à t'auto-saboter parce qu'à force de vouloir te mettre de la pression puis être perfectionniste, ben ça t'amène à être moins présent. Ben oui, parce que t'es tout le temps à penser. C'est C'est ça. comme quelqu'un qui veut faire un discours en public puis qui pense trop à sa performance, il va se mettre à bafouiller, là. Tandis que quelqu'un qui se prend pas au sérieux puis qui accorde pas d'importance à ça, ben il va s'exprimer très rapidement, très facilement. Ça va être plus facile parce qu'on donne pas d'importance. T'sais, c'est pour ça qu'il y a des gens. J'en sais quelqu'un qui aime bien gros regarder le tennis. Puis je regarde les jeunes qui jouent au tennis. Puis tu le vois, quand ils veulent trop performer, ils s'enfargent, puis ça paraît. C'est pour ça qu'ils ont des entraîneurs psychologiques, ils ont des psychologues sportifs qui sont là pour leur expliquer les mécaniques dont on parle dans le fond, mais au niveau psychologique. Si tu veux trop performer, tu vas saboter ton affaire parce que tu mets trop d'énergie dans l'importance psychologique. Puis ça crée une lourdeur. C'est pas le temps de penser, c'est être créatif, tu es dans le mouvement. Faut que tu réagisses en temps réel, puis que tu donnes une direction à l'énergie. C'est comme frapper une balle, c'est ça, dans le fond. C'est de redonner une direction à de l'énergie. Ça sert à rien de penser à ça. Faut que ça se fasse tout seul. Oui, T'sais. exactement. Mais des jeunes athlètes, souvent, ils ont eu de la pression des parents, ils ont eu de la pression d'autres entraîneurs, puis finalement, il faut qu'ils réapprennent à pas penser. Là, il faut Faut les que ça sortir de redevienne. l'anxiété de performance. C'est ça, faut que ça redevienne naturel. C'est comme il y en a qui ont étudié, je t'en avais parlé à un moment donné. C'est des enfants qui étaient capables, par télékinésie, à modifier la forme de des petits brins de métal dans des sphères de verre. Il suffit de dire à l'enfant, tout le monde est capable de faire ça, Philly. Ça marche. Mais tu sais, c'est des choses, ça a été étudié, oui, mais on n'en parle pas. Mais ça faisait penser à Ruy Gillaire dans les années 80, là, qui avait passé à TV, puis avec la volonté, il modifiait des cuillères, puis apparemment, il y aurait eu des enfants à distance qui, en voyant ça à TV, auraient reproduit la même chose, c'est-à-dire amener des cuillères à être tordues et des ustensiles. Ouais. Il y en a même des femmes qui voulaient le poursuivre, pensaient que leur stérilet était tordu. Elle a dû tomber enceinte par sa faute. Et ce qui est le plus comique là-dedans, c'est Oui. que les enfants chez qui se sont manifestés des phénomènes de télékinésie en voyant Uri Geller à la télé, le phénomène est authentique. Alors qu'Uri Geller, le phénomène n'est pas authentique tant qu'à moi. Ouais, ben c'est Ça... sûr qu'il y a eu une controverse par rapport à lui, là, dans le sens qu'il y a eu des gens qui disaient, ben là, c'est un peu comme un mentaliste ou quelqu'un qui fait un tour de magie, là, tu sais, qui il va manipuler des choses pour nous donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas juste ça, ça fait partie des programmes. L'armée israélienne, comme l'armée américaine, puis l'armée russe, à un moment donné, a voulu créer une propagande comme quoi qu'il y aurait des sujets en Israël qui avaient des capacités télépsychiques, puis télékinétiques. Puis Yuri Geller a été un militaire, mais ça a aussi été quelqu'un qui avait une facilité au niveau du public, ça avait aussi été un mannequin, puis. Puis ça a l'air d'un programme comme ça. Tandis qu'il y en a un autre, un Français, comment est-ce qu'il s'appelle lui? Il a tordu des barres de fer, lui, dans des tubes de verre scellés. Comment est-ce qu'il s'appelle donc? Lui, je suis pas mal sûr que le phénomène est authentique. Puis c'est dans les mêmes époques, puis lui, on n'en parle pas. Okay. Ben, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui connaît le nom de cette personne là, qui aurait tordu les barres de métal, vous êtes la bienvenue pour indiquer son nom en bas de l'enregistrement présent. Je pourrais le retrouver, là. Mais en tout cas, si tu le retrouves, je le mettrai en bas de l'enregistrement, sinon c'est pas grave, là. Ouais. Ben, c'est loin d'être grave, là. Mais là, on parle de quelqu'un de très timide. OK. Un homme très timide, très humble. Puis qui aimait pas ben ben ça se gratifier de ses capacités-là. Puis souvent, c'est eux autres qui sont authentiques. Mais quand tu as affaire à un Christy de Fendant qui prend la pose, là, d'habitude, ça, c'est des crosseurs. C'est pour ça, moi, Yuri Geller, j'aime pas sa vibration, puis je vois ça comme une opération. Comme. Il vise quoi l'opération? C'est de la guerre psychologique. C'est comme dans le temps que les Soviétiques avaient rendu public des études sur la télékinésie, là. Comment est-ce qu'elle s'appelait, la Russe, là. Supposément qu'elle pouvait arrêter le cœur de quelqu'un, elle, à distance. Puis, c'est... À un moment donné, les Américains sont mis à avoir à faire exprès pour qu'il y ait des rumeurs comme quoi qu'il y avait des programmes au niveau d'études télépsychiques, puis Oui, qu'il avec du était. remote viewing, le projet C'est Stargate. ça. C'est ça, là, c'en est de la guerre psychologique. Il y en a des programmes de même, mais ils n'en parleront pas. Ceux qui parlent, c'est parce que c'est de la merde. Sinon, ils n'en parleraient pas. Si les Russes, ils ont fait pareil. Moi, je comprends, c'est Maman. pour détourner l'attention, là. C'est un peu comme Area 51 qu'on avait déjà C'est parlé ça. ensemble, là. Pendant que les gens sont focusés là-dessus, ben, ils peuvent faire d'autres choses dans plein d'autres endroits, puis ça passe inaperçu. Ben oui. C'est tout le temps comme ça. Puis il faut comprendre que c'est pareil avec les services israéliens, puis les militaires israéliens, puis Yuri Geller, ben bon. Ça a été un militaire, puis il était dans des affaires, puis bon. Moi, à mes yeux, c'est une campagne de communication liée à de la guerre psychologique. Puis pendant que tout le monde parle tout le temps de Yuri Geller, il n'y a personne qui parle de l'autre, là. Le Français qui portait des nœuds papillons en velours. Un petit monsieur, il a l'air d'un comptable. Il a l'air d'un petit employé. Il a l'air d'un petit employé de banque. Lui, je considère les phénomènes authentiques parce qu'il y a plusieurs physiciens puis il n'y a jamais personne qui a pu. À un moment donné, il y en avait un, je pense, c'était un Américain ou un Britannique, là, qui il faisait la chasse à du monde comme Geller, puis il démontrait devant tout le monde que c'était de la prestidigitation, dans le fond. Bon, ben, l'autre que je te parle, le français, lui, il n'y a jamais personne qui a réussi à démontrer que c'était pas vrai, là, parce que les phénomènes, ils étaient vrais. Tant qu'à moi. Comment que ça. Girard, c'est ça? Samson. En tout cas. Mais peu Mais. importe, là, mais je Bon, c'est comprends le pas très principe. important. C'est ça, je Mais comprends le c'est ça. principe derrière ça, c'est-à-dire Du que monde comme Yuri oui. Geller, eux autres, ils servent à cacher les autres, Oui, pour là. Que c'est canaliser l'attention authentique. du public sur lui, puis comme ça, le public pense pas à l'autre. Fait que c'est comme un peu le concept de position contrôlée. On va présenter quelqu'un, mettons, qui s'oppose au thème ou qui manifeste des capacités en dehors de la norme. Fait que là, les gens qui s'intéressent au paranormal vont vers lui pour canaliser leur énergie dans une direction, alors que l'autre qui pourrait être plus efficace ou offrir un leadership réellement qui amènerait plus loin l'humain, ben non, on n'en parle pas, puis il est gardé dans l'oubli. Ouais, ben, tu regardes, de toute façon, c'est aussi des expériences psychologiques de masse. Parce que justement, ça sert à voir s'il va y avoir des phénomènes dans le public qui vont se manifester. Puis, justement, le lendemain d'une des émissions qu'il y avait eu Yuri Geller, il y a un paquet de monde qui se sont rendus compte que leurs enfants étaient capables de tordre des ustensiles. Puis, c'est pas tout, des trucs, là. Il y en a que c'est de la télékinésie. Parce que c'est un phénomène, qu'on le veuille ou pas, ça existe, ces phénomènes-là. C'est bien dommage, mais l'affaire, c'est parce que c'est des enjeux au niveau, entre autres, militaire. Quelqu'un qui serait capable, par exemple, de tordre les circuits imprimés dans un missile ou bon. C'est ça, mais c'est un élément catalyseur qui permet l'extériorisation de certaines capacités. Puis peut-être qu'il y a des jeunes qui ont manifesté des capacités réelles, qui ont été recrutés pour travailler dans des projets top secret. Puis Yuri Guller, ouais. Ah, Ouais, ou c'est. juste être spoté, là. Oui, c'est ça, mais je veux dire, ça peut servir de faire une espèce de repêchage de potentiel. Oui, puis d'un autre côté, de faire attention parce que au niveau des services de communication, dès qu'ils veulent faire passer certains phénomènes pour de la fiction, ce qu'ils font, c'est de la fiction avec, automatique. Puis là, ils mêlent la vérité au mensonge un peu. Tellement que si tu te retrouves devant certains phénomènes, tu vas dire, voyons. Ouais, ça se peut pas, ça devient comme trop gros pour discréditer. Ben oui, Ouais. c'est pareil comme tu as vu dans un film. Fait que tout de suite, tu y crois pas. Tu dis des films, ça. C'est de la psychologie inversée. Puis bon. Mais il reste que. Il y a des choses comme ça qui ont été étudiées. Puis tu vas tout le temps avoir des. Le vrai phénomène qui est étudié par certaines personnes, puis apparaît en même temps des faux phénomènes étudiés par des charlatans à côté. Puis c'est toujours de mêler comme ça de la réalité au mensonge. Puis c'est parce qu'ils savent que le public n'a pas le discernement. Fait que c'est pour ça que quand tu as eu, quand ils se sont mis à étudier à la fin du 19e siècle, les médiums à effet physique, ben. T'as plusieurs physiciens, plusieurs scientifiques qui ont étudié en même temps, comme si t'as des phénomènes égaux, des vrais cas, puis des fraudes. Comme tu as eu la médium française, là, que c'était un pseudonyme, là, Eva C. Ça, c'est tout de la merde. Puis c'est ça qui a été mis de l'avant. Tandis que les vrais phénomènes, eux autres, ça, c'est difficile à trouver, là. Faut que. J'en avais un livre, un compte-rendu, c'était un médecin puis un physicien qui avait étudié des phénomènes à effet physique, puis lui, il n'y a personne qui en parle. Puis d'ailleurs, il est mort, le monsieur, il est mort d'un accident. C'est souvent comme ça. Ben, le message est contrôlé de qu'est-ce qui est diffusé dans la masse, qu'est-ce qui est véhiculé. Fait que ça me surprend pas du tout là, ce que tu dis là, ouais. Ben oui, puis. Il reste que, bon, c'est tout le temps comme ça. Fait que si tu veux discréditer certains phénomènes, il suffit de rendre public quelque chose qui est une imitation grotesque ou mal faite de ces phénomènes-là. Puis, immédiatement, les médias vont mettre la lumière sur la fraude. Puis, même des fois, essayer de faire passer ça pour vrai. Mais l'important, c'est juste de discréditer dans le public. Parce que, bon, ben, il y a des enjeux de toutes les sortes là-dedans, au niveau de la psychologie de masse, au niveau de développement de certaines capacités, au niveau militaire. Il y en a un, il était capable d'extérioriser sa perception, puis il était capable de visiter des dedans de coffre-fort, d'aller lire dans le noir complet des documents dans des coffres-forts. C'est des choses qu'il y a eu des comptes rendus. Mais ça va être gardé dans les sociétés d'études parapsychiques, puis tout à travers des centaines d'autres documents. Qu'eux autres, c'est de la merde. Donc, si tu sais pas c'est quoi les études qui sont sérieuses de celles qui ne le sont pas, ça a tout l'air pas sérieux ou ça a tout l'air sérieux parce que Ouais, le monde polarise. non, c'est ça, mais ça prend beaucoup de discernement puis de finesse psychique pour qu'il est capable de séparer le subtil du grotesque, là. Ben oui, parce que nier tout ça en bloc, c'est aussi stupide que de tout croire à tout. Parce que le trois quarts, ça se tient, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a des choses que c'est clairement de la fraude, là. Puis en même temps, c'est mal comprendre aussi la psychologie humaine au niveau des gens qui ont des capacités. Parce que souvent, le sujet, il va avoir une psychologie assez complexe. Comme au niveau d'expérience de paranormal, il y avait certains talents qui se manifestaient beaucoup chez les personnalités hystériques, ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle, début 1900, des hystériques. Puis un qui a travaillé beaucoup avec ça, c'est Charcot, là, le français Charcot, puis Pierre Janet, qui s'est intéressé aussi. Puis c'est des gens qu'on n'entend jamais parler. Pourtant, Freud et Jung ont étudié avec ces gens-là dans leur jeunesse, puis il y a une grande partie de leurs affaires que, dans le fond, ça vient de là. La théorie du refoulement de la libido chez les hystériques, et le premier qui en a parlé, c'est Charcot, c'est pas Freud. Ben, parce qu'il étudiait des hystériques, puis il le savait. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains sujets, comme l'italienne, là, Eusapia Paladino, tu as un mélange de phénomènes réels puis de fraude. Parce que tu as affaire à une personnalité spéciale. Quand que les phénomènes ne se produisaient pas, elle était portée à frauder pour des raisons psychologiques. Parce que c'était une madame qui venait d'un milieu extrêmement pauvre, puis c'était rendu ça son métier. Fait que quand les phénomènes ne se manifestaient pas, elle essayait de frauder parce qu'elle. Ben, c'est sûr qu'elle voulait garder sans doute son auditoire, puis le garder en haleine, puis qu'il continue d'aller assister. Ben, ça faisait des conférences ou des activités publiques, là. Ben oui. Puis parmi des gens qui ont été témoins de des choses, puis qui ont signé des comptes rendus, t'as Marie Curie. Marie et Pierre Curie, comme quoi, qui ont assisté à des phénomènes, puis qui c'était authentique, puis qui ont signé. Tu sais, je veux dire, t'as des grands physiciens, là. Oui, des Qui gens qui ont. ont passé à l'histoire, là, dans le domaine Ben de la oui. science. Il n'y a personne qui va me faire croire que. Une petite lingère italienne analphabète comme Eusapia Paladino a réussi à faire une fraude qui a subjugué quel du monde comme Pierre et Marie Curie. Ils ont assisté à des choses. Ils ont vu pour vrai. Puis il s'est passé des choses pour vrai. Des choses que cette petite dame-là n'aurait pas été capable de produire par de la fraude. C'est le même cas pour un paquet d'autres phénomènes qui ont été étudiés. Mais aujourd'hui, la psychologie humaine au niveau du refoulement de l'énergie psychique liée à l'émotion, puis les personnalités sont plus pareilles. Donc, tu as moins d'hystérique, mais tu as plus de d'autres pathologies, puis ça correspond à d'autres phénomènes. C'est pour ça que à certaines époques, tu avais beaucoup de monde qui avait des capacités, par exemple, de faire apparaître des orbes de lumière, des choses de même. Mais c'est lié à l'époque, entre autres. L'être humain, il a des capacités extraordinaires, C'est ça, mais mais l'époque, ça va souvent être c'était. lié à. Oui, je comprends. L'époque était catalyseur de manifestations catalytiques d'extériorité de certaines capacités, puis d'autres périodes sont plus défavorables à ça. C'est ça, là. Parce que c'était plus facile de faire des expériences de phénomènes télépathiques avant l'invention du téléphone, entre autres. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains phénomènes paranormaux qui étaient des activités de compensation par rapport au fait que c'est des mécanismes de survie aussi, un peu. Puis aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on est moins. Il y a certaines facultés qu'on perd. Ben, c'est C'est comme un peu comme. des prothèses qui nous rendent paresseux. Au lieu de faire la télépathie, on se sert du téléphone. Au lieu de faire du calcul mental, on se sert de la calculatrice. Oui, mais il va y avoir un transfert des phénomènes. C'est pour ça, des fois, tu penses à quelqu'un, puis pouf, le téléphone sonne, puis c'est cette personne-là. Donc, ça reste lié. Oui. C'est des phénomènes parallèles, un peu, qui se côtoient, puis c'est. Parce qu'au fond, l'être humain, il matérialise son psychique. C'est ça qu'il fait. Fait qu'au fond, c'est comme il y a certaines peuplades primitives qui avaient des capacités des membres des tribus de se parler en rêve, par exemple. Puis, dès que les colonisateurs occidentaux sont arrivés, ils ont perdu ces facultés-là. Parce que tout le contexte change. Tout change, puis t'as un inconscient collectif qui vient s'ajouter d'autres choses, qui vient se greffer par-dessus. Puis, finalement, il y a des choses, c'est plus la même activité de compensation, là. Donc, qu'on le veuille ou pas, bon, il y a des phénomènes comme ça. Mais on peut pas, c'est pas plus Moi, je trouve pas ça lucide, je trouve pas ça rationnel de rejeter tout en bloc, pas plus que de croire à tout. Je veux dire, parce que sinon, on se coupe de certaines capacités qui se développeront pas simplement parce que nous les nions. Ça devient de l'autosuggestion. Non, je suis d'accord avec toi. Sinon, j'avais comme question, à quoi sert la colère mentale si elle ne permet pas nécessairement à l'individu d'influencer les forces pour régler des problèmes pratiques dans sa vie de tous les jours, par exemple des problèmes de santé ou relationnels ou financiers? Ben, c'est entre autres à ça que la colère mentale, elle sert à l'épuration du mental. Si les problèmes de la personne sont relatifs à une subjectivité ou à un mental pollué, ce qui va engendrer de la subjectivité, la colère mentale est là pour épurer le mental. Donc, ça sert encore à faire que la vue, au niveau de son expérience, devient plus objective. Ça va pas régler les problèmes. Mais au moins, tu vas voir clairement pourquoi il y a des problèmes. C'est pas magique, mais tu vas moins te faire avoir par après. Dans le sens que, je le sais pas, moi, si tu as des problèmes relationnels à cause d'expériences liées à l'enfance, puis que tu répètes tout le temps les mêmes patterns, puis que là, tout d'un coup, il y a de la colère mentale qui fait que tu vas briser des vieilles formes qui engendraient de la subjectivité, finalement tu vois la mécanique, puis pouf, t'intègres ton expérience, ça va pas régler d'un coup tes problèmes, mais tu vas moins te faire avoir par après. Tu vas le voir. Il n'y aura pas le délai. Parce que par la colère mentale, tu vas avoir généré une volonté de voir plus clairement en temps réel ce qui se passe. Fait que tu te fais moins avoir, puis t'es moins naïf. Mais c'est pas magique. Mais c'est à ça que ça sert pareil. Si tu es en colère contre ta propre subjectivité parce que tu es en train d'intégrer le fait que c'est à cause de tout ça que ça va pas bien, ça va avoir un effet. Ou bien que tu te fais manipuler à travers des formes dans ton mental, puis que la colère mentale devient assez forte pour faire éclater ces formes-là. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas magique. Déjà là, si tu as de la colère mentale parce que tu vis dans l'indigence, ça peut t'aider à intégrer de la volonté de te gérer mieux à l'avenir. Mais c'est pas magique. Je veux dire, tu vas pas tomber riche puis que tu t'entends avec tout le monde, c'est pas de même que ça marche. Mais au moins, tu vas avoir une colère qui va briser certaines illusions, entre autres, qui vont faire que ça t'adhère, ça adhérera plus. Non, je comprends Dans le fond, la la. colère Oui. mentale, ça désengramme, si on peut dire. Ben, ça fait éclater des formes. Ben, ça enlève de la pollution dans la périphérie, en périphérie de la perception à différents niveaux. Ce qui est engrammé, là, sans tomber dans les termes, c'est pas au sens des termes de la scientologie, là, les engrammes des psychologues allemands qui ont amené ça bien avant. Mais il reste que quelqu'un qui a vraiment une colère mentale, là, il se nettoie. La subjectivité, les formes, il se défont. Puis il voit bien plus clairement ce qui se passe. Ou là, il va pouvoir intégrer la mécanique de pourquoi ça va mal, puis il brûle de la naïveté. C'est à ça que ça sert. Mais là, si la personne a de la colère mentale, puis qu'elle reste naïve, puis que ça marche pas, ben ça veut dire que ça vibre pas haut, là. Ben, c'est pas Ça veut vraiment une dire. colère mentale qui est Ben non. sentie. Ça doit être une attitude psychologique qui se fait passer pour de la colère mentale. Donc, c'est de la colère, oui, mais c'est de la colère psycho-émotionnelle à ce moment-là. Puis ça, au contraire de briser des formes, ça peut les densifier. Donc, ça va aller de plus en plus mal. Pas dans le sens. Ça peut être l'événementiel aussi d'une façon fortuite qui fait que ça va de plus en plus mal, mais souvent, ça va être lié à une vue subjective qui fait que ça va pas bien. Je veux dire. Quelqu'un qui voit clairement, il n'est pas supposé claquer tout son argent au casino, là. Il n'est pas supposé non plus marier une bonne femme qui va le tromper puis y vider ses comptes, là. Il est supposé brûler de la naïveté. Donc, la colère mentale, l'efficacité, c'est pas de faire que ça va mieux, mais de faire qu'on voit plus clair. Ensuite, là, à partir d'une vue plus claire, plus objective, on voit mieux. Donc, ça va mieux. Si tu vois mieux, tu vois moins. Je veux dire, si ton pare-brise d'auto est plus propre, tu vas moins frapper des nids de poule en t'en allant. Tu vas les voir, tu vas les éviter, tu vas ralentir quand c'est le temps, tu vas peser sur le gaz quand c'est le temps. Moi, je le vois comme ça. Donc, ça donne accès à une forme d'intelligence plus vaste. Oui, ben, tu as une vue plus claire. Donc, oui. Oui, l'intelligence au sens de l'information, il y a moins de pollution, c'est moins déformé. Donc là, tu as une capacité de donner des directions à l'énergie que tu ne vas pas aligner ton auto dans les trous, là. C'est ça, mais quelqu'un peut vivre un état de colère mentale dans l'optique d'influencer les forces en disant là, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai tel problème de santé, il faut que ça se règle. Puis, tu sais, la personne conteste les plans avec une grande intensité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va nécessairement guérir de son problème de Ben santé. non. Regarde quelqu'un qui aurait des troubles de diabète parce qu'il se nourrit pas bien, puis là, il vibre une colère mentale, dire aux forces, ben là, je suis tanné d'être malade, puis toutes les forces, ils vont pas t'enlever ton diabète. Ils vont te montrer que tu te nourris mal. C'est à toi de te nourrir mieux, pas nécessairement les forces. Ils vont te le montrer, tu vas avoir une montée en vibration par la colère mentale. Puis en vibrant plus haut, déjà là, tu vas moins être porté à mal te nourrir. Puis tu vas voir plus clairement pourquoi tu es malade. Donc, ça donne Mais c'est pas. ouais, je comprends, ça donne une clarté, une compréhension par rapport à un phénomène, ça tasse le mémoriel pour donner une ouverture pour une compréhension plus vibrante de quelque chose, mais Oui. ça fait pas en sorte nécessairement que la personne va sortir d'une condition, là. Ben, ça va lui donner des capacités nouvelles qui vont élargir son champ de possibilités ou de compétences pour sortir d'une condition mieux, plus, tu sais, de s'améliorer un petit peu. Mais c'est pas magique. Des forces, là, qui te donnent ce que tu demandes, là, puis qu'il n'y a pas d'intégration, c'est pas des forces lumineuses, ça, c'est même dangereux. Moi, je me méfie, là. J'en connaissais une dame, ça faisait 5 fois de suite qu'elle a gagné le gros lot bingo. Puis là, elle avait dit, c'est le diable, puis elle a arrêté d'y aller parce qu'elle a eu peur. Je dis pas qu'elle avait raison, mais c'est un petit peu cette attitude-là, peut-être plus qu'il faut avoir, qu'il y a de quoi qui marche pas, là. C'est Si pas ça normal marche, il y a que. quelque chose qui marche pas, paradoxalement. Dans Ben, certains cas, ouais. c'est parce que d'avoir ce qu'on désire le plus souvent qu'autrement, ça sert pas. Là, je parle des forces évolutionnaires d'intégration de la conscience. Au contraire, mais elle, c'est ça, là, elle avait gagné 5 fois de suite le gros lot bingo, puis elle s'était dit, ça doit être le diable, puis elle a arrêté d'aller jouer au bingo. Elle a eu peur. Mais je trouve ça plus sain qu'à quelqu'un qui se dit, ben l'invisible, il me le donne parce que je le mérite. Sais, il y a de quoi qui marche pas, là, c'est pas objectif, ça. Parce qu'à un moment donné, la personne, elle va le demander parce qu'elle pense qu'elle le mérite, puis là, elle l'aura pas. Ben, ça va vouloir dire qu'il n'y a rien intégré. C'est pas normal que. Quand là, tu demandes quelque chose, là, puis il te le donne, moi je trouve ça inquiétant. Surtout s'il n'y a aucune intégration dedans, qu'il n'y a aucune montée en vibration, il n'y a rien d'intégral, il n'y a rien d'évolutionnaire dedans. Puis il te donne tout cuit, là il y a de la manipulation pas loin. Moi, je le vois de même. De toute façon, même quand on intègre au sens des lois évolutionnaires, c'est de la manipulation parce que l'ego n'est pas capable de faire ça par lui-même nécessairement. Comment tu veux, quand tu es subjectif, t'objectiver tout seul? Non, c'est ça, ça marche pas, d'où la nécessité de la fusion pour amener un changement psychique de second niveau. Ah oui, parce que les états du mental, ils ne seront jamais sous le contrôle de l'ego. Faut que l'ego abandonne ça, cette idée-là, là. Puis c'est dur, ça, parce que le corps de désir, il veut que ça soit sous le contrôle de l'ego. Exactement. Mais c'est pas de même que ça marche. Ça irait contre ces lois-là. Puis c'est pour ça qu'il y a un moi non-égoïque qui sert de canal, qui est intermédiaire, que c'est lui qui contrôle ça. Il n'y a pas l'immaturité au niveau de certaines forces de l'âme qui viennent parasiter l'ego. L'homme n'est pas capable de se corriger elle-même. C'est pour ça qu'on essaie de ramasser avec des ajusteurs de pensée, des doubles puis des affaires de même. Parce qu'il y en a qui vont appeler des fois l'ange gardien, même si c'est un peu naïf, là. Des fois, il va se oui, ça va te sortir de la merde. Mais c'est parce que tu as encore une possibilité de continuer à intégrer. Fait que des fois, oui, ils peuvent te sauver la vie. Parce que t'as pas fini d'évoluer, tu as encore du potentiel. Dans ce temps-là, c'est parce qu'il y a une raison intelligente. Donc, tant que Donc, la oui, des personne fois. sert un agenda ou est utile, ils peuvent lui servir la vie, mais un peu comme un soldat qui n'a plus d'utilité par rapport à une guerre, ah, ben, on va le mettre à la retraite ou on va le sortir du terrain. Ouais. Ou bien des fois, ils vont te laisser là parce que justement, il y a du monde autour qui a un potentiel d'intégration. Fait que des fois, bon, ben, les cadavres de soldats gelés, ça peut servir à faire des petits ponts pour traverser des rivières. Mais comme je te dis, c'est pas des visions, ça n'a pas une vue humaine au sens où nous autres, on l'entend. Puis l'ego n'a pas autant de valeur que la valeur qu'il se donne lui-même. Ça fait partie de sa subjectivité. Ce qui a de la valeur, c'est son intégration expérimentale, sa montée en fréquence, puis sa capacité à être plus intégrale en conscience. Ce qui fait que l'âme évolue un petit peu malgré elle, puis après, quand ça redescend, quand ça se réincarne, ça fait des égos un petit peu plus avancés. Mais Mais la vie de attends une minute, l'ego est. time out. Je t'arrête ici parce que là, tu parles de réincarnation. J'avais déjà fait un enregistrement là, par rapport à la naissance où, bon, je parlais parce que je suis au moment où on fait l'enregistrement, ben je suis prévu avoir un enfant là, dans quelques mois. Puis là, tu me disais, ben le concept de réincarnation, que l'âme existe avant par rapport, parce que moi, j'avais une curiosité, parce que c'est sûr, j'ai un enfant, ben est-ce que l'enfant a déjà vécu en Atlantide, au Moyen-Âge, ou tu sais, différentes choses? Tu disais, ben là, c'est pas comme ça, là. Tu sais, que l'âme, dans le fond, Ben qui... pour moi, c'est pas. Le but, c'est qu'il y ait des égos un petit peu plus sophistiqués qui apparaissent. Mais je veux dire, comme l'enfant que j'ai à naître, est-ce que son âme a déjà existé à travers un être humain? Parce que la façon que Oui. tu le parlais, tu avais Ben, tendance... l'énergie. L'âme, c'est ce qui anime. Ça vient Oui. d'anima, bon. Mais c'est pas des âmes comme un égo le conçoit, là. Fait que c'est pas comme des unités. Un ego, c'est une unité de conscience, comme une lentille, si tu veux. Mais l'âme, c'est pas ça. Moi, je dis, il y a de la réincarnation, oui, au sens où ce qui anime revient. À Mais travers des c'est-à-dire lentilles de plus en plus sophistiquées. C'est-à-dire, Mais c'est ce pas. qui anime, est-ce que tu l'entends dans le sens d'un mémorial associé à une psychologie? C'est du mémoriel. Oui. Associé à de l'expérimental, qui est déjà intégré ou pas. Mais Mais est-ce que c'est c'est pas par rapport à... psychologique. Mais est-ce que c'est par rapport à une personne... Oui. C'est parce qu'on a une vision de psychologique de ça. C'est pour ça que je te dis, moi, je crois pas à ça, la réincarnation, mais j'en parle pareil. Parce que c'est évident que l'énergie revient, puis elle Non, mais je réanime, veux dire, puis dans le que. sens de l'oiselier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, je le comprends dans ce sens-là, ou que notre vécu est archivé quelque part. Fait que dans un sens, quelqu'un qui va venir dans le futur peut, en certains cas, réactualiser certaines mémoires, dans le sens un peu comme je te l'avais parlé. Bon, la personne est en contact avec la mémorielle de quelqu'un qui a été pilote d'avion pendant la guerre, qui Ouais, avait goût entre mais il les reste que Américains c'est puis le pas un Japon. vrai ego là. T'es pas en contact avec un vrai ego Ben, c'est là mort. que je voulais t'en venir à parler pour clarifier, parce que c'est très subtil. Dans le sens, la personne est en Ah oui, contact c'est avec très très du subtil. mémorial résiduel d'un ego, mais en tant que tel, c'est pas la personne qui est morte qui est réincarnée dans l'enfant. C'est pas la même Ben non. psyché, c'est pas... Mais l'enfant, Ben c'est non. un autre ego différent. C'est ça. OK. Ben, le but, justement, ce qui fait que tu sais que tu as des égos, tu sais, tu as des gens de plus en plus jusqu'à un certain point, qu'on le veuille ou pas, des fois, vu que c'est une fin de cycle, puis on a l'impression que ça l'empire tout le temps, puis que les gens sont de plus en plus insensibles, puis tout. Il reste que au niveau d'une loi d'exception, si tu veux, il apparaît de nos jours des êtres énormément plus sophistiqués qu'il y a longtemps. À travers toute la chenoute, là, il apparaît des êtres d'une sensibilité puis d'une intelligence exceptionnelle. Il y en a qui apparaissent Mais c'est une beaucoup espèce de plus retour de qu'il y a longtemps. balancier pour comme rééquilibrer. S'il y a un excès de yin, il va y avoir du yang ou vice-versa. Ouais, mais c'est vraiment lié à des forces évolutionnaires, carrément. Moi, je considère que tu as des époques où les gens en général étaient plus sensibles, puis même peut-être un petit peu plus conscients qu'ils sont en général maintenant. Mais au niveau d'une loi d'exception, il n'y avait pas des égos qui apparaissaient de temps en temps aussi sophistiqués et avancés qu'il y en a maintenant des fois. C'est-à-dire, le phénomène peut avoir l'air en apparence plus rare, mais il est beaucoup plus avancé. Puis ça, c'est lié à des forces évolutionnaires de l'âme qui n'est pas capable de se corriger elle-même, elle n'est pas capable d'évoluer par elle-même, ce qui anime, parce que c'est des forces au fond liées à de la mémoire collective, c'est des forces liées à des forces de transfert, des forces de vie. Mais il reste qu'au niveau de l'expérimental, il y a quand même de l'évolutionnaire qui se manifeste. Donc, la réincarnation, c'est que à travers l'ego incarné, il va avoir une évolution de force pareille. Fait que quand ça revient, ça peut passer à travers des egos un petit peu plus sophistiqués. Oui, mais dans le sens que tu donnes au terme réincarnation, c'est pas le sens nécessairement conventionnel que j'entends dans le domaine de la spiritualité ou du nouvel âge. Non, pour moi, ce n'est pas un phénomène spirituel. À mes yeux, c'est pas. Parce que au niveau de la spiritualité de l'être humain, qui est une psychologisation un petit peu de ses instincts de préservation, c'est pour ça qu'ils vont dire la vie avant la vie ou la vie après la vie. Là, ça, c'est spirituel. Parce qu'un ego, c'est bonne valeur, mais ça meurt. Puis de l'âme, c'est pas de l'ego. Donc, c'est quoi qui se réincarne? C'est pas ce que nous autres, on appelle je, puis ce qu'on appelle moi. Mais à ce moment-là, ça serait comme plus clair, si je comprends ta vision de la réincarnation, de parler tout simplement de réactualisation du mémoriel expérientiel lié à des gens qui ont déjà vécu. Ben, réactualisation, pas nécessairement, parce que il va y avoir une réactualisation au sens d'un contexte, oui, il va y avoir des répétitions pour créer un contexte. Mais au niveau de l'évolutionnaire, c'est du nouveau qui apparaît. C'est de même que ça devient de plus en plus sophistiqué. Ouais, mais dans Aujourd'hui, le... Ouais. on Mais... voit aujourd'hui des types de personnes que il n'y avait pas ça avant, là. Non, je comprends, mais là, moi, je parlerais plutôt d'actualisation d'intelligence créative qui vont Oui. travailler, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, par exemple, quelqu'un qui a vécu, il était pilote d'avion, il a connu la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Puis à un moment donné, un jeune enfant naît, il capte son mémorial parce que quelque part, il est entreposé, le mémorial, dans certains cas, les gens vont appeler ça les annales akashiques ou l'astral de la Terre. Un peu comme un film qui a été enregistré, puis à un moment donné, quelqu'un tombe, met sa main sur un film, bon, bien, exposé au film, par des réactions, il peut se mettre à pleurer, il peut s'identifier au personnage principal. Oui. Donc, ça, de ce que je comprends, ce type d'expérience-là, ça reviendrait un petit peu à ça. Ouais, c'est de la mémoire. Bon. Mais l'affaire qui était pilote de l'avion, puis qui disait je, puis qui disait moi, puis qu'au niveau d'une mémoire qui se réactualise à travers un enfant, va dire je, va dire moi, ça c'est mort. C'est l'enfant qui le capte, puis qui est sensible, lui, il est vivant. Oui, ça je le comprends. Fait qu'en réalité, ce qui capte, c'est pas comment dire c'est pas sa vie antérieure à lui, c'est tout simplement du mémorial qu'il interprète comme étant lié à son passé. Oui. L'affaire, c'est qu'on a spiritualisé beaucoup ces phénomènes-là. Si tu regardes dans l'hindouisme. Oui. Or, si l'hindouisme était réellement évolutionnaire, eh bien, il est involutif, mais s'il était réellement évolutionnaire, on ne serait pas encore avec des brahmanes en couche qui se mettent de la bouse de vache dans les cheveux, là. Tu sais, je veux dire, on n'aurait pas répété pendant des millénaires les mêmes chose, parce que ça va contre les lois de l'évolution, ça c'est involutif. Donc, les phénomènes de réincarnation, c'est-à-dire l'énergie non égoïsée qui revient à travers les égos au niveau de lois évolutionnaires, ben ça n'aurait pas donné un résultat comme ça. Puis aujourd'hui, l'Inde serait extrêmement avancée comme société. Il n'y aurait plus des cadavres dans la rue Ben, à probablement que le Calcutta, là. système des castes serait aboli plus longtemps Ben oui. réellement, là, pas juste en apparence, là. Ouais. Ça, c'est parce qu'on a spiritualisé le phénomène. Puis ça a créé justement un contexte expérimental répétitif qui fait qu'il y a des âmes qui dans le sens que l'énergie a pu plus se passer dans ce contexte-là. Puis c'est pour ça que tu as une multitude de cultures différentes sur Terre. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Puis cette énergie-là est prise pour se manifester à travers différentes cultures au cours des âges. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose de statique, puis c'est au niveau de traumatisme, puis de cataclysme que ça se brise. Puis que là, il y a du nouveau qui peut se manifester. Ouais, Ça, c'est les lois de... je comprends ce que tu veux dire. À travers les différentiels en différentes cultures, les oppositions qu'ils peuvent vivre, voire les guerres, ben ça force le déploiement de certaines énergies, puis ça les met en mouvement, puis ça les sort d'une forme de stagnation. Ben oui, ben si les... C'est comme l'Inde, à un moment donné, il va falloir que cette société-là subisse des transformations. Parce que ça fait partie des lois. T'sais, ils ne pourront pas éternellement vivre comme ils vivent là. Ben, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, je pense qu'une partie de l'Inde qui va trop souffrir, soit la montée des eaux ou la descente. En tout cas, je sais qu'il y a des zones qui sont plus à risque là, que l'agriculture soit impactée là, par les changements climatiques qui sont Ah oui, prévus pour le prochain siècle. c'est pour ça que les sociétés les plus en danger, c'est les vieilles. Puis c'est eux C'est pour ça autres qui que... sont plus liés au mémoriel du passé, puis c'est plus difficile de changer Ben oui. aussi. Parce que quand tu regardes au-delà de ces choses-là, au-delà de l'expérimental subjectif culturel, puis tu vois les lois, tu le vois que ce qui va être détruit, c'est ce qui est vieux. C'est pour ça, à un moment donné, je jasais avec une dame très spirituelle, puis elle me parlait les temples au Népal, puis ces affaires-là. J'ai dit, ça va tout être détruit, ça. Il y a des tremblements de terre, ils vont tout détruire ça. Puis elle dit, pourquoi tu souhaites ça? Je dis, je le souhaite pas. Je le sais. Mais je m'en pose pas non plus. Ça veut pas dire que je le souhaite. Du bien du monde, on a de la misère à comprendre que quand je dis, il va arriver telle chose, pourquoi je le souhaite, là. Mais c'est C'est parce que important de mettre c'est... cette nuance-là parce que les gens peuvent prendre ce raccourci-là par rapport à l'interprétation de tes propos. Ben là, c'est parce qu'il y en a, ils se mettent à m'haïr pas mal. Ben, je suis heureux que tu ouvres la porte là-dessus parce que dans plusieurs de tes vidéos sur ta chaîne YouTube, tu dis souvent ça va aller de plus en plus mal. Puis là, moi, ce que je capte derrière ça, c'est qu'il y a des gens qui vont interpréter que, bon, c'est un pessimiste, un fataliste, puis il nous démoralise, il est déprimant. Même pas, parce que dans le fond, je fais mon possible pour pas donner d'importance à ça, mais que, tu sais, je veux dire, s'il y a une programmation qui fait que ça va aller de plus en plus mal, qu'on le polarise dans le positif ou dans le négatif, que je sois d'accord ou pas d'accord avec ça va arriver Non, pareil. non, je comprends, ça ne change rien, dans le sens que c'est Ben au-delà de ton non. ego, là, c'est comme des lois d'énergie. Mais tu sais, quand Puis que. à date... Il y a bien des affaires qu'on a parlé, puis c'est ça qui arrive, là. Moi, j'aimerais bien gros ça avoir tort sur plein d'affaires. Mais juste quand on avait parlé, bon, que l'aide à mourir, il allait avoir des dérives. Puis là, par après, on apprend qu'il y a des handicapés qui sont carrément euthanasiés, puis on a fait pression pour qu'ils demandent l'aide à mourir. On avait parlé que ça Oui. arriverait, ça. C'est pas parce que je le souhaitais, c'est pas parce que je le savais. C'est pareil pour un paquet d'autres choses. C'est comme l'enregistrement qu'on a fait où on parlait de mesures sanitaires où j'ai les cheveux bien longs et tout. Il y avait des affaires où on a parlé, c'est ça qui est arrivé pareil. C'est pas parce que je suis d'accord. Non, Parce exactement. que on le sait. Mais c'est pareil le reste, là. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça. Comme là, à un moment donné, bon, ben, c'est clair qu'en Europe, ça va finir par avoir des guerres. C'est pas parce que je le souhaite, c'est pas parce que je suis défaitiste, c'est pas parce que je suis fataliste. Mais quand tu connais l'être humain, je veux dire, dans le sens que on le sait que, je veux dire, regarde, t'as eu la Première Guerre mondiale, puis là, le monde a plus jamais. Après, tu as la deuxième. Plus jamais, plus jamais. Après, tu regardes les années 50, 60, Plus la l'armement guerre nucléaire, froide. l'être humain, c'était une bébite anémique. Puis l'âme, ça évolue pas par elle-même. Fait que on le voit que y a des forces qui s'accumulent. Ben maintenant, ça va. T'sais, moi, je suis pas. J'aimerais bien ça que ça soit pas comme ça. Mais c'est ça, c'est que tu peux pas, avec ton ego, avec le désir, tu peux pas changer les lois de la réalité. Ben non. Mais tu Si peux, je voulais ouais. ça, je serais bien trop malheureux. Non, je comprends. Ben c'est ça, tu aurais trop d'espoir puis d'attente, puis ça Ben t'amènerait oui. dans de la subjectivité, ouais. Il semble, maintenant, il y a un enregistrement de Bernard qui dit, il y a une madame, elle me dit, merci de rendre les gens conscients. Il dit, j'ai pas l'intention de rendre les gens conscients, j'ai jamais voulu rendre les gens conscients. Si j'étais assez naïf pour vouloir rendre les gens conscients, je serais bien trop malheureux. Tu sais, c'est certain, je veux dire, c'est comme, admettons, moi, je voudrais la paix puis l'amour dans le monde, je suis faite. Avoir envie de mourir. Tu passes pas ça. C'est ça, mais en C'est même pas ça qui temps, se passe. oui, mais en même temps, tu sais, Bernard ou que ce soit d'autres personnes qui parlent de conscience, souvent ce qu'on va interpréter, ben ils parlent de conscience parce qu'ils veulent amener plus de conscience dans le monde, sinon ils parleraient pas de ça, tu sais. Ouais, mais c'est pas c'est un catalyseur, la parole. Mais Tu est-ce que, sais, ouais. débloquer des affaires chez du monde. C'est à peu près ce qu'il y a de plus ingrat comme job. Parce que le monde, ils vont haïr. Il y a bien. C'est comme mon père, je le sais qu'il m'aimait, mon père, mais une des affaires qu'il m'a le plus souvent dit, c'est je t'haïs. Il m'haïssait parce que je faisais voir des affaires. Ben, c'est parce que tu le confrontais avec ton intelligence. Pas vraiment que je le confrontais autant que lui, il était confronté à des contradictions qu'il avait jamais regardé ça. Puis, des fois, il me posait des questions. Il disait, ah bon, il est arrivé telle affaire, il est arrivé telle situation, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je donnais mon opinion. Là, après, quand je le revoyais, je le savais si c'était arrivé ou pas, parce qu'il me regardait, puis il me disait, Christ, que je t'haïs. Il dit, c'est ça qui est arrivé. Je dis, bon, ben, écoutons, tu sais, c'est pas de ma faute, là. Non, tu Ben, il cherchais pas à être dit, je t'haïs pareil. haïssable. Tu cherchais Ben pas à être non. haïssable, mais le point, c'était ça un peu la résultante parce que tu faisais pas plaisir à son ego. Ben non, mais il reste qu'il y avait tout le temps la curiosité de me redemander. Mais, Fait qu'à quelque tu part, il y avait quand sais, même de l'esprit pour apprécier tes réponses parce que ça aurait mis fin à ce dialogue-là. ben oui, mais c'est arrivé souvent qu'on voulait plus se voir pendant un bout de temps parce que il y avait des conflits de personnalité. Mais il reste que c'est arrivé souvent que je dise à du monde, je dis. Là, si vous continuez de même, ce qui va arriver, c'est ça, puis ça. Puis là, il dit, pourquoi tu souhaites ça? Je le souhaite pas, je le vois que c'est ça qui va arriver. Puis finalement, c'est ça qui arrive, puis ils m'haïssent. Puis ils veulent plus me voir. C'est arrivé, un organisme, de la façon que vous gérez le budget, puis tout, ça marchera pas. Vous allez faire du trou, puis vous serez plus capable par après d'avoir le budget. Puis finalement, c'est ça qui arrivait, puis le monde est en crise après moi. C'est pas de ma faute, Chris! C'est comme tu peux dire à du monde, de la façon que tu agis, là, ça t'en va vers un mur, là. Puis une fois qu'ils ont mangé le mur, ils veulent plus jamais te voir. C'est ça, c'est parce C'est que. pas je t'ai pas jeté un sort. Non, non, Moi, ça me met en exactement. tabarnak, ça. Ben oui, Ben, mais il c'est y en sûr a, que ils c'est. réagissent de même. Non, c'est sûr que c'est contrariant. Parce que probablement que l'astral en eux va être en résistance par rapport à toi, parce que tu leur fais voir des choses qu'ils veulent pas voir. Puis par la suite, comme finalement, ils sont obligés de reconnaître qu'à quelque part, ils étaient dans le tort, ben là, ils vont te blâmer au lieu d'avoir l'ouverture psychique de reconnaître qu'ils étaient dans le tort. Ben oui, puis d'une certaine façon, bon, ben le monde sont confortables dans le psychologique. Puis dans le fond, c'est difficile quand tu dis oh, le monde sont là, moi je veux et je veux faire de quoi pour évoluer, puis je veux comprendre, puis je veux. Ben oui, mais il n'y a rien à comprendre, puis t'as rien à faire. Le monde, ils sont pas contents, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Les autres, ils veulent du développement personnel, ils veulent de la spiritualité. Ils disent, ben oui, mais t'as rien à faire. De ce que je parle, là, c'est une autre partie de toi qui a le contrôle là-dessus. Puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer d'être objectif puis d'observer. Puis tu observes ça. Puis là, à mesure que tu vois des affaires, si tu n'as pas trop de résistance, puis tu abandonnes une partie du psychologique, l'autre, il va t'envoyer. L'information, Il puis va là, t'en. tu peux faire Ouais. consciemment, dans le sens, agir non pas en fonction de l'ego, mais en étant pointé avec l'intelligence de l'esprit que tu peux capter pour des raisons d'ouverture. Ben oui, mais le monde, ils veulent des affaires merveilleuses et extraordinaires. Fait que, ils veulent savoir comment faire. Ben oui, mais il faut rien faire. Faut qu'abandonner l'idée que tu vas avoir le contrôle là-dessus. Puis ça va agir à travers toi. Non, c'est ça, mais c'est la raison, entre autres, pour laquelle, depuis tantôt, je te pose des questions qui tournent beaucoup sur comment améliorer sa condition pratique, parce que sans doute beaucoup de personnes qui m'écoutent, il y en a qui peuvent être malades, qui veulent retrouver la santé. Il y en a d'autres qui ont des problèmes financiers avec l'inflation au moment où ils font l'enregistrement ou ils sont sur le point de perdre leur maison ou peu importe. Ils veulent améliorer leurs finances, avoir la richesse. Puis sinon, l'aspect relationnel, quelqu'un qui perd son conjoint, bien, il veut peut-être en trouver un autre ou il veut rencontrer la personne qui va être son âme sœur, entre guillemets. Bref, Puis, tu sais, sont là les dangers. Tu sais, admettons, toi, tu veux rencontrer quelqu'un qui te convient parfaitement, puis tout. Oui, mais au niveau de ton corps de désir, la personne que tu voudrais, tu penses qu'elle te convient parfaitement, c'est pas ça qu'il te faut. Fait que le monde, ils ont des échecs, puis ils vont tout le temps vers le mauvais monde. Puis, le seul problème, c'est qu'ils ont une vision subjective. Ben, c'est pour ça que je dis, t'as juste à observer, puis à brûler de la naïveté, puis tout va suivre. T'as juste à observer ce qui se passe, observer la mécanique, intégrer des lois. C'est tout. Il faut que la personne quand Puis, même ajuste ses comportements à la lumière de ses observations. ben, quand tu vois quelque chose, t'agis en conséquence. Si tu Ça es change ton intelligent, comportement. il y a une intégration, mais il y en a qui vont répéter les mêmes patterns, puis ils les voient depuis des années, mais ils font de la Ben oui. procrastination. C'est pour ça qu'ils souffrent et tout. Puis ça, ils souffrent de plus en plus. Puis, et on a bien pensé que ce qui se fait, c'est pour améliorer notre situation. Même au niveau, regarde, là, ils viennent d'élever les taux directeurs pour combattre l'inflation. Penses-tu que ça va aider à combattre l'inflation ou à l'augmenter? Voyons, tu es obligé de payer plus d'intérêt sur ton hypothèque. Ça va-tu aider l'inflation, ça? Ben, c'est-à-dire réduire C'est de l'inflation. l'inflation. Ouais, ben, parce que ça dépend comment qu'on l'entend. C'est sûr que il y a plusieurs niveaux par rapport à ça. Dans un premier niveau de base, c'est comme, ah, ben, on augmente le taux d'intérêt. Ça va faire en sorte que les gens vont moins consommer. S'ils consomment moins, ben, ça va diminuer la valeur des choses parce que ça va diminuer la demande. Si le monde y consomme moins, Oui. il va avoir moins de. Il va y avoir moins de fonds qui circulent. Tu as un paquet de compagnies qui vont faire faillite. Tu vas avoir moins de services. Puis ça va créer de l'inflation pareil. J'ai une de mes cousines, elle, puis son chum, ils ont réussi à avoir une hypothèque sur une maison de 1 million point quelque. Elle est hôtesse de l'air, puis lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Là, ils viennent d'augmenter les taux d'intérêt. T'as-tu pensé combien ça va leur coûter de plus? Ils vont perdre leur maison à un moment donné. Mais probablement que ça va C'est. diminuer le coût des maisons, justement. Si le taux d'intérêt augmente, Ouais. ça va diminuer, donc ça va limiter Mais. l'inflation, c'est-à-dire Ça l'augmentation de va la faire valeur. tomber le marché de l'immobilier. Là, les banques vont ramasser les maisons. Là, ils vont avoir trop de maisons pour. Je veux dire, ça va tomber plus vite que l'inflation baisse. Ils vont avoir trop de maisons sur le marché pour ce que les gens sont capables d'acheter. Ça va tout. Je veux dire, c'est comme un château de cartes, là. Ben, c'est sûr qu'on Fait l'a vu que. avec la crise de 2008 aux États-Unis, des subprimes, là, où C'est des gens ça. qui avaient des gros prêts, là, qui n'étaient pas capables de rembourser, puis c'était l'avarice des banquiers qui prêtaient à des gens qui n'étaient pas vraiment solvables, là, aux États-Unis. Là, ça a eu Ben, l'effet domino des faillites en chaîne. Ben oui, dans le fond, là, oui, le prix des maisons va baisser, mais le pouvoir d'achat va baisser encore plus vite. Fait que non seulement tu vas Ça va appauvrir les gens, finalement, ce type Ben de là, politique-là. c'est du suicide. C'est comme les taux négatifs, les banques en Europe. C'est quoi ça? On voit que le but, c'est pas. Ils veulent pas que le monde ait leur maison. Mais c'est pas nécessairement du suicide financier, là, tu sais. Ben là, moi, je considère ça comme du suicide. Ben moi, je vois ça comme des mesures structurelles qui manquent d'ajustement, puis qui vont créer d'autres désordres pour compenser des désordres. Ben oui, mais c'est comme si tu tires une balle dans la tête parce que t'as des poux. T'sais, moi, j'appelle ça du suicide. Ben, dans le On sens peut que dire, ben, c'est une solution mal ajustée. c'est une mesure qui est disproportionnée, comme essayer de tuer une mouche avec un bazooka. Ouais, surtout si t'as la mouche dans le front. Ouais. T'sais, c'est pour ça, moi, j'appelle ça du suicide. Ça va s'écrouler, mais à un moment donné, ça va créer des réactions en chaîne. Parce que, en même temps, t'as d'autres pays qu'eux autres, ils ont encore les marchés. T'sais, admettons là, que, regarde, là, on va faire des mesures pour faire une guerre économique à la Russie. Ils sont en train de sacrer le niveau de vie de tout l'Occidentaire, puis celui de la Russie, mais il va bien, ça va bien, leur économie. Ben, c'est ça, c'est que C'était c'est. du suicide. Puis même quand ils ont décidé de faire ça, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Ben, le C'est paradoxe, complètement dans le fond, stupide. c'est eux autres qui appauvrissent leur niveau de vie sans doute davantage que celui de la Ouais. Russie. Donc, l'effet Fait que moi, par. j'en viens, quand je regarde ça, je me dis, ben, dans le fond, c'était ça le but. Ça va rendre les idées de la gang à Davos, là, le grand ami du prince Charles, là, ça va rendre encore leur solution Ben, le complètement Forum encore économique plus mondial stupide. avec Klaus Schwab là, pour Ouais. le nommer, là, c'est sûr que ça sert Parce que les son autres. agenda dans le sens que si il y a une dégradation du niveau de vie, ben là, à ce moment-là, ça le crée la fenêtre d'opportunité pour mettre en place le grand Ben oui. reset, la grande réinitialisation. Si tu veux imposer un ordre dont personne ne veut, il faut que tu mettes un désordre qui va rendre ça inévitable puis que ça va avoir l'air d'avoir de l'allure. C'est ça, puis créer le consentement social, puis l'ouverture des gens en disant, ben c'est la solution qu'il vous faut. Le système actuel capitaliste ne fonctionne pas, vous en avez la preuve. Parce que là, ils veulent plus payer. ils voulaient plus payer la Russie, ben les autres, bon, on coupe le gaz. T'as-tu pensé l'hiver qui s'en vient pour les Européens? Ça va être épouvantable. C'est du suicide ce qu'ils font. Fait que ça veut dire ça, ça veut dire que les gens élus, c'est des traîtres. Ou des idiots utiles parce qu'ils n'ont pas la lucidité de voir l'ensemble de l'implication de leurs actions. Ouais, ça revient au même. Ben oui, mais c'est tous des crétins partout. À la Ouais. tête de tous les pays. Tu sais, je veux dire, à la tête du Canada, à la tête de la France, à la tête de l'Allemagne, à la tête de l'Angleterre, c'est toutes des épées. C'est toutes des sautés. Ils sont toutes là. Moi, c'est quand ils ont dit ça, on va jeter l'économie russe à terre. Je dis, ben non, ben là, ça marche pas. Au début, ceux qui vont payer pour, c'est les petites gens en Russie. Puis ça, c'était dans l'espoir qu'ils se retournent contre leur gouvernement, qu'ils fassent pression contre Poutine, mais ça marche pas de même. Fait que finalement, à long terme, c'est leur propre économie qu'ils ont mis à terre. Puis ça va créer des problèmes pour les dirigeants occidentaux. Comme ici, au Québec, bon, M. Legault, c'est pas le fun, la tension monte, le climat est pas plaisant. Ben oui, mais c'est sa faute à qui? C'est de sa faute à lui? Eux autres? Ben c'est Je veux dire. ça. Oui, c'est ça par rapport au contexte où ce qu'on parle, on est en période électorale. Ouais. Puis là, dans le fond, ils vont dire, ah ben là, il y a un climat de haine là, qui est véhiculé là, Ah oui, c'est dans la sûr. population par certains politiciens, là, si on pense à, ben je nommerai pas des partis, là, mais Ben là, bref. quand il y avait le pire des mesures, je le disais, les politiciens, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Il y en a, ils vont vouloir. Bon. Ben, en tout cas, il peut y avoir un contre-coup énergétique, mais à ce soir, je voulais quand Après même. ça, ils chialent. Après Ouais. ça, ils chialent. Là, on reçoit des menaces. Mais c'est parce que ça, ils veulent pas voir leur part de responsabilité par rapport au choc, ce que certains vont appeler une espèce de choc karmique, là, en retour Ben, de. c'est parce qu'ils détournent. C'est des boucs émissaires. Ils détournent leurs responsabilités sur la population elle-même. Si la population est insatisfaite puis que la grogne monte, c'est de leur faute à eux autres. Tu sais. tu peux pas dire c'est de la faute de la population. On est censé être dans une démocratie. Mais là, le monde, ils sont pas tous stupides, là. Il y en a, c'est sûr que ça commence à être agressif. Moi, j'ai jamais prôné la violence. Moi non plus. Pas dans le plan matériel. Mais il reste que, bon, tu sais, je veux dire, c'était prévisible, tout ça. Puis, et le pire, c'est que je soupçonne, ils le savent, puis ils font les hypocrites. Pourquoi? Parce que ça va servir à justifier des budgets, ça va servir à justifier des lois. Comme, gars, là, leur convoi de la liberté, je l'avais dit, ça va être une grosse déception, ça, puis ça va se retourner contre la population. Ils ont enlevé les permis des truckers qui sont allés là, ils peuvent plus travailler. L'autre, il s'est servi de ça comme prétexte pour mettre sa loi des mesures d'urgence, puis... Finalement, ça c'était clair que ça allait être une déception, puis ça allait se retourner contre le monde. Mais là, à un moment donné, c'est à se demander si c'est pas des opérations du SCRS pour justement, pour que ça serve de prétexte après pour voter des lois, des ci, des ça. Puis mettre Là. des mesures de contrôle encore plus fortes qui vont Ben oui, aller à c'est à l'encontre l'effet des droits et contraire de. libertés. Comme là, l'autre, Christophe Freeland, il est arrivé à Redneck en camisole, qui a dit « T'es une traite, une salope. » Puis là, ils sont tous partis dans les médias. « Il y a du monde menaçant. » Mais il n'a pas fait de menace. C'est quoi ces niaiseries-là? Il a fait aucune menace. Il a juste dit « T'es une traite, puis une ci, puis une ça. » Mais le gars, il fait 6 pieds que... Il a eu peur. Puis là, ils ont filmé ça, puis ils essaient de nous faire croire que la population met les pauvres élus en danger. Ben oui, mais c'est des retours, je veux dire, c'est des élus qui mettent la population en danger. Mais lui, il a fait aucune menace. Là, le Chicone, il s'est fait voler dans ses bureaux. Il s'est fait voler une médaille de l'Assemblée nationale, entre autres, mais il disait au début, ils ont défoncé un mur, puis ils sont partis avec des filières complètes. Puis là, ils sont en train de nous faire accroire, c'est un itinérant qui a fait ça. Il y a de quoi qui marche pas. Il n'y a rien qui marche dans le. Je veux dire, c'est tout le temps des affaires de même. Ils nous prennent des épées. Fait que là, tu sais, je veux dire, il est arrivé de quoi, là? Mais c'était un itinérant qui va porter le chapeau parce que lui, il a essayé de revendre une médaille de l'Assemblée nationale dans un pawn shop. Mais on le sait qu'il y a eu d'autres choses parce qu'il y a il y aurait des filières complètes qui ont disparu. Un itinérant, il ne peut pas charger ça dans un truck, là. Non, exactement. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Puis c'est tout le temps de même. Mais ça, les gens, bon, ils ont été entretenus pendant, tu sais, je veux dire, c'est des générations là, d'instruction publique défaillante. C'est des générations de lobotomie par la télé. Puis c'est des générations de conditionnement pour être polarisé dans le mental, se servir de la psychologie de masse. Puis. Je veux dire, le monde, il pense que les journalistes font le bon job. Mais il reste qu'on va avoir des bons journalistes le jour où la population va être son propre journaliste. Et avec les médias aujourd'hui, les médias sociaux, les sites web, il y a de plus en plus d'outils ou d'opportunités qui existent. Oui, puis il est là un petit peu le problème, c'est qu'on est submergé d'informations, puis on n'a pas nécessairement le discernement. Que ça devient complexe, là, parce que ça vient noyer le poisson. Parce que là, faut trier le vrai du faux là-dedans. Oui, puis ça amène à monter en intelligence pour un discernement de plus en plus aiguisé. Donc, paradoxalement, plus qu'on est exposé à de la désinformation, plus qu'à ce moment-là, il faut être lucide pour y faire face. Ben oui, parce que une agence de renseignement intelligente va tout le temps faire circuler de la désinformation elle-même. Ben oui, pour contrôler le message, par exemple, qui est diffusé au grand public ou dans les médias de masse. Ouais. Donc, les principaux fournisseurs de désinformation, c'est les agences de renseignement, puis ça passe à travers les médias. Parce que aujourd'hui, tu n'as plus des erratum. Je veux dire, des fois, ils disent une connerie, ça, c'est pas vrai. Puis t'as même pas d'erratum, ils sont même pas gênés. Ou c'est plus rare, puis c'est style en page 30, en bas d'un ça. Texte, là, que presque personne lit ou porte attention. Puis le monde, ils vont se souvenir. Ben, t'as vu les cheminées? En plus, on a des journalistes idiots, mais idiots. J'ai vu l'autre jour, il montrait, il y avait un petit trou, un éclat d'obus qui avait fait un petit trou. C'était un obus d'artillerie qui a fait ça. Puis la journaliste était là. C'est ici que le missile russe est atterri. Ben là, c'était un trou de 1,5 m de diamètre, pas un missile là, qui a fait ça. Ils savent pas. T'es journaliste de guerre, tu sais pas la différence entre un missile, puis il y a un problème. Mais c'est parce qu'elle a eu la commande, il faut que tu dises des missiles russes. Parce que ça fait peur. Mais un missile, ça fait pas un petit trou de même, là. C'est pas un missile qui a fait ça. Je sais pas si t'as vu, il filmait une cheminée cassée, puis il Non. disait, c'est. T'as pas vu ça? Non, ben, c'est-à-dire que présentement, j'ai peut-être un suivi un petit peu moins l'actualité là, que l'habitude. Ah, ben ça a fait le tour de la planète. C'est des journalistes français, ils ont filmé une cheminée crochue parce qu'elle est cassée sur un toit, puis ils disaient c'est un missile russe qui est pris dans le toit. Puis tu voyais une cheminée qui n'était pas abîmée juste à côté, tu le vois que c'est une cheminée. Premièrement, un missile, ça n'a pas cette taille-là, là. À moins que ce soit un missile microscopique, là. Ouais, mais même là, tu sais, ça va pas se coincer dans le toit comme une chandelle sur un gâteau de fête. Tu sais, là, c'est comme, bon, en tout cas, avec le papier de Bardot qui remonte puis qui fait le tour de la cheminée, là. Il disait, essaye de nous faire, ben, c'est parce que c'était gros. Je veux dire, tu peux pas faire plus stupide que ça. Puis le monde, il gobait ça. Puis il a fallu que du monde dise, voyons, ça se tient pas debout, c'est une cheminée. Ils ont filmé une cheminée, puis ils essayent de faire à cœur que c'était un missile coincé dans le toit. Mais là, ça, c'est rendu grave, là. Ils essayent de nous faire à croire que les Russes bombardent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sur un territoire qu'ils contrôlent. Ils se bombardent eux-mêmes. Ils ont fini par l'admettre que c'est les forces ukrainiennes qui Ah, bombardent. ben c'est sûr que la désinformation par rapport à ce qui se passe, mais je vais te Ben là. ramener à une autre question. Oui, ben il va falloir achever bientôt. Je sais pas si tu en as encore beaucoup. J'en avais deux. Fait OK. que, en tout cas, question. Est-ce que l'individu qui se conscientise peut amener les plans de la lumière à manipuler des gens à travers la pensée à son avantage ou du collectif pour des motifs humanitaires? En s'appuyant sur le principe à l'effet que la pensée vient d'ailleurs, par exemple, cela pourrait être d'amener des dirigeants à mettre fin à des mesures violant les droits et libertés de la population ou de mettre fin à un conflit entre deux pays ayant le potentiel de devenir une guerre mondiale. Le problème, c'est au niveau de l'intégration puis de la conscientisation, ce qui est vraiment à l'avantage des individus, c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. Donc, c'est encore là. Ça va conscientiser plus de monde des guerres puis des choses comme ça que la paix. Je sais que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais je pense oui qu'on peut dire oui. OK, mais en fait, ma question était un peu longue, là, avec le recul, je le vois. Mais l'idée, c'était, est-ce que, bon, la personne qui se conscientise, elle peut dire au plan de la lumière, à travers la pensée, à dire, ben là, vous allez vous organiser pour des raisons, dans le fond, qu'elle évalue comme étant humanitaire, ben là, il faut que ça arrête le conflit là, entre deux pays, parce que ça pourrait générer une guerre nucléaire, par exemple. Ben, le conflit entre deux pays va engendrer plus de conscience que la paix. Donc, à ce moment-là, même si ça dérape sur une guerre nucléaire qui pourrait amener à des problèmes très graves de radioactivité pendant plusieurs décennies, à ce moment-là, si ça sert à engendrer de la conscience, ça a une utilité, même si l'environnement risque d'être toxique pendant longtemps. Ouais, mais il y a aussi que. Non, ça ira pas. Tu sais, je veux dire, ça va tout le temps nous amener sur le bord du précipice. Mais on va tout le temps être arrivé sur le bord de la catastrophe. Là, tout d'un coup, oui, il peut y avoir des interventions. Finalement, l'événementiel ne retourne pas aussi mal qu'on pensait. Mais il reste qu'il y a des périodes où l'humanité. Regarde, là, les cités troglodytes qu'il y a dans certains coins de la Turquie. Puis, à certaines époques, les gens ont été obligés de vivre longtemps sous terre. Ça veut dire qu'il se passait qu'il y a des choses à la surface. Oui, ben, apparemment, dans un lointain passé, il y avait des guerres avec des objets volants. On parle de vimana par rapport à l'Inde, entre autres, où il y a eu même des constats d'armes à caractère radioactif qui auraient été utilisées. Là, certaines zones de l'Inde là, qui présenteraient encore de la radioactivité là, en lien avec l'utilisation de certaines armes. C'est sûr, dans les écrits anciens, si on pense à Sodome et Gomorre, où les gens auraient été réduits en statues de sel, avec les connaissances technologique qu'on a d'aujourd'hui, on peut penser à l'utilisation de l'arme nucléaire qui réduit des gens en sel. Ouais. Donc, au niveau des forces évolutionnaires, souvent, ce qui va être au profit de l'intégration de forces de la conscience, ce ne sera pas ce que nous autres, on pense. Puis, s'il faut qu'on vive comme des rats pour intégrer de la conscience de force, ça se peut que ça arrive pareil. Donc, jusqu'à un certain point, ça devient délicat, là, répondre à ça, parce que c'est des forces qui sont pas humaines, au sens où nous autres, on l'est. Puis nous autres, on est toujours porté au niveau d'un corps de désir à vouloir que ça aille bien. Tandis que eux autres, ils s'en foutent que ça aille bien ou que ça aille mal, en autant qu'il y a de la conscience qui s'intègre de force, puis qu'il y a de l'expérimental qui s'enregistre. Mais là, à mes yeux, ça pourrait pas prendre nécessairement les mêmes formes qu'on a eues avant. Mais souvent, ça va nous amener au bord de la catastrophe. Mais ça peut, à dernière minute, l'empêcher aussi. Mais là, forcer les plans de la lumière à éviter des catastrophes, en fait, l'être humain, dans sa subjectivité, souvent, sans s'en rendre compte, il va être en accord avec certains plans, puis il va être dans l'illusion d'amener les plans de la lumière à faire ce qu'il veut. Alors qu'au fond, c'est les plans de lumière qui font ce qu'ils veulent de lui. Puis lui, dans sa subjectivité, il pense que les plans font ce qu'il veut lui. Ah, à cause que l'illusion du libre arbitre. Entre autres. Mais il reste que si jamais tu veux que quelque chose arrive, puis que Oui. c'est ça qui arrive, ben souvent c'était ça qui serait arrivé. Ben, c'était Ça programmé par s'exprimait à les plans de travers la toi. lumière, puis tu as l'impression que c'est toi qui veux ça, mais en réalité, tu fais juste suivre une programmation qui est vouée à s'actualiser. Ben oui, ben, des fois, plus que tu es en accord avec certains plans, plus tu vas avoir la même volonté qu'eux autres. C'est juste, faut pas tomber dans l'illusion quand ça arrive que c'est toi qui les as fait faire ça. C'est plutôt Parce le que ça. contraire. Ouais. Ouais. Mais sinon, en fait, avec ma question, c'était de voir est-ce que les personnes peuvent amener les plans de la lumière à manipuler des gens à travers la pensée, dans le sens que si la personne voit que le dirigeant de son pays, il dérape avec des mesures de contrôle, c'est un objet de ma question, qui sont vraiment liberticides, qui violent les droits et libertés. Qui mettent en place des confinements, puis des règles, puis là, ça prend le passeport, passer partout, puis la personne se sent vraiment étouffée. Est-ce que la personne peut, à travers le phénomène de la contestation psychique, de dire, ben là, ça va faire, puis envoyer l'idée au dirigeant pour que créer un choc à distance psychique pour qu'il change? Parce qu'il arrive, c'est le dirigeant, il est déjà manipulé par des forces qui veulent autre chose. Donc, à ce niveau-là, c'est des conflits puis des rapports de force entre des forces qui sont même pas humaines, mais qui chevauchent des gens. Moi, j'ai essayé d'influencer des fois du monde de même, puis ça marche plus ou moins. Puis finalement, des fois, je finis par me faire dire que, tu sais, il y a des affaires de programmer, puis c'est pas tout qui va changer ça. Là, dans ce temps-là, je prends mon trou. Je dis, OK. Non, je comprends. Au moins, tu as eu la satisfaction personnelle d'essayer. Parce que Ben, déjà. même là, l'insatisfaction, ben, ça marche pas. Dans le sens que c'est tout le temps arrangé que finalement, bon, je me sens contré, puis je me rends pas, ou ça marche pas, ou. Même à un moment donné, là, on a quelqu'un qui est à la santé au Québec, puis je me suis dit, cet hostie-là, je suis plus capable, mais aller l'attaquer. Fait que finalement, bon, je me prépare avant de me coucher, puis je me dis, bon, je vais me décorporer, puis m'aller l'attaquer. Puis je me suis retrouvé à me battre contre une affaire qui n'était pas humaine. Maintenant, ça me dit à l'oreille, ça dit, de toute façon, il ne peut rien te faire. Là, je me suis réveillé, j'ai parlé, c'était assez spécial comme expérience. J'ai dit, mais là, c'était-tu lui vraiment? C'était quoi cette affaire-là? Pourquoi vous m'avez amené me débattre avec une patente de même? C'était pas humain, moi, ce que j'ai vu. Fait que là, je le sais même pas si le gars, c'est parce que c'est une bibite l'autre bord, ou si j'ai été mené en bateau pour aller me battre avec d'autres choses. Puis quand je demande c'était quoi, ça me répond pas, ça veut pas répondre. Mais c'est parce que c'est comme si je ne me mêlais pas de mes affaires. Fait qu'il doit y avoir des affaires que je sais pas, puis bon. Mais en même temps, si tu montes dans un état de colère mentale, tu auras peut-être l'autorité vibratoire pour forcer la force à dévoiler qu'est-ce qu'il en est réellement. Moi-même, là, c'est pas magique, ça. Parce que si, admettons, je monte en colère mentale, on va finir par me rendre compte qu'au fond, il y a de l'orgueil chez moi. Puis que peut-être qu'au fond, bon, c'est pas de mes affaires. Puis aussi, finalement, ce qui est arrivé, j'ai vécu des événements qui font que j'ai comme baissé en puissance psychique. Puis j'ai pas réessayé. Donc, pourtant, ça m'était déjà arrivé de faire des expériences comme ça, puis ça avait marché. Mais finalement, là, ça a l'air, on dirait qu'il y a des programmes collectifs que l'individu, il laisse pas l'individu faire. Probablement que ça rentre en conflit avec trop de programmation, trop de monde. Puis ça revient à pas se mêler de ses affaires quelque part. C'est un petit peu, il y en a bien qui ont essayé de détruire par télépsychie des gens comme Hitler ou Staline, puis ils se sont rendus compte que il y avait des programmations collectives qui faisaient qu'ils pouvaient pas. Fait que c'est la même affaire avec les nôtres, là. Ouais, je comprends, c'est le même principe qui s'applique. Sinon, j'avais Ben pour... Oui. même Hitler, il y en a, ils ont essayé de le tuer dans des attentats, puis on dirait qu'il était protégé par des forces. Il échappait à je sais pas combien d'attentats. T'sais, pourtant, il y en a un maudit du monde qui ont essayé de le tuer. Puis c'était des adons, des petits adons, puis tellement que lui-même, il dit que je suis protégé. Fait que ça gardait son ego en puissance. Ben, c'est parce qu'il avait un job à faire, puis ce qu'il pouvait pas comprendre, par contre, c'est qu'il s'était fait avoir avec ce avec quoi il pensait qu'il avait pactisé, puis une fois que sa job a été faite, ils l'ont laissé crever comme un chien dans son trou. Fait que c'est ça. Sinon, j'avais pour question, les plans de la lumière peuvent éclairer l'individu qui se conscientise. Mais est-ce que celui fusionné, gagnant en puissance vibratoire, peut les éclairer de la souffrance qu'il peut vivre au quotidien et les faire souffrir avec son feu mental lors d'états de colère vibratoire de manière à les amener à le servir et à être plus conscient et respectueux de sa condition expérimentale? Ben, jusqu'à un certain point, c'est ça qu'on fait. Je veux dire, quand quelqu'un d'un certain niveau de conscience s'incarne, le plan d'où il vient, il va souffrir expérimentalement à travers Ben, lui. attends une minute, parce que là, de la façon que tantôt tu parlais de la réincarnation, c'est que finalement, ben, il n'y a pas d'incarnation d'un ego qui revient sur la Terre. C'est C'est juste. pas des égos non plus, ces plans-là. Mais ce qui s'incarne à ce niveau-là, ben, que tu vas parler de l'âme en tant que mémoriel Ouais, de. mais là, c'est plus l'âme, là, c'est des plans plus haut Ben, que ça c'est encore. l'esprit qui s'incarne. Ouais. Mais c'est parce que tout ça, c'est ambigu, parce que dans un sens, on est un esprit qui est incarné dans la matière. Mais... Ben non, pas tout le monde. Ah, OK. Parce que c'est pas tout le monde qui a contact avec l'esprit. Oui, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est fusionné, là, ou qui vit le processus de la transition mutation La psychique, là. plupart, c'est des forces animiques qui s'incarnent. Mais t'en as aussi, c'est des âmes, entre guillemets, c'est de l'âme de certains niveaux qui est bien évoluée. Ben là, il peut avoir un début de fusion d'une autre vie, sans guillemets encore, là, c'est plus flou que ça. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir une incarnation directe de l'esprit. Là, à ce moment-là, ça fait des grands personnages, là, comme le Christ ou ça fait des affaires de même. Ça fait des grands personnages qui viennent ils viennent bouleverser toute la programmation collective de la mémoire de leur race. OK, Là, à ce mais. moment-là, oui, t'as un esprit qui s'est incarné direct. OK, mais là, tu parles d'un esprit qui part du plan éthérique, qui va s'incarner à travers l'individu du plan physique. C'est pas Ben oui. quelqu'un qui a déjà vécu dans. Qui était un moine tibétain, il se réincarne au Québec. C'est pas dans un sens Ah comme ça non. spirituel, là. Ben non. C'est parce que justement, pour qu'il y ait sur certains plans une compréhension de la souffrance humaine, Oui. il faut qu'il y ait des individus comme ça. Ça fait une porte, là. C'est pour ça, là, le radotage, là. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, puis blablabla. Là, et tu commences à avoir d'enregistrer sur certains plans très élevés, c'est quoi la souffrance humaine? Il faut que ça passe à travers des individus exceptionnels qui ont cette programmation-là. Fait que ça devient. C'est là que ça devient. Là, on est dans Là, on peut parler là, c'est difficile à mettre dans des mots. Là. Ça en est des mystères. Dans le sens que, oui, le Très-Haut peut descendre puis prendre conscience de la souffrance humaine. Mais là, c'est là aussi que va se manifester des personnages hors du commun. Là. Puis c'est pour ça aussi qu'au niveau de la spiritualité, collectivement, on a beaucoup regardé ça à travers l'idée de l'amour pour toute l'humanité. Fait que là, dans ce temps-là, il y a ce qu'on pourrait appeler des sauveurs, mais c'est pas au sens où nous autres, on l'entend. Puis là, ça finit par créer des religions, genre, que le Très-Haut, il nous aime, dans le fond. Oui, parce que tout est récupéré puis interprété psychologiquement, là, je comprends le travail des initiés qui descendent une vibration nouvelle, mais tout ça, c'est subtil parce que ces êtres-là, est-ce qu'ils ont déjà vécu sur d'autres planètes ou d'autres réalités ou c'est vraiment purement... C'est ce qui est dit. Mais ça, moi, je le sais pas. J'y crois pas. Puis en même temps que je remets pas ça en doute, je le sais pas. Puis quand j'ai voulu que, tu sais, admettons, je questionne sur des affaires de même, les réponses qui me viennent, je peux pas prêter foi à ça. C'est un peu comme il y en a qui ont dit que le Christ, il venait d'une autre planète. Bon, ben, c'est bizarre. Moi, je commençais là que maintenant, je me dis, ben, moi, je suis pas rendu là. Tu sais, dans le sens que ça, je le sais pas. Puis, quand je questionne intérieurement ces deux affaires de même, ça me dit que je suis pas de mes affaires. Puis que, tu sais, mais dans le fond, je le sais que, oui, il y a des affaires qui viennent de des plans qui sont pas animiques. Oui, C'est ben, c'est du. sûr que si on prend, par exemple, par rapport à la venue du Christ dans la personne de Jésus-Christ, la conception, c'est-à-dire la fameuse Immaculée Conception de la Sainte Vierge, la femme n'est pas fécondée là, par Joseph, mais elle tombe enceinte. Avec la compréhension moderne et technique, ben, on peut dire c'est peut-être une femme qui a été enlevée par des extraterrestres, Moi, je le puis là, vois a pas été de même pantoute. inséminée par eux, puis ont implanté un Bon, fœtus. bon, bon, bon, bon. Pourquoi que le Christ, il se réclame de la maison de David? Pourquoi il rentre à Jérusalem comme un roi, puis qui dit à Ponce Pilate, il dit, c'est-tu vrai que t'es le roi des Juifs? Puis c'est toi qui l'as dit. Puis pourquoi est-ce que les gens qui font sa généalogie dans le Nouveau Testament, ils font remonter jusqu'à la maison de David si c'était une insémination par des extraterrestres. Ça vient de l'Église catholique, l'idée l'Immaculée C'est Conception. ça, mais c'est une tentative, dans le fond, de la démystifier en lien avec les connaissances techniques, puis c'est sûr, une vision ufologique, là, du C'est pas dans ce phénomène. sens-là, moi, que je dis qu'il serait dit que c'était un extraterrestre. C'est dans le sens que l'énergie qui habitait cette incarnation-là, elle aurait été incarnée sur d'autres planètes avant. C'est plus dans ce sens-là. Puis c'est envoyé déjà au niveau de la Vierge, direct à travers ses corps comme un feu. Ça, c'est l'annonciation, si tu veux. C'est-à-dire, il y a une influe, tu sais, puis là, on parle d'un, il y a un feu qui descend, puis bon. Parce que dans le fond, pourquoi que la semence de Joseph n'aurait pas servi de support pareil? Il fallait bien que quelqu'un fournisse de l'ADN pareil. Mais au niveau d'un feu vibratoire bien élevé, là, Ouais. peut-être qu'il se manifeste quelque chose, mais qui aurait été présent sur une autre planète avant, ou qui avait encore la mémoire d'un monde un petit peu plus évolué que le nôtre, là. C'est pour ça, c'est des affaires. Ça dépasse l'entendement normal. Mais l'idée d'une insémination artificielle par des extraterrestres d'un ovni, ça, je ne crois pas à ça, là. Je parle au niveau de l'histoire du Christ, là. Ça, je veux bien de la misère avec ça. Non, non, mais je comprends, mais tu sais, si, admettons, les rois mages sont guidés par une lumière dans le ciel ou une étoile, bon, ben, ils peuvent interpréter un vaisseau spatial qui les mène vers Jésus ou, tu sais. Oui, mais c'est parce qu'au niveau des mages, parce qu'il s'est dit hein, que c'est des mages, hein. Donc c'est des initiés au niveau de la tradition primordiale des cycles astronomiques. Donc au fond, il est question peut-être d'un alignement d'astres qui font justement que quelque chose qui vient c'était quelque chose d'extraterrestre, si tu veux, mais dans le sens que qui vient d'un autre plan. Va s'incarner là. T'sais, au niveau d'une naissance. Parce que veux pas la période cyclique où tu viens au monde, c'est un effet. Puis là, c'était une période exceptionnelle dans un temps extrêmement rapproché. Fait que la gang de mages, qu'eux autres, ils passent le temps à observer le ciel, comme les Cananéens, puis ces gens-là qui étaient bien calés là-dedans, c'est sûr qu'ils voient qu'il va y avoir un alignement. Fait qu'ils vont vouloir calculer où ça pointe, puis ils vont vouloir aller voir qui vient au monde drette là. De toute façon, on n'est même pas sûr. C'est-tu ça qu'il n'est pas question de qu'il n'y avait pas de Bethléem en Judée dans ce temps-là? Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de Nazareth non plus, là. C'est ils ont pris des villages, puis ils ont nommé par après. Comme Bethléem, ça veut dire maison du pain. Fait que c'est des affaires de. C'est des affaires d'initiés du temps, là. C'est comme des jeux de mots, c'est comme comment t'appelles ça, des Easter eggs, là. C'est une façon de dire des affaires sans les dire. Fait que c'est bizarre, là. En plus, tu sais, eux autres seraient allés par là pour un recensement. Puis le roi qui a demandé ce recensement-là, il serait mort dans le fond pas longtemps avant la date qu'il donne. Ça marche pas. Il y a un paquet de détails qui font que ça marche pas. Puis là, il y a eu un concile, ils ont choisi quatre textes, puis ils ont dit c'est eux autres. C'est ces textes-là qui sont bons, puis ils ont tout. Oui, Ben avec les finalement. évangiles et apocryphes là, de Marie-Madeleine. Ouais. Oui. C'est le même pour tous les personnages un peu spéciaux, c'est-à-dire que. Tu vas avoir du monde qui ont été marqués par ça, qui vont vouloir conserver ça pour les générations d'après, en même temps que tu as d'autres mondes liés au pouvoir, que les autres, ce qu'ils vont vouloir, c'est brouiller les pistes le plus possible. Fait que là, ça vient tout mêler. Parce qu'il faut que tu caches l'information. Toi, en tant que quantité officieuse qui est prise sous une autorité officielle qui, elle, a veut brouiller les pistes, il faut que tu viennes à bout de cacher. L'information officieuse qui vont être dans des textes officiels. Là, ça devient compliqué parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Fait qu'au niveau de vieilles affaires de même, on ne peut pas se fier à grand-chose. C'est pour Non, ça que. exactement. Surtout si, comme le disent certains auteurs, que la Bible serait dérivée de d'autres écrits plus anciens, Ouais, comme mais. la mythologie sumérienne là, par rapport à certains Ouais, mais ça, aspects. c'est pour l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, là, c'est plus dur, là. C'est pas pareil, là. Je veux dire, pour l'Ancien Testament, OK. Oui, il y a des affaires, c'est dérivé de la mythologie sumérienne, semble-t-il. Mais le Nouveau Testament, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil pantoute, là, quand ça dit, ah bon, eux autres, ils rentrent à Béthanie, puis là, c'est pas pareil, là. Non, C'est non, plus récent, c'est je plus clair. comprends, mais je veux dire, il y a différents récits, là, l'épopée de Gilgamesh, qui Ouais, sont mais là, plus en ça, lien que l'Ancien Testament, ouais. c'est ça. Parce que le Nouveau Testament, pourquoi qu'il y a un Nouveau Testament? Parce que c'est la nouvelle alliance, qu'on va dire. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'était justement comme pour fermer l'Ancien Testament. C'est pour ça que les Juifs, ils étaient enragés de ça, là. Parce que dans le fond, Eux autres, ils suivent la Torah, qui est un ensemble de lois extrêmement sévères, extrêmement difficiles. Mon père, quand il était petit, il y a un juif qui le payait pour qu'il allume les lumières le samedi, parce que lui, il n'avait pas le droit d'allumer la lumière. Parce que c'était samedi, c'était Shabbat. Bon, c'est toutes des règles que c'est quasiment impossible de suivre tout ça. Fait que là, t'as quelqu'un qui arrive et que c'est un nouveau testament, une nouvelle alliance qui fait que t'as plus à suivre toutes ces règles-là pour être sauvé. Fait que c'est fucké, là, ça vient annuler comme. Oui, mais ça met en place d'autres règles, donc une réinitialisation, si on peut dire, de la matrice planétaire, là. Bon, ils sont bien moins pires, là. Oui, ben Parce que c'est, ouais, je comprends. les forces yaviques, c'est tyrannique, ça, là. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas suivre tout ça, là. C'est Non, je impossible. Même comprends, les là. rabbins ils disent, c'est impossible de suivre parfaitement la Torah Non, parce qu'il n'y a non. personne de parfait. Non, mais je Même comprends là. ce que tu veux dire, mais là, c'est sûr que là, c'est en lien à le Nouveau Testament avec le principe de l'amour qu'aurait descendu le Christ là, à la surface du globe. Ben, c'est parce que là, tu as Moïse, Moïché, lui, il amène le principe de la volonté. Si on peut dire. Après ça, c'est l'Ancien Testament. Là, tu sais, tu vois que c'est lié entre autres à la volonté, parce que là, tu as des commandements, tu as la fuite d'Égypte, l'airage dans le désert. Puis bon. Puis là, après ça, tu as un qui amène le principe de l'amour. Là, tu as un Nouveau Testament. Mais là, ça veut dire que c'est bien beau tout ça, mais le principe de l'intelligence, c'est pas encore ramené. Fait que là, la volonté, l'amour, là, il manque l'intelligence. Puis là, ça, c'est à la fin du dernier cycle, là. Le Ben là, il y a eu nouvel ordre Bernard de apparaît. Montréal que, selon certains, aurait descendu le principe de l'intelligence. Ouais, puis même là, on est tout mêlé. Tu sais, c'est tout le temps de même. Puis là, même, j'ose pas dire ça, moi. Le supramental, c'est l'avènement du principe de l'intelligence. C'est peut-être son énonciation, mais on n'est clairement pas dedans. Dans le sens que c'est pas fini, là. Non, ben c'est le début. Bernard annonçait une ère de 2500 ans où il allait avoir l'intégration, mais lui, il a un vécu qui allait dans ce sens-là, alors que Sri Aurobindo intuitait la descente du supramental plusieurs décennies avant son déploiement alors, en 1969 là, à aujourd'hui. Ouais. Puis là, ça fait 150 ans qu'il est venu au monde, Aurobindo. Bernard avait 50 ans qu'il a eu son expérience. Environ, oui. Ouais. Bon, ben, tu sais, je veux dire, c'est clairement pas encore Bernard. Puis sûrement pas moi non plus. Donc, Ben, c'est pas c'est moi pas non encore plus, là. mais je veux dire, il a été sans doute un catalyseur au Québec pour amener une intelligence nouvelle à prendre son essor. Ben, tu sais, avant qu'il y ait le Nazaréen, qu'on a appelé le Christ, t'as eu des siècles de prophètes qui ont dit « Ah, bah, il va Ben oui, ben, il y arriver a eu un qui Joseph le Baptiste qui a été un précurseur dans un sens, là, puis il y en a eu Oh, d'autres même aussi. Ben, le prophète Élie, puis bien oui, avant. il y en a eu plein, là, où je Ben comprends ce que tu oui. veux dire. Ben, tu sais, c'est comme dans le temps, il faisait du pain, puis il faisait des lignes dessus, puis des trous dedans. Puis ça finit par donner le biscuit soda. Ça vient des Juifs, ça. Puis finalement, après, ils parlaient, oh là, mais le pain, puis blablabla. Ils reconnaîtront pas tout de suite celui qui ont marqué et percé, puis blablabla. Puis finalement, il arrive quelqu'un qui se fait flageoler, puis il se fait percer. Puis c'est tout lié avec une symbolique de pain. C'est une affaire de fou. C'est des affaires de fou. Oui, mais en même temps, Fait que. peut-être les gens dans le futur vont dire des affaires de fou de notre époque actuelle qui tournent beaucoup à travers la technologie, l'Internet, le Ouais. sans-fil, les ondes. Ben moi, je dis que c'est une affaire de fou dans le sens que quand on regarde l'Ancien Testament, puis tout ce qu'ils disent, puis tout, puis qu'après tu regardes le Nouveau, puis tu finis par voir la symbolique qui se répète, puis même que les Juifs, pendant des millénaires, ils ont accompli des affaires sans savoir ce qu'ils faisaient, on dirait. Tandis que, puis là, tu dis que c'est une affaire de fou dans le sens que. C'est tellement subtil, c'est tellement inconscient, puis en même temps, c'est tellement intelligent que c'est une affaire de fou. Puis ils étaient sévères, eux autres, là. Mettons que tu avais un prophète, puis il disait demain matin, il va pleuvoir à midi. Puis il se mettait à pleuvoir à midi et 5, il lapidait. Il était lapidé. Ah ouais, il prenait pas de chance, hein. C'est un peuple raide, que, tu sais, dans le sens, il disait, ben, c'est pour ça qu'il y avait, c'est des forces. Parce que c'est des mondes qui ont la nuque raide. C'est ça l'expression, c'est un peuple qui. Tu sais. Ils ont, mettons qu'ils ont, sont, ils ont, bon, c'est ça. T'sais, physiquement, ils n'ont pas la couenne dure ben ben, mais le reste, là, la volonté, là, ils ont la couenne dure pas mal. Puis, t'sais, même leur propre prophète, ils finissaient lapidés souvent dans le fond d'une fosse. Puis, ils prenaient pas de chance. Fait que, ce qui est resté, c'est des affaires que ça a été, t'sais, je veux dire, c'est vraiment, quand on regarde ça, c'est une affaire de fou. C'est vraiment une affaire de fou. Puis finalement aussi, c'est un peuple qui va être porté beaucoup à intégrer au niveau de leur mémoire les affaires des autres. Fait que, t'as toutes sortes d'affaires que ça vient clairement, t'as des affaires, ça vient des Babyloniens, t'as des affaires, ça vient des Égyptiens, c'est les Égyptiens qui se circoncisaient. T'as des affaires, ça veut dire. Puis là, finalement, bon, ben là, tu te dis. Ça a pris des millénaires, puis en plus, ils sont extrêmement rigides. T'as-tu du monde rigide? C'est un peuple qui est rigide au niveau de la mémoire, puis bon. D'ailleurs, c'est eux autres qui sont ben, c'est un peuple animique, même si c'est une religion monothéiste, puis tout, il y a un aspect animique, puis ils sont beaucoup dans la mémoire. D'ailleurs, t'as des juifs orthodoxes qui se rasent la tête, là, puis qui portent des perruques, puis ça, c'est pour se souvenir des camps. T'sais, faut être dans la mémoire en maudit et avoir un culte de la mémoire de même. Puis quand je regarde ça, je me dis, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis tu te dis, il y a quelque chose là, de spécial par rapport aux autres. C'est un peu comme l'horloge de l'humanité. C'est un peuple de magiciens. Je veux dire, ils connaissent bien, même s'ils n'ont pas le droit d'étudier ça, c'est d'impliquer aller en astronomie. Tu sais, c'est comme les autres, ils n'avaient pas le droit de consulter des astrologues, mais c'est les meilleurs astrologues. Nostradamus, c'est un juif parce que, bon, c'est un provençal. Il y a des juifs à un moment donné qui sont allés en Provence. Puis c'est vraiment fucké, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos des vestiges qu'il y a. En France, dans le sud, c'est clairement des affaires juives qui datent du 1er siècle, tellement j'ai fini par considérer que le véritable berceau du christianisme, c'est le sud de la France. Et je suis pas mal certain. C'est vraiment bizarre, là. Je veux dire, il y a un paquet d'affaires qui ont été déformées qu'on nous cache, pour ciblement, parce que comme je te dis, les gens qui ont l'autorité, qui sont au pouvoir, eux autres, ils veulent brouiller les pistes un peu. Parce qu'ils justifient au niveau de. Bon. Mais il risque. Non, non, il y a de la déprogrammation des peuples, c'est assez clair. Comme il y a des programmations individuelles, c'est lié à des cycles, c'est lié à des connaissances par rapport aux cycles. C'est pour ça que je te dis l'étoile, là, c'est pas nécessairement un ovni, mais peut-être un alignement. Parce que c'était des peuples qui étaient connaissants dans des affaires de même, ils savaient que. La date où tu viens au monde, l'heure même, puis même il y en a, ça allait loin, là, ils calculaient jusqu'à la seconde, puis ça devient ça, des affaires. Puis ça, c'est universel. Tu vois la même science en Chine, mais ça prend des noms différents, puis bon, c'est un petit peu Ben, différent, c'est tu vois. ça, c'est comme l'énergie. Il y en a qui vont dire, ah, c'est l'énergie du chi. Il y en a qui vont dire, c'est l'énergie divine. Il y en a qui vont dire, tu sais, il y a Ben là, c'est pas plusieurs tout à appels. fait pareil, là. Ben, il y en Parce a que qui le vont. chi, bon, Ouais. c'est une force vitale. T'sais, je veux dire, comme les Hindous vont dire le vrage. Les Allemands, ils appelaient ça le vril. T'sais, les Polynésiens, c'est le mana. Oui. Mais tandis que l'énergie divine, c'est-à-dire le feu des plus hauts plans, c'est pas comme le chi, là. C'est un autre. T'sais, c'est gradé. C'est pas parce que. C'est comme le corps vital. Ça, c'est fait avec du chi. Mais le feu de l'esprit, c'est ça, l'affaire divine, là, c'est pas le chi, là, tout à fait, c'est lié, c'est pas, ça va dans un dégradé, puis ça fait, bon, il y a différents corps. En tout cas, c'est des affaires, Comment je pourrais dire ça? Tout a été fait pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne pas. Bien, c'est ça, parce que dans le fond, la définition qu'on peut donner à ces concepts-là va varier, puis d'une personne à l'autre, on part des définitions, un peu comme le surmental. Tu as déjà fait une vidéo en lien avec cette notion-là. C'est comme organiser que ben il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs définitions. Fait que c'est comme une cacophonie, on est comme dans une tour de Babel, sauf à l'époque d'Internet. Ben pourtant, moi, après en avoir parlé, j'ai revérifié que ce que Bernard disait. J'ai revérifié ce que d'autres disaient. Puis, je vois pas de cacophonie. Pourtant, il y en a qui arrivent, ils voient des affaires électroniques. Puis de... Non, ouais, à moins que. Au niveau. C'est parce que si c'est pas lié à une certaine objectivité, puis il y a des affaires de même, des formes de même, ça veut dire que c'est pas le surmental, là. C'est encore l'astral. Dans le sens que moi, je vois pas de cacophonie, mais il y a des affaires que, bon, j'ai de la misère à mettons que au niveau d'une décorporation, je me mets à avoir un plan, puis c'est comme certains ont décrit, puis qu'ils appellent ça le plan surmental, parce qu'ils disent même pas le surmental, c'est le plan surmental, puis je vois ça, je vais pas considérer que c'est le surmental. Ben, c'est sûr que ce soit le plan astral, mais l'autre, elle l'interprète comme un surmental, puis. Ben là, pour ça, il y en a plusieurs que bon, ils ont sorti ça de main. Je dis, ben là, wow, là, c'est comme, c'est pas ça, là. C'est parce que le plan mental, pour observer objectivement sa mécanique, tu peux pas être dans le plan mental. C'est pour ça qu'il y a le surmental, qui est comme le seuil des états du mental. Qui est le début des états du mental. Puis, parce que tu peux pas intégrer la mécanique psychologique à partir du psychologique. C'est ce que Non, les non, je comprends, psychologues ça puis les prend. psychanalystes ont essayé de faire, puis ça tourne en rond Non, leur non, c'est ça. C'est affaire. parce que c'est à partir de formes, tu essaies d'intégrer des formes, mais à ce moment-là, tu n'es pas au-delà de la forme pour avoir le Ah recul non. critique puis les Au lieu de briser observer. des formes puis intégrer la mécanique, t'es densifié puis t'es accumulé. Fait que C'est ça. ça. Ça fait Fait du qu'ils peuvent cumul bien de voir des mémoriel. plans remplis Ouais. d'électronique puis de bébites. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, parce que pas ça, là. Tu sais, des affaires, des fois, là, c'était. Je faisais juste écouter ça, puis je me disais, si, boire, s'ils voient vraiment des affaires de même, je sais pas comment ils font me garder toute leur tête, y a de quoi finir à l'asile. C'est passé trop, là. C'est des affaires, en plus, c'est lourd, c'est lourd. C'est pas supposé. Plus tu t'en vas vers les éthers du mental, ou plus que tu es mis en résonance avec ça, tu es supposé t'alléger, pas t'alourdir avec des formes. Puis tu es supposé te rendre compte qu'il y a bien des illusions. Puis t'es pas supposé finir comme dans un sabbat de sorcière, là. Qu'il y a toutes sortes de styles de bébites qui veulent te licher. qui veulent te licher les centres et de quoi qui marche pas, là. De la même façon que. J'ai même de la misère avec l'idée, c'est comme j'ai chialé dernièrement, je disais, ben, il y a des affaires, ça sent la sauge brûlée, et puis là, il y en a qui venaient répondre, ouais, mais la sauge, c'est très salvateur, ça aide à enlever la moisissure dans les murs, puis tout. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, ça, c'est le début d'un esprit scientifique, dans le sens que oui, il y a des effets d'assainissement. Par rapport lié à la sauge. Mais si tu vibres assez bas que tu as besoin de sauge pour faire partir des entités parce que tu vibres pas assez haut pour avoir l'autorité de les faire décrisser juste par ta présence, là, je suis pas content. Ça veut dire que c'est une activité de compensation, là. C'est ça, ça compense un manque d'autorité, puis la personne s'appuie sur une forme, donc à ce moment-là, elle dépend d'une forme pour se sentir en puissance. Ben oui, c'est comme dans le temps qu'on mettait du sel dans les coins. Ça revient à accrocher de l'ail autour des fenêtres, là, pour Ou pas un que les. crucifix à l'entrée d'une porte. Ouais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai rien contre que du monde se mette des crucifix, mais si tu le fais parce que t'as peur du démon, il y a un problème. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, c'est pas ça. C'est pas ça la clé de. En tout cas, ben, tu sais, c'était un peu comme à un moment donné, il y en a qui reviennent et disent, hey, même les démons nous fuient en ton nom. Puis ils sont comme tout surpris de ça. Mais ça, c'est parce que, justement, ils ont besoin d'une forme puis d'un appui parce qu'ils n'ont pas d'autorité par eux-mêmes. Ben, tu fais en ton nom, c'est-à-dire Berthold? Non, non, t'as ça dans le Nouveau Testament. les disciples ils reviennent, ils sont tout énervés OK. parce que ils ont réussi à faire des exorcismes juste en disant, hey, Ben, au le nom de nom. Jésus, Ouais, c'est va ça. fuis cette. Puis ils reviennent le voir, puis ils disent, ça n'a pas de bon sens, même les démons nous obéissent. Ils sont tout énervés de ça. Ben oui, mais c'est parce que ils étaient pas capables par leur propre volonté, leur propre autorité. Fait qu'il fallait apprendre un support. Fait que c'est un peu comme quand Bernard il dit, quand vous êtes dans l'astral, criez-leur mon nom par la tête. Vous allez être immédiatement ramené dans votre corps. C'est sûr. Ça, mettons que tu fais un rêve, que tu commences à être lucide dans ton rêve, puis tu te rends compte que t'es pas dans la réalité, puis tu te mets à crier Bernard de Montréal, je te dis que tu vas te réveiller dans ton lit, ça sera pas long. Ils endureront pas ça. Ils sont pas capables. C'est sûr. Ben, c'est indigeste pour eux parce qu'il y a un décalage Ouais. vibratoire trop grand. C'est ça que je faisais quand j'étais petit, quand je me rendais compte que j'étais pris dans un rêve, puis que je voulais me réveiller, je me mettais juste à crier. Puis tu vois tous les décors se casser. Moi, c'était comme ça, devenait comme des miroirs qui cassaient. Ou des fois, je voyais comme des plumes de poule dans le vent. Ça se défaisait tout en morceaux, puis je me réveillais dans mon lit. C'était le truc que j'avais trouvé pour sacrer mon camp quand je me rendais compte que j'étais prisonnier dans des cauchemars ou des rêves, puis que je m'en rendais compte, puis je voulais me réveiller. Je me mettais à crier. Dans le fond, la forme que j'avais au niveau de ma perception, c'était que je criais dans ces plans-là, mais dans le fond, ce que je faisais en criant, c'est que je me mettais à vibrer une autorité. Oui, exactement. C'est tout. Ben, ce que certains vont dire, monter en puissance vibratoire pour, dans le fond, avoir une puissance plus élevée que les forces qui pouvaient, t'amener à te sentir pas bien, là. Ben oui, ben tu sais, je veux dire, comme tous les enfants, je faisais des cauchemars, sauf qu'à un moment donné, je me rendais compte que c'était des rêves. Puis, bon, fait que je me mettais à crier. J'étais pas content. Mais même encore, ça m'arrive des fois. À un moment donné, j'avais rêvé que j'étais dans une espèce de magasin. Je regardais ce qu'il y avait là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un rêve. Fait que je me suis mis à tout casser dans le magasin. Ça n'a pas été long, je me suis réveillé. Dans la star, je fais des crises de même. Même des fois, j'hésite. Je dis, en tout cas, si c'est pas un rêve, ça va me coûter cher en dommages. Parce que tu sais, quand tu es dans un état semi-onirique, tu n'es jamais sûr trop. Même si c'est arrivé des fois, moi, une affaire que j'aime bien faire en rêve, c'est m'envoler. Puis quand je restais dans une autre ville où j'avais un balcon qui était quand même au troisième étage, souvent, ben, je me disais, bon, je saute-tu le balcon pour m'en aller voler? Puis là, tout d'un coup, je venais avec un doute, puis je me disais, ouais, c'est pas un rêve, on va m'écraser à terre, tu sais. Tu sais, essayer de me taquiner avec le doute de même, j'étais jamais sûr. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que j'étais en semi-vol tout en me tenant après la rampe, puis même là, j'étais pas sûr. En vieillissant, je suis moins bon, là. Je veux dire, j'ai eu plus de misère à me réveiller dans mes rêves, là, si on peut dire. Quoique dernièrement, je me suis rendu compte dans un rêve que j'étais capable de léviter. Puis j'ai pas réalisé que c'était un rêve. Puis j'étais bien surpris d'être capable de faire ça. Puis je me suis pas rendu compte que dès qu'il se passe de quoi d'extraordinaire, on devrait se rendre compte, on devrait se questionner si tu réel, tu sais. Puis j'ai moins le reste réflexe-là qu'avant. Puis je pensais qu'en vieillissant, je deviendrais de plus en plus lucide dans mon sommeil. Puis c'est pas le cas. Je me fais avoir souvent. Fait que, bon, ça se peut qu'avec le temps, peut-être que je me suis tiédi, dans le sens que je suis peut-être même un petit peu moins conscient là que je l'étais il y a 3-4 ans. Des fois, je me pose la question. Parce que des phénomènes intéressants, il m'en arrive plus ben ben. C'est rendu rare. Je vais faire un rêve de temps en temps qui vont me faire ça pour me montrer que je suis un tata. Puis là, puis finalement, bon, mais des vraies expériences vraiment intéressantes, c'est plus du monde avec qui je parle qu'il y en a. Comme ils vont rêver à moi ou bien ils vont me sortir des détails. Puis là, je reconnais des choses, genre. La personne n'a pas juste rêvé de moi. Il y a vraiment une communication. Mais bon, peut-être aussi que c'est lié au fait que peut-être orgueilleux un petit peu sans m'en rendre compte. Mais en même temps, peut-être aussi avec le temps, tu es moins impressionnable par la forme. Ouais, mais dans ce temps-là, je serais supposé moi me faire avoir. Oui, mais peut-être que présentement, tu souffres moins que quelques années. Ouais, ça, oui. Parce que moi, la façon que je vois ça, ma lucidité, en tout cas dans mon cas, est comme inversement proportionnelle au niveau de souffrance. C'est plate, là, mais c'est quand que je souffre le plus dans ma vie que les choses m'apparaissent avec plus de clarté, que ce soit dans le rêve ou dans le quotidien, là. Et moi aussi. Et on n'est Dans le peut-être pas les fond, seuls. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent sur la ouais. même chose. Ben, ça nous ramène à l'espèce de logique qu'on a parlé. Depuis le début de l'enregistrement, là, que tout sert, puis même Ben oui. s'il y a une guerre entre des pays, ben ça peut amener plus de lucidité, là, cette souffrance-là. Et on dirait que les vrais plans de l'intelligence, là, ils veulent pas qu'on soit heureux, ils veulent qu'on soit conscient. Fait qu'il nous envoie de la merde. Ou qu'il Dire tout laisse ça. la marde arriver, il laisse le contexte se détériorer avec les semaines, les Ouais. mois. Donc, c'est comme quelqu'un qui sait très bien que quand ils vont manquer de gaz ou ils vont manquer, pardon, de carburant, à quelque part où ils sont plus capables de chauffer, à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent, là, tu sais. Ben oui. Ben c'est ça, les vrais évolutionnaires, ça peut pas passer par l'âme, ça peut pas passer par l'ego. Fait que, bon, finalement, on évolue juste si on n'a pas le choix. Fait que, bon, c'est des mécaniques un petit peu choquantes, mais c'est celles qui fonctionnent. En tout cas, bon, ben moi, je vais devoir te Oui, laisser, on va il est tard. arrêter là. Oui, exactement. En terminant par rapport à la thématique sur l'utilité pratique des contacts avec le plan éthérique, j'ai posé plusieurs questions. Je suis content parce que j'ai pu poser l'ensemble des questions que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. En fait, puis le but de la capsule aujourd'hui, c'est en complémentarité avec la dernière entrevue où ce qu'on abordait ton vécu personnel par rapport au quotidien. Là, je voulais amener une parole pour les enjeux qui reviennent souvent chez beaucoup de personnes, des questions de santé, de finances relationnelles. Tu sais, si on fait une conclusion par rapport à ça, finalement, ça revient au principe que l'ego peut pas vraiment contrôler ces aspects-là. Non. Ben, c'est pour ça qu'il y a cette patente-là, là. Ce qu'on a appelé le double, là. Oui. Ben, ça prend un cocher. Puis ça a l'air que c'est pas nous autres, tu sais, je veux dire, on est assis dans la diligence, là, dans la calèche, mais on peut pas être le cocher. Ben, dans le fond. Mais si le cocher fusionne avec celui qui est assis dans la calèche et devient une seule et même personne, à ce moment-là, on peut dire qu'à quelque part, on devient le cocher, mais on n'est plus l'être qu'on était avant. Non, c'est là qu'on peut dire qu'il y a eu une mort du vieil ego. Pour la naissance de l'individu fusionné qui va travailler en souveraineté, Ouais. association avec les plans, là. C'est là qu'on peut parler l'humain nouveau, là. T'sais, puis même là, à partir de ce moment-là, il y a même une fusion avec la calèche puis le cheval, là. Il n'y a plus de division. Puis le chemin, c'est comme le rayon qui passe à travers. Tout ça. Mais c'est. Mettons que c'est du stock, là. C'est assez épeurant, même, quelque part. Je veux dire, pour un ego psychologique, tu regardes ça, puis c'est épeurant. Parce que ça ressemble à la mort, tu sais. Il y a une dissolution là-dedans. Pourtant, c'est une illusion, ça. C'est vraiment aller vers la vie, là. Mais tu sais, on a peur de vivre. Oui, parce que souvent on est manipulé par l'astral qui nous garde dans la peur de vivre, puis ça nous empêche de déployer tout le potentiel qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, là, ouais. Ben oui. Bon, on est dans de la polarité. Fait qu'on a peur de la mort, on a peur de vivre. Fait que finalement, on a peur tout le temps. Oui, si on est manipulé par l'astral, mais la dépolarisation psychologique peut nous amener justement à faire preuve de plus lucidité. Puis à ce moment-là, ben, je pense que l'un des messages intéressants de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'était la question de la vision. Quand elle s'installe, ça amène une forme de compréhension plus multidimensionnelle. Puis là, à ce moment-là, en lien avec ce qu'on parlait quelques secondes, ça permet à la personne de sortir de la peur. Oui. Parce qu'à part observer, on peut rien faire. Puis finalement, bon, tu sais, je veux dire, pour ça, l'affaire de l'observation, ça revient tout le temps. Parce qu'on peut rien faire d'autre. C'est pas l'ego qui va faire quelque chose. Puis heureusement d'ailleurs, parce qu'on dirait qu'on fait rien que des affaires tout croche. En tout cas, bon, Oui, ben, mais moi, je c'est vais te bien souhaiter une parfait. bonne soirée. Fait qu'en terminant, je mentionne aux gens qui apprécient les capsules que je rends disponibles au public que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les moyens de paiement sécurisés que sont Interac, également PayPal. Vous allez retrouver des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Et naturellement, je remercie Berthold qui a une chaîne YouTube. Et vous allez avoir ces coordonnées là, également là, en bas de la capsule d'aujourd'hui. Donc, ça a été une bonne capsule, un peu plus de 3 heures. Fait qu'encore une fois, merci pour tout le temps consacré à l'enregistrement. Et je te dis à bientôt. Merci, au revoir.